Amen. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le premier-né des morts, le témoin fidèle, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Tous ceux qui sont dehors, là, entrez ici. Vous avez chaud, n'est-ce pas? Donc nous aussi, non, on n'a pas chaud, c'est pour ça qu'on est dedans. Vous allez bien? Vous allez bien? Vous avez remarqué qu'à la soeur, Paul vient, elle reste ici, non? Parce qu'elle dit que si on prêche beaucoup, comme elle habite loin, elle va tourner un peu, elle sort. Les jeunes se passent bien, n'est-ce pas? J'espère que les téléphones sont fermés. Voilà. Le climat, Dieu nous a bénis avec un bon climat pour qu'on puisse bien prêcher. Vérifiez que les téléphones sont fermés avant qu'on voie ce que le Seigneur aura à faire aujourd'hui. Il y a plusieurs enseignements qu'on n'a pas fait la deuxième partie. Il y a les enseignements sur les mauvaises pensées, le nettoyage des déchets issus des dénominations, la séduction par les miracles, sur la séduction par les miracles, ainsi de suite. Et puis seulement que le Seigneur nous permet donc de faire. Donc, la fin de ce mois-ci, souvenez-vous, je vous avais dit par rapport aux hommes que c'est le mois de décembre, le jeune mois de décembre qu'on sera concentré particulièrement sur le Cameroun. N'est-ce pas? La fin de ce mois-ci, avec le début du mois de décembre, lorsque vous réunissez, priez particulièrement pour le Cameroun. D'accord? Priez particulièrement pour le Cameroun. Les axes routiers, enfin tous les moyens de transport, pour tout le mois de décembre. D'accord, frère? Ce sont les péchés. Si vous prenez par exemple ce livre d'Ecclésiastes chapitre 17, verset 26, là où on dit que le cœur, que j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur était un piège et un filet. N'est-ce pas? Mais remarquez que le Saint-Esprit dit là-bas que ceux qui sont agréables à l'Éternel, lui échappent. C'est ça, non? Vous dormez? C'est pas ça? Hein? Frère Evelyne, nous savons. Il dit c'est ça, parce qu'il dit que c'est pas ça. Hein? Ecclésiastes chapitre 7. Lire le verset 26. Il est écrit: et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, oui, et dont les mains sont des liens. Oui. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voilà. Donc on voit effectivement que lorsque quelqu'un, on dit celui qui est agréable à l'Éternel lui échappe, le pécheur est pris par elle, dont elle va tendre son piège. Est-ce que quand vous marchez, vous voyez dans les cœurs? Remarquez bien la grâce et la miséricorde de Dieu pour ses enfants. On dit, j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet. Et on dit, et ses mains sont les liens. Tous ceux qui sont agréables à l'Éternel lui échappent, mais le pécheur, le méchant est pris par elle. Donc, il y a des pièges qui sont tendus, nonobstant le fait que tu sois enfant de Dieu ou pas. Il tend le piège. Je vous en prends ça pour vous amener quelque part par rapport à la prière pour le Cameroun. La façon dont on va, c'est pour vous comprendre ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc, la femme reste comme ça. Elle s'habille. Quand elle s'habille à la maison, tu sais parce qu'elle a dépensé. Le jour où elle a acheté son mini skate, ce qu'ils appellent matelot là. Quand elle fait comme ça, ça sert. Elle porte en dansant, en forçant. D'autres portent leur jean, elle dit que viens m'aider à tirer. On tire, on tire. Le jean lui-même lui dit qu'il ne veut pas entrer. Elle dit que force pour ça entre. Quand il dit qu'emballé comme la saucisson, moi, Véro dit que oh, toi aussi. Ce n'est que la seule. Vous voyez, quand vous ouvrez le saucisson, vous remarquez très bien que même quand vous coupez, pour détacher le petit nylon là, le nylon est tellement serré sur le saucisson. Pas vrai, frère? C'est la seule description qu'on peut faire de ces femmes-là. Alors, la Bible déclare ici que ceux qui sont agréables à l'Éternel lui échappent. Comment il parvient à échapper? Pourtant, la chose se trouve, les pièges se trouvent dans le cœur. Parce que Dieu le préserve. De la même façon, c'est comme ça, c'est la stratégie de Satan. Souvenez-vous que la Bible déclare dans ce livre de 1 Pierre chapitre 5 que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Il dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde avec ses différentes façons qu'il a fait. Donc, il cherche qui va faire tomber dans son piège. Mais le problème, c'est que toi, tu ne vois pas ses actions. Il faut seulement que le Saint-Esprit vienne dire que les choses que vous voyez comme ça, ce sont ces pièges qu'il a détendus. Vous voyez, les enseignements viennent pour éclairer nos chemins, pour que nous marchions, en ayant un chemin bien débroussé. Vous suivez, mes frères? Alors, ce qui se passe, c'est que le diable tend des pièges. Vous voyagez, par exemple, dans un bus, vous allez quelque part. Vous ne savez pas qu'il y a eu des réunions. Quand vous enregistrez, mettez-la à cette distance, ça ne doit pas vous aider. Ça, c'est enregistré. C'est où vous entendez à la maison. Quand vous enregistrez, vous donnez. Vous mettez-la pour cause de son plus être bon. Je ne comprends pas ça. Alors, ce qui se passe donc, c'est que lorsque vous voyagez, vous ne savez pas ce qui est arrivé dans le carrefour. C'est-à-dire que vous traversez des villages. Le véhicule traverse des villages, traverse des carrefours, traverse des gens. Vous ne savez pas quelle incantation on a fait dans le goudron. Vous ne savez pas ce qu'on a fait. Vous avez traversé sous le fond, vous entendez qu'on fait des sacrifices sous le pont chaque fois dans les eaux. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Vous voyez que c'est la grâce de Dieu qui fait quitter d'un point de départ à vous, un point B, n'est-ce pas? Vous avez lu ce psaume chapitre 21. Prenons ce psaume chapitre 21 là. Regardez un peu pour que vous compreniez ce que je viens de dire. Psaume 21. Psaume 121. Allons-y. Je lève mes yeux vers les montagnes. Oui. D'où me viendra le secours? Oui. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Oui. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Mm. L'Éternel est celui qui te garde. Mm-hmm. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Oui. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Oui. Ni la lune pendant la nuit. Oui. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Vous entendez ça, frère? Mais c'est terrible comme ce qui est caché dans ces psaumes-là. Vous tous, vous avez quitté vos maisons pour ici, pas vrai? Je vous pose la question. Le soleil vous a-t-il touché? Hmm? Le soleil vous a touché, pas vrai? Mais qu'est-ce qu'il révèle là-bas? Il dit quoi? Le soleil ne te touchera pas. Que le soleil ne te touchera pas. Hmm. Avant qu'il n'entre dans un enseignement, je préfère donner les choses superficielles et puis j'avance. Mais on va revenir là-dessus. Il dit, ni la lune pendant la nuit. Mais est-ce que normalement la lune frappe quelqu'un? Vous avez entendu que la lune vous a fait du mal? Frère, je vous dis qu'il y a des choses que si on dit de cette parole-là, vous allez déchirer votre Bible seulement. Il dit que celui qui garde Israël, il ne sommeille point. Parce que si Dieu dort, remarquez bien comment on est dans le territoire ennemi. Même les mondains voyagent. Vous voyez, celui qui conduit le bus voyage, avant de voyager, il dit qu'il boit. Quand il boit l'alcool, c'est là où il est bien vigilant. Ceux qui font de l'alcool écrivent sur les bouts de papier ou qui mettent chez eux, ils disent que if you drink, don't drive. If you drive, don't drink. Donc, si tu bois, ne conduis pas. Si tu conduis, ne bois pas. Lui, il dit que quand il boit trois castels, c'est là où il se sent à l'aise pour voir. Pendant qu'il roule comme ça, là, il est en train de mettre le mapuka pour tous les autres mesures obscènes en attachant la croix, vous appelez les chapelets catholiques là-bas sur le rétroviseur. Quand il passe quelque part, pam, il voit qu'il y a un accident quelque part là-bas, il met les mesures religieuses. Vous entendez maintenant? Jésus vient, nous t'accueillons tout le monde à l'intérieur, tu entends tout le monde devient chrétien. Parce que le témoignage qu'ils ont vu de les yeux montre qu'à moins un là, c'est vous. Quand ça vient, il faut seulement 30 minutes de marche. Il revient à leur ancien vomi parce que c'est leur nature. Observez, il dit quand on voyage, vous voyez toutes les couleurs seulement. Mais ce que le psaume 121 dit que c'est l'Éternel qui va te garder. Il gardera ton départ et ton arrivée. Il ne sommeille pas parce qu'en réalité, ça veut dire que les dangers nous guettent à chaque instant. Et il dit qu'il gardera ton âme. Maintenant, le soleil ne frappe pas plutôt l'âme. Ça frappe normalement notre corps. Mais maintenant, ici, il dit il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Puis il donne une révélation merveilleuse que si nous tous nous appréhendons, nous n'aurons pas peur. Il dit que l'Éternel sera ton ombre. Hein? Frère, qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Ton Vous avez la Bible avec vous? Vous tous ensemble, on dit quoi? L'éternel est ton ombre à ta main droite. Où? À ta main droite. Mais est-ce que l'ombre reste seulement à la main droite? Ça veut dire que si le soleil envoie l'ombre vers la main gauche, l'éternel n'est plus là? Il dit, j'arrive, on va arriver le jour où il va permettre qu'on enseigne toutes ces choses-là. Il dit, l'éternel sera ton ombre à ta main droite. Donc ça veut dire que s'il y a danger, tu fais tout, tout pour que ton ombre va à la main droite. Quand ça va à la main droite, tu dis, ouf, l'éternel est là. C'est ça, frère? Dieu veille. Dieu veille. Maintenant, suivez attentivement. Il dit qu'il ne permettra pas que le soleil te frappe pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Sans exception, tous ceux qui sont sous le soleil sont imbibés de les rayons solaires. Sans exception, il y a la présence de la lune qui nous touche chaque nuit. Quand la lune sort, pas vrai? Les rayons de la lune nous touchent chaque nuit. Parce que tout les corps lumineux exercent le rayonnement. Même que vous en soyez, c'est parce que pour le soleil ça chauffe, c'est pour cela que vous en sentez. Quand vous êtes devant un ordinateur, l'écran produit le rayonnement magnétique. Quand vous utilisez le téléphone, chaque fois qu'il y aura le man, ça produit le rayonnement magnétique, ça peut produire le cancer sur les oreilles. Donc, mais vous n'en êtes pas conscient. Quand vous êtes devant l'ordinateur, vous ne voyez pas. Vous voyez que chaque fois, les gens qui travaillent durement devant l'ordinateur, de temps en temps, enlèvent leurs verres pour faire les yeux comme ça. N'est-ce pas? Ils font comme ça, ils ne savent pas qu'en réalité, c'est parce que le champ magnétique en est traversé le cerveau. Comme ça, à longtemps, comme ça, ils vont devenir aveugles, ça s'en rend compte. De la même façon avec le téléphone. Alors, ce qu'il veut dire, c'est que Dieu a parlé que il ne doit pas permettre que le soleil te frappe pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Alors, et sans exception, le soleil frappe tout le monde. Vous voyez, c'est quand vous entrez, c'est souvent comme ça, vous faites comme ça. Que frère, il faut qu'on mette la clim ici, pas vrai? Alors, la nuit, vous dormez, vous ne sentez pas la lune. Vous marchez pendant la nuit, alors que la lune... Les puissances ténébreuses commandent à la puissance de la lumière et à la puissance des luminaires. Les puissances ténébreuses. Les satanistes travaillent en fonction de la marche de la lune et du soleil. Dieu est en train de dire, ils sont venus au Cameroun. Dieu est en train de dire, même s'ils font n'importe quel plan avec les lunes, avec le soleil, il va détruire ces plans-là. C'est ce que Dieu est en train de dire. Puisqu'il a dit dans ce psaume 19 là-bas, il a dit qu'il a fait le jour, le, quoi, la lune et le soleil pour marquer des temps et des saisons. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a en pleine lune, les sacrifices se passent en pleine lune, lorsque la lune est lancée, ainsi de suite, ce qu'ils font dans leur royaume là. Mais le remarquez bien que Dieu en réalité nous dit ici que quelque chose que eux ils sont en train de faire, il va disperser le plan. Quand on dit l'éternel te gardera de toute chute, il gardera ton départ et ton arrivée. Dieu garde de qui au juste? Dieu nous garde de qui? Si tu es en train de marcher, que Dieu doit te garder, ça se pense qu'il y a un ennemi invisible que tu ne vois pas. L'ennemi invisible que tu ne vois pas, Dieu dit qu'il va te garder de lui. Mais il dit là sans le citer. Remarquez bien quand le Seigneur est venu, quand dans ce Matthieu chapitre 4 là, lorsque le diable l'a tenté, vous remarquez très bien que quand il a cité le psaume 91, on ne dit nulle part là-bas que c'était de Jésus. On ne dit nulle part là-bas dans ce psaume 91 là. On dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il dit là-bas que il enverra ces gens, ils te porteront sur. On dit ils te porteront sur le pied. Satan a lu ça, il dit merde, c'est-à-dire que le gars, il va le protéger partout. Quand Satan est venu, il dit qu'il t'écrit à ton sujet. Pourtant, nulle part, ça ne dit que c'est de Jésus, on parle. Comment Satan a la révélation des Écritures, frère? Il applique ça à Jésus. Et Jésus le regarde comme ça. Il ne dit pas que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas de moi qu'on parle. Il dit, c'est de lui. Vous voyez cela? Il dit que voilà le temple, saute. Saute non, parce que s'il saute en l'air, on dit qu'il va envoyer ses anges, que les anges te portent sur les pieds. Mais attends, le Seigneur Jésus a marché sur l'eau, non? L'eau, c'est insolide. Hein? Donc il peut marcher sur le vent, pas vrai? De toute façon, quand il est monté aussi, il est monté comment? Sur le vent. Donc on n'a même pas besoin que les anges viennent le porter, pas vrai? Quand il est monté, il a défié la pesanteur. Il montait là comme ça sans qu'il y ait des fusées pour le propulser. Ou bien des gaz pour bombarder les neutrons pour le propulser. Donc il pouvait le faire. Mais l'aspect que je vous dis, c'est que remarquez très bien que chaque fois Dieu peut parler de Satan sans donner son nom. Parce que Dieu protège de la puissance satanique. Quand il dit, vous aurez des tribulations. Les tribulations vont venir de qui? De Satan. Mais vous prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quand il a vaincu le monde, ça ne veut pas que ce monde entier qu'il a vaincu. Il parle des dominations de ce monde, les princes de ce monde-ci. Parce que ceux qui exercent les dominations de ce monde-ci, ils vont utiliser toutes leurs attiries pour pouvoir nuire aux enfants du Seigneur. Alors donc, j'y reviens. Je suis en train de dire que c'est l'exemple qui va arriver. Voici donc la direction, ayant compris donc tout ce que je suis en train de dire là. Il y a des gens qui organisent des choses dans les champs, dans des eaux, dans les airs. suivez attentivement ce que je suis en train de dire, dans les airs, des réunions qui se passent dans les ténèbres pour pouvoir orchestrer ces choses-ci. Maintenant, ce que nous avons commencé à lire là dans cet Ecclésiaste chapitre 7, verset 26, il dit que ceux qui craignent les ténèbres, lui échappent, mais le méchant est pris par elle. Donc, vous voyez, quand les gens vivent dans le péché, c'est pour ça qu'ils ont les agents partout. Ceux qui entrent dans les bus pour vendre des remèdes, ce sont les agents. Ils vous font vous prenez tous là, tous ceux qui sont dans la voiture, vous prenez, sachant que si ça fait boum, vous tous vous êtes sûrs d'être dans leur camp. Faites attention. D'accord? Donc, d'exemple qui est d'arriver, il faut qu'on accentue les jeunes parce que le sacrifice pour le Cameroun est demandé. Le sacrifice pour le Cameroun est demandé. C'est-à-dire, des vies innocentes sont réclamées. Ceux du monde ne peuvent pas comprendre ces choses-ci. Ceux du monde ne peuvent pas comprendre. Ceux du monde ne peuvent pas savoir ce qui se passe. C'est à l'église de tenir pour eux. C'est à l'église de tenir pour eux. Quand ils tiennent l'embuscade quelque part, comme dans ce livre de Deutéronome, nous avons lu ici, un de ces jours, chapitre 7, là, vous voyez, le prophète Élisée dit au roi qu'on ne va pas à tel endroit parce que l'ennemi est en train de faire comme ça. Ça, c'est la tactique de l'ennemi physique. C'est comme ça qu'ils font dans les ténèbres. On va aller comme ça, on va guetter le chrétien comme ça parce qu'on connaît déjà leurs faiblesses. Quand ils se mettent sur la table pour commencer à étudier, parce qu'ils étudient tes faiblesses. Quels sont les points forts, quelles sont les faiblesses? Souvenez-vous, en tant que chrétien, les démons vous suivaient à la loupe. Quand vous êtes seul, les démons vous suivaient. Quand vous êtes déprimé, ils vous propulsent des pensées pour vous suggérer des choses. C'est dans ces faiblesses-là, c'est pour ça que vous devez avoir des cantiques sur les langues, je vous le dis. Vous devez avoir des cantiques sur les lèvres. Vous devrez avoir les cantiques sur les lèvres. Vous vous souvenez de ce psaume 18, là, le verset 4. Lisez encore cela. Je vais partir quelque part, le Saint-Esprit fait que me fait tourner autour de ces choses-ci. Psaume 18, lis le verset 4. Qui va lire là? Attends, passe au lit aussi. Passo, Ézéchiel n'a pas travaillé aujourd'hui. Il est où, Ézéchiel? Elle dit, ouais, papa, so, il est parti. Où, Alimbe? Il joue la vie. Non, il travaille. Le psaume 18, le verset 4 seulement. Il dit, je m'écris, loin soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Voilà, vous voyez, il dit, je m'écris, loin soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est terrible. Ayez le cantique et le louange sur la bouche. Quand vous êtes seul et que des moments de dépression arrivent, ce sont des pensées qui vous êtes propulsées pour vous attaquer. Donc, les chrétiens sont susceptibles d'attaque à tout moment. Souvenez-vous, quand vous dormez, vous dites, je dors, vous devez être dans les bras du Seigneur. Si vous n'êtes pas dans les bras du Seigneur, vous êtes vulnérable. À ce moment-là, vous êtes vulnérable. La preuve est que beaucoup mangent à ce moment-là. Beaucoup ont des couches de nuit à ce moment-là. Quelque chose ne va pas. Mais la Bible a donné dans le livre du Proverbe, chapitre 3, si vous notez le verset 20 jusqu'au verset 22, bien, prenez depuis le verset 18, descendez jusqu'au verset 22, dans ce Proverbe chapitre 3, prenez tout simplement la Bible, la sagesse, dites qu'elle est votre amie. Donc embrassez la parole avec de tout votre cœur, sans vous amuser avec elle, en désirant vivre avec elle, et vous allez voir ce que ça va dire. La Bible déclare donc que quand tu vas marcher, ton pied ne heurtera pas. Donc ça veut dire que s'il y a un piège devant toi, Dieu te dégage. Quand vous marchez comme ça, il dit, s'ils ont fait les incantations, vous passez souvent dans les carrés, vous voyez comment on a fait les incantations, on a cassé les choses en route. Quand vous voyez comme ça, on a cassé le livre là-bas avec les choses, avec les colas. Vous dites que c'est. Je cherche ma route. Quand vous voyez ça, vous avez peur, non? C'est ça le vrai problème, parce que vous avez vu. Il y a une manifestation visible. Maintenant, je vous pose la question. Vous marchez sur une route. Vous voyez justement qu'on a versé l'eau en route. Pour ceux qui habitent dans les maisons à proximité de la route. Hein, mes frères? Supposons donc que c'est les eaux qu'on a versées en route, là, soit les eaux qu'on a fait des incantations avec des cadavres. On verse là-bas. Puisque tu n'as pas vu des choses, tu sais que c'est l'eau qu'on a versée, pas vrai? Quand tu traverses, vous traversez où? Vous traversez où là? Ouais, pourquoi c'est le Seigneur qui doit nous garder, pas vrai? Pour l'autre cas, le premier cas que j'ai expliqué, parce que vous voyez la cola, l'arbre de paix, avec le calabasse qu'on a fait, avec le vin qu'on a fait, comme ça, avec les dents de quelqu'un. Quand tu vois, ça fait 500 francs. Même si tu avais faim et qu'il te manquait 5 francs, tu dis l'autre 5 francs là. Je ne prends pas. Pas vrai? Quand vous rencontrez maintenant un style d'argent, si c'est l'argent que quelqu'un a fait des incantations, jeté en route, comment vous allez savoir que c'est ce style d'argent qu'il ne faut pas ramasser? Vous allez voir le MJ de 10 000. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Vous prenez, pas vrai? Il y a des gens qui ont ramassé l'argent, ils sont devenus des chèvres. Donc, ils ont ramassé comme ça, là, ils ont été initiés. Qu'est-ce que tu vas savoir maintenant que si cet argent est initié ou si ce n'est pas été initié? C'est pour cela qu'il faut être plutôt dans le Seigneur pour que, on dit, ceux qui craignent l'Éternel lui échappent. C'est Dieu qui le fait échapper. Vous me suivez, frère? Donc, Il y a des pièges donc qui sont faits non visibles. Des réunions qui sont faites dans les ténèbres non visibles, qu'on ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'il dit donc que durant ce moment, c'est la fin aussi. Que tout le mois, quand vous réunissez, passez du temps là-dedans. Passez, même s'il fallait que vous preniez 3 heures, vous priez, après vous rentrez comme ça. Priez sur le ciel du Cameroun. Priez que tous les esprits, toutes les réunions sataniques qui sont faites dans les ténèbres, que ce soit dans la forêt, sur les eaux, dans le ciel du Cameroun, que tous leurs contrats avec le Cameroun pour réclamer le sang soient annulés. Priez ainsi. Vous vous souvenez du dernier chapitre de 10, n'est-ce pas, que nous avons lu ici une fois? Lorsque l'ange est descendu pour donner la réponse à Daniel. Quand il a dit que le prince des Javans, il m'en vient, le prince des Javans vient, n'est-ce pas? Il dit que je suis resté au roi, auprès des rois des Perses. Alors, ça veut dire qu'il y a les dominations qui contrôlent le pays. Ce n'est même pas quelque chose à dire encore ou à démontrer. Donc, il faut qu'on fasse attention. Des réunions se passent parce que des sacrifices sont réclamés pour le Cameroun. Il dit pour le Cameroun. Il dit parce que je vous avais dit que le mois d'examen, il faut qu'on regarde cela bien. Et souvenez-vous encore les hommes de ce que je vous avais dit par rapport à cela. Donc, suivons ça jusqu'au 1er janvier. S'il y a modification, je vais vous dire. Donc, vous priez pour que dans le ciel du Cameroun, quand il parle dans le ciel du Cameroun, ça se pose que ce que vous voyez comme route, si vous voyez la carte du monde, vous voyez comment l'Afrique est, par exemple, vous voyez le continent africain, il y a les démons continentaux. Vous voyez, dans le continent, vous voyez les pays sont divisés. Il y a les démons territoriaux. Dans le pays, il y a des différentes régions, il y a des démons régionaux. Comme vous voyez comme ça, c'est comme ça la stratigraphie. Alors, lorsque vous voyez, quand on parle ici du Cameroun, ça suppose que les entités qui contrôlent le pays, tout le pays, le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous citez région après région, vous en avez 10. Les styles du démon qui exerce au sud, ce n'est pas la même chose que se réalise au nord. Vous allez aller au nord, vous allez voir que l'impudicité n'est pas assez poussée. Il dit, vous allez au nord, vous allez remarquer que l'impudicité n'est pas poussée. Les gens sont encore dans la décence là-bas et dans la crainte. Donc, certaines valeurs y sont. Mais au sud, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'on est plus proche des esprits des eaux. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Remarquez donc, du côté de l'ouest, vous allez regarder les styles d'esprits qui habitent là-bas. Les esprits de l'idolâtrie. Les idolâtries, c'est des esprits de forêt qui sont là-bas, en clair. C'est pas ça, c'est frère. Mais tous là, que ce soit n'importe quel nom, c'est les esprits démoniaques. Il faut qu'on les disperse, n'est-ce pas? Donc on va prier. Pendant tous ces moments-là, priez seulement que toutes les réunions qui sont faites pour réclamer des vies au Cameroun, que leurs plans soient annulés. Que ce soit pour frapper dans les catastrophes naturelles, les airs, par les feux de forêt, par l'inondation. Bon, lorsque vous arrivez sur l'inondation, c'est ça qui est le plus difficile. Les esprits des eaux, parce que c'est les esprits les plus ténaces, les plus violents. Vous me suivez, frère? Passez du temps dans la prière. Ça va préserver des vies, ça va préserver des vies. Par la suite, quand vous allez passer en tant que chrétien, on va vous insulter, mais il n'y a pas de problème. Il n'en demeure pas moins que nous travaillons pour le royaume. Ça, je suis en train de vouloir parler des autres choses, mais il faut qu'on soit concentré sur le Cameroun. Une fois ici, j'avais dit que dans un enseignement, je ne sais pas où, dans quel enseignement, j'avais dit que qu'est-ce que Vladimir Poutine va faire dans les ténèbres, n'est-ce pas? De quelqu'un, vous vous souvenez ça? De quelqu'un d'aller sur le terrain et rentrer. Et j'avais dit dans un autre enseignement qu'il sera attaqué. Qu'on va tenter de le tuer, n'est-ce pas? Et ça, mais ça ne doit pas réussir. Et après ceci, ça va rehausser son blason sur le plan international. Vous avez suivi cet enseignement-là? Où j'avais dit cela? Vous savez qu'il avait été attaqué, n'est-ce pas? Vous savez que la semaine dernière, on a essayé de le tuer, pas vrai? J'avais dit une fois que. Pendant qu'il parlait que les gens quittaient l'Amérique, dites à vos frères qui sont là-bas que quittaient l'Amérique. Ils n'ont que deux alternatives. Ou ils quittent, ou bien ils vivent clairement comme Dieu. Dieu veut. Pourquoi on soit comme il a dit ici, qu'il va préserver ceux qui craignent les ténèbres, il les préserve. C'est le seul. Et j'ai dit, le signe c'est que le président sera amené à l'hôpital. Pas vrai? Il était allé à l'hôpital. Ha. Donc, si vous avez des amis qui sont en Amérique, pour ceux que vous allez en Amérique, si vous allez en Amérique en tourisme, allez. Mais si vous allez le jour où ça va commencer, c'est votre problème. Mais si vous en êtes d'aller, vous en êtes rentrer. Parce que beaucoup vont aller, le monde de rentrer, même les aéroports, ce sera congestion. Ça sera saturé. Donc, vous avez des amis, les gens qui sont à l'intérieur, dites quitte l'Amérique. Quitte l'Amérique. Et souvenez-vous seulement de cela. Imaginez que Noé vienne. La Bible déclare que Noé est venu, l'autre est venu dire à ces gens-là que sors de ces villes parce que l'Éternel va détruire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Paraît comme plaisantin. C'est comme ça le vrai problème. Quitte l'Amérique. Regarde comme ça, quitte l'Amérique. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La Russie va frapper les États-Unis. La Russie va frapper les États-Unis. Quitte l'Amérique. Quitte l'Amérique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Et la dernière fois, une fois, j'ai dit que j'ai vu quelque chose qui a un conflit qui va commencer dans les eaux. J'ai dit que j'ai vu l'eau, quelque chose monter comme ça, comme si l'eau mélangeait avec le feu, pas vrai? Il dit, mais qu'est-ce que le feu fait dans l'eau? Ça, c'est pas le songe. J'étais le causant mon épouse, devant, à côté d'elle comme ça. J'ai vu ça, j'ai vu la chose devant elle à sa gauche. Je me suis tourné, dit, ça c'est quoi? Il dit, c'est quoi? Il dit, bah, c'est l'eau mélangeait le feu. J'étais de regarder, vous savez, quand ça tombe, c'est comme si quelque chose tombait dans l'eau en grosse quantité, boum, et que l'eau est soulevée comme ça. Ça, c'est un conflit qui va naître au niveau des zones territoriales, des zones de l'eau. Dites à vos voisins, à vos frères, quittez l'Amérique. Ceux qui sont dans la zone de Californie sont les plus en danger. Mais de toute façon, concentrez-vous sur notre pays, le Cameroun. Concentrez-vous sur notre pays, le Cameroun. Ma Bible, il n'y a pas de Bible aujourd'hui. De toute façon, on peut commencer maintenant. Donc, prions pour le Cameroun. Prions pour le Cameroun. Le tourbillon. Qu'est-ce qui se trouve dans le sang? Et un des autres, je veux dire qu'il y a une nouvelle, n'est-ce pas, frère? Ce n'est que la façon dont je peux parler. Pour les autres, comme vous voyez là, je peux dire clairement que ceci va arriver. Mais ici, là, vous dites que vous bougez la tête ici. Si on dit qu'il est où, vous dites qu'il habite dans Godi Bakoko. Est-ce qu'on a peur de tout cela? Voilà. S'il n'y a pas de questions, on avance sur un terrain ce soir. Par la grâce du Seigneur, jusqu'à on voit ce qu'il en est. Et repose ma Bible là. Qu'est-ce qu'on peut voir ce soir? Mais sur la tête, donc prions et que Dieu nous puisse nous donner un sujet. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes grâces, pour tes refaits dans nos vies. Merci pour tes directions, merci pour tes enfants qui sont venus nombreux. Merci, Père de gloire, pour les cœurs que tu continues à travailler. Merci pour nos vies. Merci pour la santé de nos os. Merci pour la protection que tu nous accordes. Merci, Père de gloire, parce que nous sortons sous ta grâce, nous rentrons sous ta grâce. Merci parce que nous dormons sous ta grâce. Alors que l'ennemi cherche à nous envahir chaque fois, tu es notre protecteur et notre rédempteur et notre rocher. C'est en toi seul que nous nous confions. Père, ce que notre intelligence ne peut pas saisir, toi tu le fais au dépend à quoi? Au-delà de toute notre force et de toute notre pensée. Nous te sommes reconnaissants pour toutes ces choses. Nous nous recommandons entre tes mains ce soir encore et nous apprenons de toi, Saint-Esprit, afin que toi-même, tu viens et applique ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Puisse nous sortions ici, Père de gloire, béni par ta parole et par toutes tes grâces au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et quoi qu'on ferme de commencer quelque part là. Notez le livre de Marc au chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 1 à 13. Marc chapitre 6, verset 1 à 13. Marc chapitre 6, verset 1 à 13. Notez 2 Corinthiens chapitre 10. Oui, 2 Corinthiens chapitre 10. Ah, c'est merveilleux, mon cœur bouillonne déjà, donc on ferait mieux d'y aller. Marc chapitre 6, verset 1 à 13. Permettez-moi de trouver. Qu'est-ce que ça dit là-dedans? Donc, préparez seulement le stylo avec vous. Donc, lorsque le moment viendra, on pourra. Je crois que. Marc chapitre 6, verset 1 à 13. Que notre Seigneur vous bénisse, d'accord? Marc chapitre 6, verset 1 à 13. Je vais lire. Suivez très attentivement et surtout veillez à ce que le téléphone ne sonne pas. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Vous y êtes? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Vous savez, quand on lit comme ça, le capitaine dit que non, oh, frère, ça ne veut pas dire frère. Vous savez, quand on veut prendre les tournures, on dit, n'est-ce pas le charpentier? Il laisse que charpentier me dit charpentier. On dit, lorsque n'est pas, c'est pas le frère de José, de Simon, de Jacques. Il dit, non, non, le frère, si, c'est pas frère comme tu comprends là. Frère, ça veut dire cousin. Ce sont les cousins, parents, ce sont des parentés. Parce que en termes grecs, il n'y avait pas encore de quoi? Des cousins, le mot cousin, c'est ça? Dieu les aide. Ouvrez Colossiens chapitre 4, vous allez reconnaître quelque chose là-bas. Colossiens chapitre 4. Vous savez, c'est pour ça qu'il ouais, n'y a pas de conventionnel, mais pour prêcher. Vous voulez suivre un ligne comme ça, ça ne vous entraîne pas ici. Comment on va faire pour voir les sermons? Vous y êtes, frère? Je peux lire? Chapitre 4, permettez-moi de dire, c'est, parce que c'est amusant tout simplement parce que vous savez, quand vous voulez prendre un argument pour lutter contre la parole de Dieu, vous n'aurez que votre, les bosses qui vont vous venir. Alors regardons le verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc. Le cousin de Barnabas. Alors maintenant, quand eux ils prennent comme ça, ils disent que non, c'est parce que le mot cousin n'existait pas. Mais ça existe à vous. Que non, c'était leur cousin. Donc quand on, si on voulait écrire cousin, on aurait écrit cousin, mais on a dit frère. L'apôtre Paul qui a écrit, en écrivant ici dans ce Colossiens, si regardez bien, il dit, Aristarque vous salue, de même que Marc, virgule, le cousin de Barnabas. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça, il a dit cousin. Donc l'apôtre Paul sait que c'est le cousin. Cet apôtre-là, dans 1 Corinthiens chapitre 9, lorsqu'il va vouloir parler de, n'avons-nous pas le droit aussi d'amener une jeune soeur, une soeur qui soit notre femme, comme le fait Céphas et Jacques et le frère du Seigneur. Là-bas, il a encore mis frère, parce que c'était son frère. Parce que si l'apôtre ne connaissait pas cousin, il ne devait pas mettre cousin là-bas et mettre frère ici, alors que c'est toujours cousin. Pas vrai, frère? Ah, les esprits démoniaques contre la parole du Seigneur. Donc, quand les catholiques lisent comme ça, c'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent tout et tout pour que mes maris n'aient pas d'enfants autre que Jésus. Donc, vous pensez que Joseph allait payer la dot là pour rien? Pour rester comme ça, vivre là, regarder comme ça, que Marie, tu es belle, hein? Tu es vraiment sainte, hein? Sainte. Vous parlez. Que Dieu nous en préserve, n'est-ce pas? Les catholiques ont besoin de délivrance. Donc, verset 3, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, on a le principe pour que vous sachiez vraiment de qui il est, frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Donc Marie avait des enfants, vous voyez, non? Elle a des pontes ovulaires, beaucoup de pontes ovulaires, des rencontres dedans, à danse de gamètes. Il était pour eux une occasion de chute. Remarquez bien. Avant de développer ce que je vais développer ce soir, remarquez que ce sont des voisinages qui connaissaient Jésus. Ce sont des voisinages qui connaissaient Jésus, qui observent que quand il parle, des choses changent. Il parle, sa façon de parler est différente des autres façons. Quand il fait des choses, des miracles se manifestent. Au lieu d'aller au-delà des miracles, chercher les grâces qui se trouvent derrière, ils se sont tournés vers la chair. Et quand ils sont tournés vers la chair, la Bible déclare que c'est occasion de chute. Vous voyez? Quand vous voyez l'occasion de chute, ne pensez pas seulement au péché, que non, non, non, parce qu'il m'a fait chuter, mais ton nom. Faites attention, remarquez bien, la dernière fois quand je vous ai dit, nous avons lu ici un de ces jours, Nombre chapitre 14, dans Nombre chapitre 14, où les gens ont dit, que il fallait qu'on meure en Égypte sous les concombres, nous nous souvenons de ces concombres. La Bible déclare que c'est les murmures contre Dieu. Vous voyez ce que ça veut dire là? Les murmures contre Dieu. Donc, murmures, ça ne veut pas dire que non, Dieu là ne nous aime pas. C'est pas ça. Quand vous voulez n'importe quelle définition, regardez comment Dieu a dû punir ce genre de choses. Ici, il dit que c'est une occasion de chute. Le seul fait qu'ils ont dit que mince. Mais quand vous regardez, la façon dont les gens vont s'exprimer, vous croyez que c'est l'étonnement. Vous croyez qu'ils sont étonnés que mince. D'où lui vient cette sagesse? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, N'est-ce pas ces frères qui sont José, Simon, Jacques, ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous? On dit qu'il était pour eux une occasion de chute, parce qu'ils le regardaient. En réalité, voici la chose qui se cache derrière. Quelque chose ne va pas avec ces garçons. C'est sûr qu'il a mis la main quelque part. Alors, c'est pour ça qu'il dit, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous allez recevoir les récompenses des prophètes. Mais lorsque le don spirituel exerce dans la vie de quelqu'un, vous regardez à la chair, vous allez perdre la donnée. Lorsque le don spirituel commence à entrer dans la vie de quelqu'un, commence à se manifester dans la vie d'une personne, vous laissez Dieu de côté et regardez à la chair, à votre affinité avec la personne, vous perdez la donnée. Donc nous allons voir la deuxième partie des dons et appels. C'est ça, en fait, ça nous conduit par là-bas même déjà. Donc, remarquez bien cela. Remarquez, ce sont ces voisinages. Et si on veut regarder quels sont ces voisinages, les gens pour qui doivent devoir faire du bien, on dit en anglais souvent que charity begins at home. On croyait qu'il devait faire d'abord du bien à ses voisinages. Non. Dieu n'est pas encadré dans le par les principes humains. On devait s'attendre à ce qu'il fasse d'abord les voisins. C'est même ses voisins et ses proches. Enfin, ses propres frères et sœurs. Dans Jean chapitre 7, on dit que ses propres frères ne croyaient pas en lui. C'est ça, frère? Ils ont dit, ok, tu fais des miracles, hein? Ok. Parce que les frères connaissaient qui sont les juifs. Quand il va être lapidé, ne te donne pas le lait. Il dit, ok, soit alors, va dans l'autre contre pour que tes disciples. Vous voyez, d'autres personnes disent que non, le verset, c'est comme on dit que ce sont ses frères, on voulait dire ses disciples. Mais dans ce verset, vous avancez dans Jean chapitre 7, ça contredit encore parce qu'on dit que ses propres frères disaient que soit pour que tes disciples croient en toi. Donc il y a différence entre les frères de Jésus en tant que frères de la chair et les frères de Jésus en tant qu'appartenance maintenant dans l'esprit. Vous voyez? Donc ses propres frères disaient que non, va donc dans le contrôle, va donc, sors donc. Parce que nul, s'il veut se faire voir, ne se cache. Comment tu veux rester à la maison? Tu prêches dans la maison. Va aussi dans le contrôle, pourquoi les gens croient en toi? On dit que parce que ses propres frères ne croyaient pas en lui. Me suivez, frère? Donc nous allons voir cette deuxième partie. C'est une pierre d'achoppement que de regarder quelqu'un avec affinité. Et la nature humaine est comme ça. Vous regardez vos anciens amis avec qui vous avez fréquenté, ceux avec qui vous avez joué au ballon. Quand tu prêches la parole, vous allez te regarder comme ça. Tu dis, mais c'est sûr que tu es entré quelque part. Quelque chose ne va pas. On vous a donné quoi à boire? On a craché dans ta bouche. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mangé quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi qui étais intelligent. Je te connais. Ah, toi, je te connais. Laisse-moi les affaires de Dieu que tu dis là. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas la personne en réalité? Parce que si quelqu'un est effectivement en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ça le mystère. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Prenez ces 2 Corinthiens chapitre 5 là, regardons quelque chose. Regardez. 2 Corinthiens chapitre 5. Gardez-le dans la Sainte Marc chapitre 6 parce qu'on va avancer sur la deuxième partie des dons et des appels. Oui. 2 Corinthiens chapitre 5, frère, lis-moi le verset 15, voir. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, oui, mais pour celui qui est mort et resté pour eux. Donc, ceux qui sont morts, celui qui est mort maintenant est mort pour d'autres personnes. Déjà, les personnes maintenant qui vivent maintenant ne vivent plus pour eux-mêmes. Vous voyez ça, frère? Voilà la vie chrétienne. Je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour le Seigneur. Donc, toute ma vie dépend du Seigneur. Alors, par conséquent, je vais voyager si le Seigneur le veut. Tu viens à la maison si Dieu le veut. Qu'est-ce qu'il a dit si Dieu le veut? Dieu ne t'a pas créé libre, mais il est mort afin qu'il ne vive plus pour moi-même. Vous voyez cela? Maintenant, c'est ça qui fait que le langage commence à changer. Ça commence à créer des distorsions entre nous et les gens. Maintenant, verset 16 dit quelque chose, regardez. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Oui. Et si nous avons connu Christ selon la chair, oui, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Vous avez vu cela? Donc, c'est ça la différence. J'aimerais passer sur ce verset seulement pour parler de la divinité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, il a fallu encore le révéler. C'est pour cela qu'un livre est écrit à ce sujet-là pour pouvoir le révéler. Parce que Christ étant dans la chair n'est pas le même Christ qu'on voit dans l'Apocalypse. La personne dans ce livre des gens qui se met sur sa poitrine, se couche pour demander que Seigneur, est-ce moi qui vais te livrer ainsi de suite? Il le voit là-bas, celui-là, il est prosterné devant lui, comme mort. On dit que sa tête était comme... Mais Jésus qui marchait sur la terre, il avait les yeux effolorés. Il avait les yeux comme le flamme de feu. Que lui est-il arrivé? Le témoin de Jéhovah dit qu'il a reçu la notice angélique. Que c'était Michael, le nom qu'il avait avant. Vous allez même finir, vous là. Chaque groupe a son problème. Il dit que c'était la notice angélique. Que Michael, pourquoi? Vous savez, vous lisez dans votre livre, là, ce document. C'est quand c'est réellement la Bible. Ce qui est dans le document, à la page 218. Vous allez voir cela là-bas, la page 218. Il dit que Michael. Vous savez, c'est ça qui m'étonne. Permettez-moi de poser la Bible si je parle un instant. Si je me trompe, mon ami Arnaud va me corriger là-bas parce qu'il était versé dans les Écritures jéhovaïques. Vous savez, c'est la même stratégie. Si vous prenez les compétences de l'Église catholique, c'est pour ça que vous pouvez surveiller Satan et connaître ses méthodes. Vous voyez comment il agit. Satan ne vient pas dire que la parole de Dieu est fausse, non. Il va présenter d'abord même la même parole là. Mais il a de t'amener quelque part. Vous me suivez, frère? Quand il est venu dans le jardin, il n'a pas parlé d'une autre chose. Et vous allez entendre, il a parlé de la poule. Il a parlé de l'animal. Il a parlé de l'arbre. Maintenant, regardez bien. Quand vous lisez le compendium de l'Église catholique, vous allez voir, on pose des questions. Il y a des questions qui sont posées, on donne les réponses. Est-ce que vous comprenez? Quels sont les 10 commandements? On dit selon Exode. Ils écrivent selon Exode, c'est passé les 10 commandements. Après, quand ça arrive à un niveau, le fait qu'on ait cité la Bible, on met Exode chapitre 20. Vous arrivez quelque part, on met le verset biblique qui est situé là. À un moment donné, quand vous avez contrôlé la Bible, vous avez contrôlé la Bible. À un moment donné, on ne met plus le verset biblique, vous ne vous rendez plus compte. Parce que vous êtes sûr que ça vient de la Bible. On a commencé avec la Bible. Vous êtes fatigué de consulter la Bible des prochains, maintenant vous admettez sans vous en rendre compte. Satan. Satan, la séduction. Alors, dans ce livre de séquencer réellement la Bible, à la page 218, il parle de Jésus. Qui est Michael? Ils expliquent Michael avec Jésus. Enfin, ils mettent le rapport entre 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 et 16. Lorsqu'on parle de l'archange, il commence à définir. Regardez bien. Lorsqu'on parle de l'archange, non, c'est pas cette façon. Parce que ça me fait rire, c'est pour ça que je me suis arrêté ici pour vous expliquer la chose. Ils disent que plusieurs personnes ont des noms différents. Par exemple, ils commencent. C'est pas ça, Anno? Par exemple, Simon Pierre est encore appelé Cephas. C'est pas vrai? C'est vrai. Qui encore, on a encore changé le nom de la Bible. Saul. Que Saul est encore appelé Paul. De la même façon. Vous voyez? De la même façon. Comme, ça, c'est clair. Quand tu dis la Bible, est-ce que Pierre n'est pas Cephas? De la même façon, Michael est un autre nom de Jésus. Comment étions-nous arrivés là-bas? D'abord, première considération. Michael veut dire celui qui est semblable à l'Éternel. Bon, il ne suit pas l'Éternel, c'est Jéhovah. Parce que c'est ce que Michael dit. Et quand tu regardes la division, c'est ça. Fais attention. Quelque chose peut être vrai sans être de la vérité. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quelque chose peut être logique sans être vrai. Et sans être de la vérité. Mais tout ce qu'on te dit, c'est logique. Parce que quand vous manque, vous allez prendre votre argent et venir donner à quelqu'un. La personne vous dit des choses qui sont convaincantes. En voyant que tu as donné 30 tes yeux, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as quand même donné de l'argent. Pourquoi? Comment est-ce qu'on arrive à se conclure? Donc, un, il commence à construire la pièce de puzzle. Michael veut dire ce qui est semblable à l'Éternel. Deuxième point, Michael, lorsque la Bible parle de Michael, chaque fois dans la Bible, on l'utilise archange. Ces mots utilisés au singulier chaque fois et ça en rapport avec Michael. Quand vous lisez la Bible, c'est vrai. Or, parce que Jude chapitre 1, verset 9, dit, or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait le corps de Moïse, n'osa pas porter un jugement contre lui, un jugement injurieux contre lui, mais il dit que le Seigneur te réprime. Quand vous regardez, c'est vrai. Oui, tant que vous n'avez pas la base de Dieu pour contredire cela, vous allez voir que c'est logique, pas vrai? Deuxième chose, lorsque la Bible parle du Seigneur Jésus, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, en rapport avec lui, on dit qu'il a une voix d'archange. Donc, cela laisse à penser qu'il n'y a qu'un seul ange de ce rang-là. Parce qu'on a dit archange au singulier. Il n'y a pas dans la Bible archange au pluriel. Qu'est-ce que vous allez, vous ne pouvez pas dire mieux? C'est vrai ce qu'ils disent. Parce qu'archange, on dit archange, ça dit chef des anges. Pas vrai? Voilà. Il dit, cela laisse à penser qu'il n'y a pas. Cela laisse à penser. Vous voyez là où ça le Bible, c'est pas? Cela laisse à penser. Comme la Bible a déjà utilisé, chaque fois qu'elle dit l'archange, parlant de l'archange Michael, on utilise ça au singulier. Cela laisse à penser qu'il n'y a qu'un seul un ange de ce rang-là. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4 dit que dans la version que Jésus a la voix d'un archange. S'il y a un seul ange de ce rang-là, et qu'il n'y a qu'un seul archange, et qui s'appelle Michael, logiquement, tu dois admettre que celui qui a la voix d'archange, c'est Michael. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on parle de Jésus qui descend sur le ciel dans les cieux. Donc, autrement dit, par conclusion, Jésus, c'est Michael. C'est quand même terrible. Vous regardez comme ça. C'est pour ça que vous voyez, l'un des titres les plus glorieux qu'on puisse donner à ce livre, le document-là, c'est qu'enseigne, c'est que la Bible n'enseigne pas. Donc, non, c'est le titre de, la, de ce livre-là. C'est que n'enseigne réellement pas la Bible. Donc, vous lisez ça, sachez que c'est les fausses doctrines qu'on a donné là-bas. Mais c'est ça qui est distribué aux gens. Ouais, quelqu'un, chacun, il a devant sa porte une liste. Là. Quand il liste, il s'est nourri des faussetés. Donc, quelqu'un va liste, là, il va savoir que Jésus-Christ est l'archange Michael. Donc, ça va nous dire archange, ça veut dire que c'est le chef des anges. Donc, première chose, il est d'abord ange avant d'être chef. N'est-ce pas, frère? Ok, s'il est ange avant d'être chef, Hébreux chapitre 1 nous dit, mais au fils, il dit, ton trône est un trône éternel. Sur toi, il dit que c'est pourquoi ton Dieu t'a honoré. D'une une au-dessus de tes égaux. Après, il dit, aucun des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Donc Dieu ne peut pas dire à un ange que tu es mon fils. Les témoins, je vais dire, soutiens donc que Jésus était un ange. Mais pourtant, Dieu dit à Jésus que tu es mon fils. Et la Bible dit, Dieu n'a jamais dit à un ange que tu es. Hébreux chapitre 1 contredit la doctrine des témoins, je vois. Ce n'est que ça, le chapitre 1. Le chapitre 7 dit que souviens-moi que c'est celui qui est semblable au fils de Dieu, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement des jours, ni fin de vie. Donc Jésus est notre Melchisedec. La Bible dit qu'il n'a ni commencement. Or, les anges ont été créés. Vous voyez là? Donc, deux passages de Hébreux déjà contredit toute la doctrine des témoins de Jéhovah. Mais maintenant, il va falloir arranger maintenant. D'où vient-il que l'archange est utilisé au singulier? Prenons maintenant l'armée. On va prendre l'armée pour résoudre le problème. Dans l'armée, prenons l'armée camerounaise. Y a-t-il un général? Il y a combien de généraux? Il y a un? Ils sont nombreux. Bon, maintenant, on va prendre des brigades. Voilà. On va prendre le général le plus gradé. Il s'appelle qui? Pierre Semenge. On envoie Pierre Semenge chaque fois quand il y a des situations difficiles. Il va au combat. S'il arrive, par exemple, à Bamenda, alors qu'il y a les troubles à Bamenda, pour parler aux gens, je vais écrire par rapport à cela que le rapport. Je vais écrire des généraux Semenge, frère. Je vais dire que d'après la rencontre qu'a eu le général Semenge avec les contestataires, je vais écrire général avec quoi? Avec AUX? Non. Je vais écrire quoi? Ok, maintenant, supposons maintenant que quelqu'un qui est à l'extérieur du pays prend le journal du Cameroun en train de lire. Il dit, les émeutes qu'il y a eu récemment à Bamenda, le général Semenge est apparu avec les... Je dis, c'est un exemple, d'accord? Pour que vous puissiez saisir cela. Pour regarder que les témoins de Jéhovah, c'est les bêtises des bêtises. Alors maintenant, le général Semenge est intervenu et a calmé les contestataires. Un autre jour, il y a contestation comme dans, il y a eu en février 2008. Le général Semenge est encore envoyé à Douala parce que c'est l'homme des situations difficiles. Ils voient, on dit, le général Semenge, soutenu par ses troupes, est descendu avec les billes à Douala et il a calmé. Alors, la personne dit, il dit, comment il a vu Semenge à Bamenda, vu Semenge à Douala, cela laisse à penser qu'il a fait ce général au Cameroun. Ah, vrai frère. Donc, voilà l'argument de témoin de Jéhovah pour soutenir que Jésus-Christ est un ange. Et que Jésus-Christ est un archange. Vous voyez ce qu'on en est, n'est-ce pas? Or, la Bible elle-même dit qu'il n'y a pas un seul chef des anges. La Bible. Et c'est cela que ça fait l'effet. Où vont Daniel là avant de revenir? Je ne sais pas, je sens d'enseigner quelque chose, ça m'amène dessous, toujours à ces choses-ci. Le livre du prophète Daniel. Quand il vous dit, qu'un dessin, je vais vous parler des achoppements. Des achoppements. Des pieds d'achoppement. La page 890, je ne sais pas sûr. Ouvrez Daniel chapitre 10. Ce qui est amusant, c'est que dans les propres bibles, c'est là-bas. Ça veut dire que vous créez les doctrines n'importe comment, Dieu vous concasse au point où vous oubliez. Et je vous avais dit que même les traditions du monde nouveau que vous avez à la maison, gardez, vous allez voir. Quand ils vont modifier, un jour, Ésaïe chapitre 9, verset 6 et 5, là où D avec grand D, ils vont mettre petit D, mettre assez là-bas, essayer d'expliquer plus dans d'autres bibles. Pour essayer de nous garder votre verset, vous dites, voici la maison de tradition du monde nouveau. C'est déjà fait, frère. Ouais. Frère Arnaud est sorti là-bas, il a tué les yeux un peu là-bas comme ça. Vous avez vu, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, ça dérange les docteurs. Il faut se rendre compte que le D qui est là-bas, le grand D, là, c'est Dieu. Tu ne peux pas dire le contraire, c'est Dieu. Jésus, on ne parle là-bas. Qu'il est Dieu puissant. Jésus est Dieu. Même si vous enlevez puissant de ça, il est quand même Dieu. D'abord, même si vous contestez, il est quand même Dieu. Maintenant, si vous enlevez mes petits dieux, maintenant ça crée problème. Donc Jésus est un petit Dieu puissant. Il y a deux grands dieux. Donc, ils ont deux dieux. Les témoins, je vais attacher, chercher le bois, attacher le pied dessus. Il faut la repentance seulement. Donc, si les gens nous écoutent, il faut seulement qu'ils en sortent comme le frère Arnaud là-bas. Cette doctrine, ça veut dire que vous prenez deux passages. Et dans le Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était un Dieu. Donc il y a un grand Dieu et un petit Dieu. Tu mets en deux dieux. Toi, non, tu savais quel Dieu parmi les deux. Hein? Jéhovah. Ils aiment trop Jéhovah. Donc le but des témoignages, c'est de témoigner en public, un témoignage public à Jéhovah. Vous êtes dans Daniel chapitre 10. C'est parce qu'ils sont des fesses à me dans cette histoire-ci. Lisons à partir du verset 11, là, rapidement, regardez. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, soit ici dans Daniel chapitre 10. Je suis au verset 11 maintenant. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Écoutez très attentivement, écoutez. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Vous avez vu cela? C'est un ange qui a parlé à Daniel comme ça. Là. Il dit le chef du royaume de Perse. Donc le Perse a un royaume, a un chef au-dessus qui règne sur la Perse. La Perse, c'est ce que vous appelez l'Iran aujourd'hui. Vous voyez les traditions qui se passent là-bas. Le démon n'a pas changé. Parce que la Bible déclare que les nations ne changent pas leurs dieux. Les civilisations changent, c'est par rapport à la métamorphose qui se passe dans le royaume céleste là-bas. Mais là, regardez bien. Il dit, m'a resté 21 jours, mais voici Michael. Allons-y ensemble, 1, 2, 3. L'un des principaux. Stop. Donc, ils ont conçu leur doctrine, oubliant qu'il y a un verset qui est écrit comme ça. L'ange qui est en train de parler à Michel, à Daniel, est au ciel. Il sait ce qui se passe au ciel. Il vient de dire là que Michael n'est pas le seul. Le seul archange. Voilà ce qu'il fait alors. C'est écrit noir et blanc. Il dit Michael. Il n'a pas dit l'archange Michael ici. Il n'a pas dit le chef Michael. Il a dit que l'un des principaux chefs. Vous devez manger les écritures. Vous devez assumer les écritures. Vous prenez les Raéliens, ils vont prendre la doctrine de la Bible. Vous prenez les gars de Joseph Smith, ils vont vous sortir les perles et les livres d'Abraham, parler des choses. Vous prenez les différents groupes, vont parler des 5e, 6e livre de Moïse, en prenant les doctrines dans la Bible. Développons. Tous vont aller à la Genèse, prendre l'histoire de la Genèse, sortir. Quand vous allez avancer que dans la Genèse, on a dit qu'on fait une promesse à Isaac. D'Isaac, de cela que la postérité va venir. Il dit que non, c'est pas avant que les questions. Tous prennent leur sujet. Il faut qu'ils prennent l'appui de la Bible parce qu'en réalité, le mensonge ne peut que se construire à base de la vérité. Le mensonge se construit à la base de la vérité. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est écrit dans ce dernier chapitre 10 là. Que Michael. C'est pour ça que je vous le dis que aucune fausse doctrine ne peut être ici dehors sans que la doctrine contraire soit dans la Bible. S'il y a n'importe quelle doctrine qui est enseignée et qui est fausse, le contraire doit se retrouver dans la Bible. L'original doit se retrouver dans la Bible. Parce qu'en réalité, s'il y a une fausse doctrine, c'est la fausse a été faite à partir du vrai. Alors, lorsqu'ils construisent les doctrines, ils disent que, OK, ils prennent quelque part, ils développent leurs pensées. Ils sont inspirés par le démon, je n'ai pas de témoin de Jéhovah. Ils écrivent comme ça, le but, c'est de dénaturer le Seigneur Jésus. Dénaturer le Seigneur Jésus. Alors, maintenant, si on parvient à faire comprendre que c'est un archange, donc Jésus est un ange. Et par conséquent, on n'a pas une vie inculte. Est-ce qu'un ange peut être appelé Dieu? Si un ange est appelé Dieu, ce n'est que l'archange Lucifer. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 4, on dit de lui que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ces siècles, c'est Lucifer. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul dit dans le chapitre 8 que, car si les des êtres qui sont appelés soit dans le ciel, soit sur la terre, comme les dieux, pour nous, il n'en existe réellement que un seul. Donc il y a plusieurs divinités. Quelqu'un veut démontrer que Jésus est un ange. Vous dites, c'est pour ça que vous lisez le Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier de toute la création. De toute création. Car en lui ont été créés, il met entre guillemets toutes les autres. Donc, Dieu a créé Jésus. Il a dit à Jésus maintenant que crée les autres. 2 Colossiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 3. Alors, regardez bien. Quand vous lisez, ils disent, Dieu a créé Jésus et Jésus a créé les autres choses. Maintenant, vous allez dans la Bible, vous voyez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre est incorruptible. Et Dieu dit, que la lumière soit. Qui en est de parler? Comment il va encore construire cela? Par exemple, il comprend toujours des choses logiques. Toute maison a un constructeur. De la même façon, le monde aussi a un créateur. Qui est réellement le créateur? Il dit par exemple, votre maison, on dit que c'est la maison de qui? On dit que c'est la maison de Papa Sow. Est-ce que c'est Papa Sow qui a pris sa main pour construire? Logiquement, c'est non. Papa Sow a donné l'ordre à un mécanicien ou à un constructeur, et là, il est prêt à nourrir parce que c'est son lettre. C'est ça qu'ils utilisent pour amener les gens. Oui. Et remarquez, c'est pour ça que quelque chose peut être logique, ça a été vrai. Quand vous allez regarder, il dit sauf que pour la Bible, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est vrai que la maison, il dit que construis-moi telle maison, la personne construit. On va venir dire que c'est ma maison que j'ai construite, mais physiquement, c'est pas moi qui ai. Mais Dieu dit que seul j'ai déployé les cieux et nul n'a été avec moi. C'est ce que Dieu dit dans la Bible. Il dit seul j'ai déployé le ciel. Hors de moi, il n'y a personne. N'est-ce pas? Ah! Il dit nul n'a été avec moi, personne n'a été mon aide. C'est écrit dans la Bible comme ça. Et mais eux, ils disent que Dieu a dit, crée à Jésus. Il a dit à Jésus que crée les autres. C'est écrit où? Il dit, c'est logique. Parce qu'arrêtez, Colossiens là, veut dire que Jésus est créateur. Comment ils vont faire ça, que ça soit compatible avec Genèse? Il faut qu'ils disent donc maintenant que donc, il faut donc comprendre que Dieu a dit à Jésus que crée. Que Jésus, Dieu a créé Jésus. Jésus a créé les autres choses. Donc Jésus a été un créateur. Continuons dans notre Marc, chapitre 6. Les catholiques étaient mis le jour qui nous a amenés là-bas comme ça. Donc, à nos courages, d'accord, je crois que c'est le nettoyage pour les témoins de Jéhovah, ça, comme ça. Donc, vous voyez, voici pourquoi quand les gens comme Arnaud, quand ils sortent, il faut qu'ils confrontent les doctrines, sinon il va continuer à évoluer avec les doctrines des témoins de Jéhovah sans s'en rendre compte. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, lorsqu'ils sortent et qu'ils viennent, il va falloir leur enseigner le pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Pour que ça déconstruit ce qu'il a. Parce que, logiquement, quand vous lisez la Bible, vous allez voir Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit Dieu, le Père de notre Seigneur. Vous voyez ça dans la Bible. Même si Dieu qui dit que Père, il dit qu'il appelle qui, il est quand même Dieu. Amen. Même si vous lisez dans la Bible que Jésus qui dit que Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Lui, il est quand même Dieu. Il avait besoin de prier d'abord. Pourquoi d'abord il priait pour dire d'abord Père? Pourquoi il priait? Il allait se baptiser. Il avait un péché. Pourquoi il allait se baptiser? On pouvait clouer sur lui. Il ne meurt même pas, n'est-ce pas? Pourquoi il mourait? Ok, on te cloue sur la main, tu meurs, frère. Donc, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Amen. Pas n'importe quel Dieu, pas un petit Dieu. Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Le Dieu tout-puissant, il s'agit de lui. Amen. C'est pour ça que c'est l'apôtre Paul, comme nous avons lu ici avant d'aller dans cette direction-là, dans ce 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15, il commence à dire que, car si nous admettons qu'un seul est mort pour tous, il faut admettre donc que tous ceux pour qui on est mort, désormais vont vivre maintenant après la résurrection pour le Seigneur, pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Christ est mort, frère. Amen. Il est mort pour moi. Il est ressuscité, frère. Amen. Il est ressuscité pour me justifier. Par conséquent, je dépends maintenant de lui totalement. C'est ça? Amen. Puis l'apôtre dit que si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus maintenant de la même. C'est pour dire quoi? Ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ ont connu le Jésus physique. Quand Christ vient dans la révélation, il vient dans le soleil. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il vient avec la puissance du soleil. Exactement comme il avait parlé à Moïse dans le feu. Le feu qui était sur la montagne là. Parlant à Moïse, à l'intérieur, c'est là où il se trouve dans le soleil, parlant à Paul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? La voix qui disait Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et la voix qui dit c'est pas vrai ça. C'est la voix qui disait Moïse. C'est la même voix. C'est cette voix-là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Tiens-toi sur tes deux pieds. Quand je te suis apparu, la commission est donnée exactement comme à Moïse. C'est pour cela que vous pouvez voir Moïse. Ah frère, vous permettez que je dise seulement cette petite chose. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un comme Moïse se tient là. Il prescrit le divorce sans que ça n'ait ordonné de Dieu. Mais je veux que vous assimilez doucement. Pour que ça entre doucement avant d'avancer. Il dit, il y a des pieds d'achoppement dans votre livre là. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un va dire que c'est la pensée de Paul. Que c'est la pensée. Remarquez très bien quand les gens sont venus confronter Jésus. Il dit dans ce cas, pourquoi Moïse a-t-il écrit? Pourquoi donc? Le Seigneur Jésus ne dit pas que Dieu l'a fait pousser. Il dit que Moïse vous l'a fait à cause de l'adjustement de votre. À cause de l'adjustement, vous dites que Moïse l'a fait. Moïse a fait. Moïse a regardé, il dit que le gars ne peut pas supporter l'affaire ici. Il dit que vous pouvez présenter une lettre de divorce. Vous savez qui est Moïse, frère? L'apôtre Paul se tient là-bas, concernant le même mariage encore, il vient là-bas. Il dit, et je pense avoir l'esprit. Il ne fait pas cela un ordre. Pour moi, je pourrais que j'ai. Il met un ange. C'est l'apôtre Paul. Parlez. L'apôtre Paul, c'est le Moïse du Nouveau Testament. Amen. Et c'est la personne qui a appelé Moïse qui l'a appelé. Bon, permettez-moi de continuer tout simplement. Les dons spirituels, les dons et les appels. Lorsque nous regardons quelqu'un selon la chair, et c'est 2 Thessaloniciens, 2 Corinthiens 6, chapitre 5, il nous dit ça clairement. Lisons encore ça le verset 16, 2 Corinthiens encore là. Pourquoi on avance à partir de là. Souvenez-vous que le texte du départ, c'est Marc chapitre 6, verset 1 à 13. Verset 16, frère. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Stop. C'est le premier volet là-bas. Il dit ainsi, dès maintenant, parce qu'en réalité, le verset 15 a explicité que, comme Christ est mort et ressuscité, les gens ne vivent plus pour eux-mêmes. Quelque chose, normalement, est transformé, est passé dans leur vie. Quand c'est passé dans leur vie, ça suppose donc que si quelqu'un vit maintenant, si vous le connaissez selon la chair, maintenant, là, quand la résurrection a eu lieu, ils sont en union avec celui qui est ressuscité pour eux, vous ne pouvez plus le regarder comme ça. C'est pour cela que si les dons spirituels, il dit, donc si les dons spirituels se manifestent dans la vie des personnes, vous le regardez selon la chair, vous perdez la donnée. C'est ça que je viens de vous la dire. Parce que ce n'est plus la même personne. Vous voyez? Ce n'est plus la même personne. Le Jésus selon la chair qui marchait ici dans le monde ici, n'est pas le même Jésus ressuscité. Quand il est ressuscité, son corps pouvait traverser le mur. Pourtant, il pouvait s'asseoir là-bas et manger. Pourtant, il ne pouvait pas mourir. Vous voyez ça, frère? Pourtant, avec ce corps, il pouvait être en même temps à plus de 500 personnes, au même moment. Là, il est assis ici, il est devant chacun de nous, physiquement. Parce que le Seigneur se tient devant celle-ci, devant chacun ici, en se tenant en Afghanistan partout. C'est combien de Jésus, ça, frère? Un ange est omnipotent, omniprésent, il faut la délivrance au témoin de Jéhovah. Mystère de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens qu'il a, après avoir ressuscité, il a aussi apparu à 500 frères à la fois. Donc beaucoup sont vivants et plusieurs sont 500 frères à la fois. Même s'ils sont regroupés au même endroit, c'est un problème déjà. 500 frères à la fois. 500 frères à la fois. À la fois montre que ce n'était pas au même lieu. À la fois. Donc les gens, 500 personnes. Donc il y a eu 500 Christ présentés directement au même moment. Vous savez de qui il est question? Celui dont nous parlons, c'est Jésus, frère. On dit qu'il est descendu dans les profondeurs et intérêts de la terre afin de monter en cause de la pour en fait de remplir toutes choses. Donc l'archange Michael remplit toutes choses, frère. Frère, à nos courage, d'accord? Bienvenue. Donc tu viens de loin vraiment. Donc, le pied d'achèvement des manifestations de dons spirituels, c'est le regard de l'homme. Le regard sur l'homme. Pas sur l'œuvre, la personne qui fait l'œuvre. C'est l'un des pieds. C'est ce que Marc nous a dit là. Que lorsque Jésus a commencé à travailler, ils ont commencé à dire, n'est-ce pas celui-ci? D'où vient cette sagesse-ci? Comment est-ce qu'il peut parler comme ça? D'où vient le miracle qui opère par son nom? On le connaît. C'est un charpentier. C'est pas lui qui a mis le charpentier sur ta tête. C'est lui. Quand il t'appelle là-bas, tu avais vu son corps avait changé? Non, quelque chose ne va pas avec. On dit qu'il était pour eux une occasion de chute. Nous parlons des dons et des appels. Les dons et les appels sont prédestinés. Il va aller doucement avant qu'on va finir. Je crois que c'est mieux de finir parce qu'il y a plein de choses là dans ce début c'est à voir là ce soir. Les dons et les appels sont prédestinés. Prédestinés, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu es quelque part, tu as le rôle, l'onction de ce rôle-là et le poste fixé en ton nom avant que tu ne viennes dans le monde. Vous savez, quand les gens vont à la conférence, par exemple, on arrange la table, on met le nom, si la personne qui va présider la réunion, on dit président de la réunion. Là, son nom est sur la face là-bas. Les prestataires, si vous venez dans les réunions qui se respectent normalement, on met représentant, par exemple, de l'Union africaine. Représentant de ceci, représentant. Quand on vient, on regarde seulement, on ne veut pas savoir la couleur de la chaîne de la position. On regarde ce qui est marqué de toi. On regarde ton badge, on regarde si tu corresponds à la personne qui est censée s'asseoir sur cette chaise. Tu vois, on voit représentant par exemple de la BA. Tu viens, tu prends, représentant de la BA. Vous voyez les directeurs, quand ils font le conférence, on voit chacun devant chacun, on dit le premier ministre, le chef de gouvernement. Quand il vient, il ne discute pas la chaise avec quelqu'un. Personne ne s'assoit là parce que c'est le premier ministre, chef de gouvernement qui va s'asseoir. C'est ainsi donc. Avant qu'il vienne dans la salle, il y a un nom, un lieu pour lui. C'est comme ça dans le corps, frère. Les dons et les affaires sont prédestinés. Et si vous comprenez, si vous ne comprenez pas, ne comprenez pas, c'est la Bible qui le dit. Les dons et les affaires sont prédestinés. Si c'est prédestiné, alors quelqu'un ne peut pas et ne doit pas imiter ton don. Ne peut pas prendre ton don. Ne peut pas exercer ton don. Ne peut pas exercer ta place ni prendre ta place. personne ne peut prendre ta place. Vous entendez le prédicateur, un prédicateur, il dit que si je fais parce que Dieu va m'enlever de la tête et envoyer une personne à ma place. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de remplaçant dans le corps de Christ. Il n'y a pas de remplaçant dans le corps. Ce n'est pas encore un terrain de football. On dit que si celui ne joue pas bien, on enlève, on met l'autre à sa place pour qu'il joue la même course. Non. Il y a continuation à l'œuvre pour que le corps continue à fonctionner. Vous suivez, n'est-ce pas? Pourquoi il y a continuation et il ne peut pas avoir remplacement? C'est parce que le garant de ce corps-là a rassuré que chaque membre va s'y trouver. Le garant de ce corps, lorsqu'il construisait le corps, a dit, « Je bâtirai mon église. » Et l'église est constituée des membres. Il dit, « Et les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle, l'église. » Donc, autrement on dit, des membres. Vous y êtes? Puis il dit, « Il y a un seul berger et un seul troupeau. » Il y a plusieurs autres bergers, brebis. Celles-là, ceux qui sont éloignés, il faut que je les amène. Il y aura un seul. Il vient de prophétiser qu'il y aura qu'elles vont. Elles entendront ma voix et elles viendront. Donc elles vont venir dans le corps, pas vrai? Quand elles viennent dans le corps, il dit que je ne mettrai dehors personne, c'est tout ce qui vient à moi. Le Père qui me les a donnés est plus fort que tous et personne ne les arrachera de la main de mon. Donc tout ce qui vient, vient pour toujours. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il n'y a pas de remplacement. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui a remplacé l'apôtre Paul dans son œuvre. Parce que son œuvre était achevée, il a quitté la scène. J'ai posé la fondation, comment ça a été achevé? Un autre. Donc, il n'y a plus de fondation encore à poser parce que son rôle était déposé, la fondation, c'est terminé. Et c'est pour ça que vous comprenez. Vous prenez cette maison-ci, lorsqu'on a mis la fondation cette maison-ci, l'électricien n'avait rien à voir avec la fondation. Quand ça arrive, on finit de construire le mur. L'électricien vient maintenant voir, lorsque le moment de l'électricien vient, on peut construire le mur, commencer à construire le mur, commencer à mettre des vitres comme ça, parce que c'est à la finition qu'on met cela. On ne peut pas mettre la fondation, le peintre commence à dire que, faites-lui venir mettre la peinture. Il va mettre la peinture où? Pour qu'il mette la peinture, il faut que la personne qui met le mur puisse mettre le mur. On peut s'appeler quand on lisse le mur, là. C'est quoi? On fait quoi? On crépisse le mur. Pour qu'il vienne mettre sa peinture. Si on fait le mur et qu'on n'a pas encore crépi, il ne peut pas venir mettre ça. Son rôle n'est pas encore arrivé. Or, vous voyez que dans le plan de la maison, c'est tout le peintre. L'ouvrier qui fait les fenêtres, le charpentier, c'est prévu. Mais chacun en sa temps. Chacun en son temps. Si vous voyez un ingénieur, vous lui dites que tu construis une maison. Quelqu'un, un constructeur, un bon constructeur, il dit que je peux faire en même temps l'électricité, en même temps le charpent. Quand vous sortez, il va dire que oui. Vous lui dites que le contrat arrive bientôt. Dites-lui que le contrat arrive bientôt. Quand le contrat va arriver bientôt, ça suppose que quoi? Que tu peux chercher quelqu'un d'autre. Parce que Dieu a fait de telle enseigne que chacun de nous dépend de chacun de nous. Qu'on soit des interdépendants. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. C'est pour ça que vous savez, c'est amusant. Quand on dit ces choses-ci, c'est amusant parce que si vous lisez la Bible, dans ce livre des Jean au chapitre 12, chapitre 11 et chapitre 12, dans le chapitre 12 particulièrement, il y aura un moment où il y a une femme qui est venue verser le parfum sur le pied de Jésus. La Bible déclare que, dans l'autre version, dans l'autre passage, on a dit que c'est Judas qui a dit cela, que merde, le parfum, c'est parce qu'ils ont senti l'odeur, ils ont dit merde, le parfum, c'est pas 8 mois de salaire pour acheter ce genre de parfum. 8 mois de salaire pour acheter le parfum. Là. On prend un verse comme ça, tu peux, ah, c'est pas vrai ça. À quoi ça s'est gaspillé. On peut vendre ce parfum-ci. Ça devait donner beaucoup d'argent parce que l'argent de 8 mois, ça peut donner beaucoup de. La pensée est bonne. Mais ça vient de qui? Parce que si on mettait ça, la bouteille devait voler encore davantage. La Bible déclare qu'ils disent là non pas de ce qu'ils prennent emprunt du pauvre. Maintenant, ce n'est pas ça qu'il veut aller. Je vais vous voir aller quelque part. Parce que le Seigneur a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Et vous aurez toujours les pauvres avec vous. Il vient de prophétiser, frère. Mais maintenant, quand Jésus dit, vous aurez les pauvres toujours avec vous, les chefs de ce monde se réunissent, qu'il faut qu'on éradique là. Vous voyez que c'est un non-sens, ce n'est pas vrai? Quand celui qui a créé la terre dit qu'il y aura toujours les pauvres. Maintenant, voici ce que je t'en ai parlé de la maison, de la construction de la maison. Il dit, si un ingénieur, un constructeur vous dit que non, il peut faire la maçonnerie, la fondation ou l'électricité, vous allez accepter, vous allez partir. Dieu a donc prévu que dans son plan, sous le soleil, que toute chose ait un temps, qu'il y ait d'interdépendance entre toi et moi. C'est pour ça que vous voyez, effectivement, l'homme a besoin de la femme, il n'a pas besoin de... Même si tu es neuf, n'importe comment, vous voyez une femme, quand son mari se discute, tu es comme ça, un chien comme ça, frère, si tu aimes ta vie, va avec sagesse là-bas déjà. Va avec sagesse. Parce que c'est un événement qui les a énervés. Ils ont vécu comme ça, vous allez rencontrer. Deux, on fait 5 ans, 20 ans. À 22 ans, tu crois que tu vas devenir faire pour qu'il ne se pas comme ça? Non, non, non. Même le démon, pour qu'il ne se pas un marais, pour que le démon là soit trop fort. Parce que la Bible déclare à ce cantique chapitre 8 là que même si un homme donne le bien de sa maison n'importe comment, contre l'amour il ne s'attirera que du mépris. Parce que l'amour est plus fort que la mort. Quand les gens s'aiment, même si ce n'est pas qu'un problème, c'est l'amour va les stabiliser. Ça va revenir au point où on appelle l'énergie standard. Ça va revenir là-bas. Quand l'atome balance n'importe comment, les électrons balancent n'importe comment, ça s'excite n'importe comment. Quand ça se calme, ça revient à l'état standard. Oui. Alors, quand une femme fait comme ça, vous savez, elle court dehors qu'elle va faire. Elle met les femmes comme ça, que sort ici. Parce que c'est que là-bas, là, c'est le mari qui a continué à se tenir. Elle gueule, comme le chien. Elle gueule. Le mari aussi ne veut pas sortir, il reste dehors. Que je vais te montrer. Je vais te montrer comment tu fais la doigt en roule là-bas. Alléluia. Oh, oh. Maintenant, elle tourne, elle peut aller chez la voisine. La voisine vient tirer comme ça. Elle dit que laisse-moi caquer. Tu ne veux pas savoir. L'homme, si c'est un méchant, donc, c'est aujourd'hui qu'elle a cru que c'est un méchant. Il dit, quand vous mettez les pieds là-bas, faites attention. Alors, caté, fait comme ça, elle donne le truc. Quand le cœur s'est stabilisé, tu vois, le soir, elle vient comme ça. Vous entendez encore le bruit. Le lendemain matin, elle dit Kate, bonjour. Toi qui voulais mettre la bouche, tu as honte, non? Regarde ton voisin, fais attention. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'homme a besoin de la femme a besoin de. Même si c'est mauvais. C'est ça que je sais qu'elle voulait dire. Même s'il y a cette dispute, si la femme est nécessaire, le courant que ouais, vous avez allumé, ça nous allume, ça nous éclaire, pas vrai? Touche le fil rouge. Touche le. Quand c'est dénudé, touche le fil rouge. Tu vas savoir que ça ne fait pas seulement l'éclair. Le courant ne suit pas vrai, mais c'est ça qui nous éclaire comme ça. Quand nous reprenons les habits, c'est ça que nous utilisons. Mais si tu pas dans la main d'une mauvaise utilisation, ça te montre que ce n'est pas seulement pour te servir, mais pour te tuer. C'est pour ça que la femme peut te tuer, comme elle peut donner la vie paisible. Alors c'est comme ça tout sur la terre. La maison, ce que tu as construit, qui te préserve là. C'est pas tandis que les maisons sont écoulées. Quand ça s'écroule, ça ne dit pas que le patron sort. Mais maintenant, c'est toi qui l'as construite, pas vrai? La peinture que tu mets à la maison, ça te fait comme ça là. Si le peintre met c'est sans se couvrir, la composition qui est faite là-bas, le produit chimique, ça entre petit à petit, ça détruit son thorax, pas vrai? Là, c'est la même peinture qui est belle comme ça. Tout sur le soleil peut être un objet de meurtre. Tout. L'eau, quand tu nages dans l'eau, tu sais bien nager, tu fais rouler, c'est nage. Essaye d'entrer dans l'eau, tu tombes dans l'eau sans nager, tu te bats contre elle. Tu vas voir de quoi il est question. De l'eau va te montrer qu'il existait avant toi et que tu as été créé à partir d'elle, pas vrai? Et c'est ça même là, quand tu bois, tu dis. Ah, après, l'eau, c'est la vie. Mais l'eau, c'est la mort aussi. Amen. Alors, ça veut dire qu'on est interdépendant l'un à l'autre. Donc, Dieu veut qu'il y ait la pauvreté. Pour que, s'il y a le riche, il ait besoin de pauvres pour travailler chez lui. Parce que si tout le monde était riche, vous allez au marché voir quelqu'un au marché à des ventes. Hein, frère? Vous restez à la maison, vous appelez quelqu'un, vous êtes plus. Mon gars, j'ai fini, apporte-moi le gaz. Il dit que ça, c'est vraiment un bouquet. Si il n'a pas besoin d'argent, il devait se lever pour venir donner le gaz. Donc c'est pour ça que tout le monde peut être riche. Cet déséquilibre est équilibré. Cet déséquilibre-là, c'est équilibré afin que la cohésion puisse être là. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être président. Même si fait n'importe quoi, enfin, s'ils sont 25 qui courent à la cause de la présidence, un seul sera là-bas à la fin. Vous allez faire n'importe comment, il est là. Quand on s'assoit là-bas, quand tu vas parler comme si tu vas dire que le président t'aime. Même si ton cœur n'aime pas, tu vas l'appeler prier. Il donne les lois, il passe en route. Si tu veux sortir, on bloque la route, il ne passe pas. On va aussi te bloquer, même si tu te fâches n'importe comment. Tu parles même à la maison, mais tu aimerais qu'il t'invite, du coup tu le savais, c'est la même, parce que c'est l'ancien du prêt du président. Alors Dieu a fait toutes ces choses, ça n'allait quelque part. C'est ainsi donc avec les dons spirituels, avec les appels. Il y a des gens que dans leur mandat, ils sont faits pour être les grands de la terre. C'est la Bible qui le dit. Dieu dit les grands de la terre, les grands de ce monde, c'est l'expression que Dieu lui-même utilise. Vous voyez, il dit de David par exemple que j'ai fait ton nom élevé parmi les grands de la terre, Dieu qui fait cela. Dans Ésaïe chapitre 14, quand il parle à Lucifer, quand il est tombé, il dit voilà tombé du ciel, Lucifer, toi le vainqueur des nations, le dominateur des nations, tu disais en ton cœur, il dit tous les grands de la terre, oui tous, dorment tranquilles dans leur sépulcre, mais toi tu as été rejeté hors de ton sépulcre, n'est-ce pas? Les grands de la terre. Ils sont nés comme ça. Par exemple, si vous lisez dans votre livre d'Isaïe chapitre 45, là, parlant de Cyrus, il dit Cyrus, je l'ai suscité. Cyrus a été prophétisé longtemps avant Isaïe, en donnant le nom. Et Isaïe a parlé de Cyrus longtemps avant que Cyrus ne naisse. Mais ce n'est pas un juif frère. Il a parlé de Cyrus, qu'il y a un roi, je vais susciter mon serviteur, mon élu, Cyrus. Il accomplira toute ma volonté. avant que quelqu'un, un être humain, naisse quelque part, on lui donne le nom de Cyrus. Quand la mère et le père donnent le nom de Cyrus, ils ne savent pas qu'on a écrit Dieu. Ce que vous lisez à Isaïe maintenant, ce n'était pas vulgaire pour tout le monde, que tout le monde pouvait avoir accès. C'est écrit quelque part dans le synagogue, on lit, les juifs lisent que Cyrus. Cyrus. Que Isaïe, c'est ce que Isaïe fait une erreur quelque part. Cyrus. C'était Cyrus. Cyrus, c'est un nom juif, non. Chama. Attends. Alors, Dieu dit, il a nécessité comme ça quelqu'un depuis le point lointain qui va accomplir sa volonté. Cyrus se lève là-bas, il fait exactement la volonté de Dieu. Voilà les grands que Dieu suscite. Donc, il est né pour être roi. À Pharaon, dans ce livre de Romains chapitre 9, là, il dit que l'écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein. Hein, frère? Vous voyez, personne ne pouvait être à la place de Pharaon. Le moment où arrivait où les choses de Dieu devaient s'arranger, il fallait que Pharaon puisse là. Et ça, si vous comprenez, les dons et les appels sont prédestinés. Les dons et les appels sont prédestinés. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 10, vous voyez effectivement comment Jérémie a commencé à se battre avec le Seigneur. Il dit, ah, ne m'en va pas. Il dit, avant que tu ne fusses promis d'aller voir l'Éternel, je t'avais consacré. Donc quand ils sont en pire, il fait, nia, nia, ce qui a le pleurer, frère. Le prophète. Lorsque ça va arriver au niveau où c'est le Seigneur Jésus, je veux qu'on se comprenne maintenant bien pour qu'on comprenne. Si les dons et les appels sont prédestinés, tout autour de cette personne qui porte ce don et cet appel est prédestiné. Je vais aller vraiment doucement, que vous saisissez. Frère, je peux prêcher maintenant vraiment. Que Dieu notre Père vous bénisse. Amen. Regardez, je crois que le meilleur exemple, c'est de prendre avec le Seigneur jusqu'au bout, c'est pour vous saisissez. Il est prévu qu'un Messie naisse, n'est-ce pas? Il est prévu que ça par un vierge. Donc la vierge doit être là, pas vrai? Oh, mais cette vierge ne tombe pas du ciel. Il faut que cette vierge ait un père et une mère. Donc les parents, et sa mère et son père sont connus. Donc le mariage est prédestiné. Pas vrai? Le mariage de ses pères et de ses mères est prédestiné pour donner cette vierge ici. Stoppons la vierge, suivons les deux parents. Ça veut dire que le jour où le père s'y partait pour la première rencontre, pour rencontrer sa mère avant de la draguer pour la marier, c'est prédestiné. La rencontre est prédestinée. Ouest là, rentrant avec à la génération suivante. Le parent de ses parents-ci, sa rencontre est prédestinée pour produire celui-ci qui va produire cette vierge-ci. Ouest ça, frère, il recommence encore. Si les dons et les appels sont prédestinés, tout autour de la personne qui porte le don et l'appel est prédestiné. Toutes les circonstances, les rencontres sont prédestinées. J'arrive avec le Seigneur Jésus. Nous sommes au niveau de la vierge, pas vrai? Il est dit de la vierge qu'elle sera de la maison de David. Donc, on s'est arrangé de telle enseigne qu'on regarde la généalogie de David. Tout s'est arrangé pour que cette généalogie puisse arriver à produire cette vierge-là. Donc, tout est arrangé, prédestiné. Pas vrai, frère? Amen. Ok. Acceptons que l'enfant vienne. Quand l'enfant vient, tout autour de la grossesse est prédestiné. Si vous lisez Osée chapitre 11, le verset 1, la Bible déclare que lorsque Israël était encore jeune, j'aimais mon fils, il fait sortir mon fils hors de l'Égypte. Maintenant, quand vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 15 et suivant, lorsque Hérode a attendu que les mages puissent partir consulter là où le Seigneur Jésus était né, et il leur a dit que lorsque vous êtes enquis de la position, venez afin que je vienne moi-même adorer. Quand ils ont attendu longtemps, il a remarqué que, oh mon Dieu, il dit tout est présent, c'est encore un autre groupe qui se trouve là-dedans. Lorsqu'il a remarqué que ce qui l'a demandé aux mages, ils n'ont pas fait, il s'est enquis avec les mages, avec les scribes, depuis quand l'étoile brillait. On a dit que 2 ans en dessous. Alors quand il a 2 ans en dessous, ça veut dire qu'il a donné le décret. Comme de descendre dans cette ville-là, détruisez les enfants en 2 ans en dessous. Donc si on trouve celui-ci, il est mort. On trouve celui-ci, il ne peut pas mourir. Donc les enfants, la naissance des enfants était prédestinée. Parce qu'il fallait que les enfants, parce qu'un autre prophète avait dit que j'entends des cris à Rama. Rachel pleure ses enfants. Donc chaque enfant qui est né pour mourir là-bas sont prédestinés. Pourquoi? Jésus est prédestiné, son appel et son don sont prédestinés pour faire cette œuvre. Donc il faut qu'il y ait des gens qui doivent mourir en criant. Vous voyez ça, frère? Alors, donc les femmes, si vous prenez cet enfant-là qui sont nés là-bas, c'est-à-dire que la rencontre entre l'homme et la femme qui ont produit cet enfant-là, c'est prédestiné. C'est choquant, pas vrai? Donc, il est prévu dans le plan de Dieu que toi, tu vas rencontrer telle chose. Donc, si elle avait accouché 3 années plus tôt, avant la naissance du Messie, elle n'est pas contenue dans la prophétie. C'est 4 ans plus tard, elle n'est pas contenue, mais 2 ans, tu es contenu là-dedans. Si tu te trouves dans cette position-là en Galilée, tu es contenu. On te tue seulement. Les pleurs, waouh, dans les cris que le prophète Jérémie entendait, il a entendu les cris de toutes les femmes là. Chaque femme qui crie là-bas, on a pu tuer son enfant, c'est prédestiné dans le plan. Le problème là, c'est que ceci est écrit. Pour lui, c'est écrit pour qu'on puisse voir les plans des choses. Remarquez très bien que c'est prédestiné qu'il soit trahi. Et là, maintenant, suivant la personne qui va le trahir. Si on ouvre son livre, on voit qu'effectivement, que, on dit que sa génération soit maudite. Sa prière passe pour un péché. S'il prie, que personne ne prie, que ses enfants soient veuves, et ainsi de suite, qu'ils soient orphelins et errants. Pas vrai? Donc, c'est prédestiné. Donc, on zoome sur le Seigneur Jésus-Christ, on voit toutes ses caractéristiques. Vous voyez, c'est la personne qui est reliée à lui, à part la trahison, on le zoome, vous voyez que c'est... Ça veut dire que le père et la mère de Simon, comment il s'appelle, de Judas, Simon, son papa, c'est prédestiné qu'il accouche un démon. Comme nous sommes en train de parler là, l'antichrist est au milieu de nous, non? C'est un homme et une femme qui sont partis accoucher l'antichrist. Ils sont bébé. L'antichrist a tété, frère. Même le Seigneur a tété. C'est pas son rôle là-bas. Quand il va venir maintenant, quand il va faire le père va dire que mais l'autre genre d'enfant s'il sort, tu es seulement dans le plan. Mais n'est-ce pas Jésus, notre Seigneur, qui a dit, quand il a commencé à parler, si les gens vont dire mais d'où lui vient cette sagesse? Non, c'est le moment de la manifestation de ce qu'il est. C'est le moment de la manifestation de ce qu'il est, de sa nature. Il n'a pas acquis cette sagesse là quelque part. Ça a été toujours été là. Il fallait qu'il soit au moment où il fallait manifester. De la même façon, l'antichrist grandit. Et après, il dit maintenant que waouh, les gens se croient. Waouh, les gens se soumettent. Le père va dire que mais cet enfant, c'est quoi? Il sort de chez vous. La femme dit non, il ressemble à ton père. Son nez comme pour toi. C'est pas le problème de l'extérieur, c'est l'intérieur. Alors, tout autour du don et de l'appel, c'est prédestiné. Parce que s'il y a don, il y a un but pour lequel le don est donné. Que ce soit le don homme ou bien le don spirituel. Le don spirituel est fait, comme la Bible le dit, pour l'utilité commune. Donc, s'il y a un don de guérison que Dieu donne sur la terre, il faut qu'il y ait des malades pour accompagner ce don-là. Amen. Pour que ce don-là se manifeste. Vous avez moi? Amen. Ok, maintenant, lisons Ésaïe chapitre 35, par exemple. Prenons Ésaïe chapitre 35. Il y a un rang au niveau des dons et des appels d'abord. Nous sommes à la deuxième partie. Souvenez-vous de là, on avait chuté la deuxième fois. La dernière fois, dans la première partie, j'avais dit que sur le cas des démons, le Seigneur Jésus est rentré de la montagne, là, on va y revenir plus tard. D'accord? Ou bien vous avez suivi, ou bien vous n'avez pas suivi. Vous avez suivi tout. Je lis quel livre, là? Ésaïe 35. Je crois que c'est ça que j'ai dit. Maintenant, permettez-moi de lire à partir des versets 1. Suivez attentivement. Ésaïe chapitre 35. Regardez. Dans votre livre, dans votre livre, je ne sais pas où vous avez le. Vous avez les titres. Chacun lit son titre à haute voix. Le temps. L'autre, c'est quoi encore? Les droits du rachetés, ainsi de suite. Le temps messianique. Bon, temps messianique. Même temps messianique. Maintenant, regardez verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'aiguira et le effleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes. Et affermissez les genoux qui. Donc, le temps qu'il vient, il faut qu'il y ait les mains qui languissent. Il faut qu'il y ait des cris de détresse en résumé. Il faut qu'il y ait des gestes pour qu'on ait besoin de lui. Vous voyez? C'est pour ça que quelqu'un a avancé devant lui pour préparer au Seigneur un cœur, le peuple un cœur, au cœur disposé, dont le cœur n'était pas disposé. Il envoie donc pour préparer le chemin. Il dit qu'il va aplanir le sentier. Les hauteurs seront renversées. Donc ça veut dire qu'il y a des hauteurs qui ont été construites tout autour des arches. Il faut renverser cela. Donc, il y a tout autour de la venue de Jésus-Christ, les circonstances qui entourent cela. Il dit, le problème avec lui, c'est que c'est écrit ici. Je vais finir avec ça pour revenir maintenant dans l'église. Le corps, forcément le corps. C'est-à-dire les dons, dans le corps, les dons et les appels. D'accord? Maintenant, regardons ça. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous. Quelqu'un dit Jésus-Christ est sauveur. Voilà. On dit que Dieu lui-même va venir pour vous sauver. Pas vrai? Et il avait cet attribut de sauveur là, il voulait manifester l'attribut. Il est venu effectivement lui-même, il a sauvé. C'est pourquoi on appelle Emmanuel. Vous voyez? Et les gens lisent chaque fois dans Ésaïe chapitre 17. Ah, verset 14. Voici la Vierge enfantera. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais on lui donnera le nom d'Emmanuel comment? Vous avez vu un passage dans lequel on appelle Jésus-Christ Emmanuel? Non. Emmanuel n'est pas son nom. Emmanuel est qui il est. Emmanuel n'est pas son nom d'appellation. C'est le nom de désignation. On dit qui il est. On veut dire que l'enfant qui va naître parmi les dieux sera Dieu parmi les hommes. Sera Dieu parmi nous. C'est ce que Ésaïe 17, verset 14 a dit. Quand l'ange tient là-bas, là, c'est Luc chapitre 1 et 2, il dit que tu lui donneras le nom de Yeshua. Pourtant, Esaïe a dit, Emmanuel, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il n'a rien dit, c'est Yeshua. Esaïe, l'enfant, ce sera qui au juste? Ce sera qui parmi les hommes? Quel sera son nom? Il a dit plusieurs fois dans la Bible que ce nom-là est merveilleux. Ce n'est pas pour vous. Le nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on a été sauvé. S'il est révélé avant, il pouvait être sauvé par ce nom-là. Mais c'est pour un temps marqué. Alors maintenant, continuons ici. Il dit, alors, ce verset s'est regardé. Alors, quand Dieu va venir vous sauver, quand il sera là présentement, quand il sera sur la terre pour sauver, regardez ce qui va se passer. Alors, s'ouvriront les yeux des chaque personne aveugle pour la manifestation est prédestinée pour sa venue. Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est passé nulle part comme ça. Il fallait. Ah, frère, il peut parler vraiment. Vous êtes à l'aise? Il peut continuer. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ naît, pendant qu'il naît, le jour qu'il est né, il y a des aveugles. Il y a des aveugles pendant qu'il naît. Le jour où il est né dans les tables, là, il y a des aveugles à Israël. Pas vrai? Mais ce n'est pas l'aveugle du jour de sa naissance. C'est le moment où le salut sera manifesté. Regardez. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvrons les yeux des aveugles, s'ouvrons les oreilles des sourds, lors de la venue du Seigneur Jésus pour sauver. On a vu effectivement ça, non? A-t-il ouvert les yeux des aveugles? Oui. Ouvrez les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du maître éclatera de joie. Frère, vous lisez ça, vous savez qu'on parle de Jésus. Forcément, on a dit là-bas que c'est Dieu lui-même qui viendra pour vous sauver. C'est ce qui est écrit, frère. Maintenant, regardez. Et la langue du maître éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux. Dans la solitude. D'abord. Donc, Bartimée était prédestiné à être aveugle pour que le Seigneur le guérisse. Bartimée était prédestiné, je n'ai pas un seul cas, était prédestiné à être aveugle pour que le Seigneur le guérisse. Le don de guérison que portait le Seigneur Jésus-Christ devait se manifester. Par conséquent, il fallait que ça rencontre ceux du besoin. Remarquez encore pour que vous compreniez cela dans Jean chapitre 5, quand il y avait des malades en grand nombre, il n'est pas allé vers n'importe qui. Il est allé vers quelqu'un, traverser au milieu des malades, aller vers quelqu'un. La Bible déclare qu'il savait que celui-ci était malade depuis. Depuis longtemps. C'est le renseignement qu'on donne que c'est depuis 38 ans. On dit, sachant qu'il était malade depuis, il a dit, veux-tu être guéri? C'est lui seul qui a besoin de guérison là-bas. Ceux-là ont fait quoi pour qu'ils ne les guérissent pas en passant arriver devant celui-ci? Gardez bien ce chapitre dans ces gens chapitre 5 parce qu'on va en parler pour que les gens comprennent. C'est pour cela que quand les gens ne comprennent pas, ils croient effectivement que comme il a un problème, s'il va voir tel pasteur, quand le pasteur a la puissance, ça va rester résolu. Dis à ton voisin, ce n'est pas automatique. Il faut que ça soit dans le plan parfait du Seigneur. Comment le Seigneur Jésus-Christ qui passe? Et donc, dans Marc chapitre 8, on dit qu'il y avait une femme qui avait dit que si elle parvait, elle va toucher son vêtement. Il serait guéri. Elle a touché, la bête de sang a été disparue. Mais il passe, son ombre touche les gens, il frôle les gens pour passer au milieu de la foule. Pendant qu'il prêche, quelqu'un dit, as-tu tué pour ce quoi? Il a ciblé l'eau pour sauter dans l'eau. Alors je pose la question. Cette personne-ci, qui a touché son vêtement, qui a été guéri, n'est-ce pas le même vêtement que les autres touchent? N'est-ce pas le même vêtement qui frôle sur les gens? Quel est le problème? C'est que celle-ci, son miracle est prédestiné. Ça peut choquer, mais c'est ça. Non, Dieu veut que vous soyez tous guéris, vraiment. Quand lui-même était là-bas, il a traversé là-bas. La Bible, quand elle a fini, elle est sortie. Vous dites qu'il est miséricordieux? Oui, il est miséricordieux. Mais n'a-t-il pas vu les malades là-bas en grand nombre? Il est sorti au milieu d'eux, il est parti. Puis il va dire à cet homme-là, va lui dire ce que Dieu a fait pour toi. Prends ton lit, va là. Il s'est levé la portée. Ses pieds sont devenus fermes. On veut dire ça à Isaïe, non? Celui-ci est contenu. C'est que le prophète résume la chose, les détails viennent sur la manifestation. Comme on a dit, les aveugles. Si vous voulez citer aveugle, deux points. Il dit Bartimée. Il cite tous les gens qu'on a vus là-bas. Ressusciter les morts. Il dit que le fils de Naï. C'est qu'on n'aura pas à lire tous les livres. Il dit les aveugles, en résumé. Et là, ressusciter l'aveugle, c'est de lui que Esaïe parlait. Cet aveugle-là, c'est de lui dont Esaïe parlait. Parce qu'il n'est pas le principal acteur. Le principal acteur sur lequel il va se borner, c'est le Seigneur Jésus. Pour développer sur lui, pour donner le plus d'éclaircissement. Les autres, donc, qui sont attachés à tout de lui, sont subsidiaires. Quand il va arriver quelque part, il faut s'attarder sur quelqu'un d'important. Il parle de Judas. On explicite Judas. C'est ça, frère. Vous êtes allé dans ce psaume 139, là, verset 14 et suivant, où il a dit que, je te lui dis que je suis une créature si merveilleuse, n'est-ce pas? Il dit que lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Il dit que, et sur ton livre, était écrit tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Dans ce psaume 139, là. C'est pas ça? Hein? Donc, là, David dit, quand il a entendu la révélation, il a dit, enfin, il a dit ça à Jérémie, il dit qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, tu t'avais consacré, non? Avant qu'il ne soit là-bas, il sortait d'où pour venir là-bas dans le ventre de sa mère. Alors les dons et les appels. Regardez ces gens, chapitre 16, pour vous comprendre bien quand on a touché le cadre de l'église maintenant. Maintenant, la dernière fois, nous sommes arrêtés dans Matthieu, chapitre 17. On a vu chapitre 17, verset 1, là où il a fait il a délivré. Les disciples ont dit que pourquoi ces gens n'avons-nous pas pu chasser ces gens. Puis j'ai dit que nous donnons liste là dans d'autres versions. Et c'est dans l'autre volet. C'est ce qui est contenu dans ce livre de Marc, chapitre 6. Non, nous avons commencé ça. On commence à nous arrêter là. Lorsque vous lisez la Bible de la bonne façon, vous verrez que les miracles de Dieu ne sont pas faits pour faire le spectacle. Que les miracles qui sont faits pour faire le spectacle viennent de l'autre camp pour attirer le foule à l'admiration du diable. Si vous lisez la Bible de la bonne façon, c'est ça que vous allez confesser. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer que les miracles de Dieu visent quelque chose. Visent à tourner le cœur. Tout le don spirituel vient fonctionner pour ce but-là. Le don spirituel vient pour fonctionner pour ce but-là, pour tourner le cœur vers le royaume et prononcer un jugement sur les autres. C'est le but-là de ce don, de ces appels. Je vais en prendre maintenant au fur et à mesure que ça va venir. Prenons un cas typique dans la Bible. Si vous lisez le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, quand la dernière fois je vous ai donné Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, je vous donne Acte chapitre 8, je vous donne Acte chapitre 9, le chapitre 10, 18 à 19. Je vous ai donné tout cela, n'est-ce pas? Et je vous avais dit qu'on va venir dans les détails, n'est-ce pas, frère? Mais nous y sommes maintenant. Donc, si vous lisez la Bible donc, de la bonne manière, vous allez voir ces choses-ci. Dans Acte chapitre 8, déjà, nous voyons deux volets. Dans Acte chapitre 8, écoutez très attentivement. Nous voyons Simon le magicien, si vous lisez à partir du verset 12 en descendant, lorsque la dispersion a eu lieu et que l'apôtre, l'évangile Philippe est descendu à. Viens t'asseoir ici comme ça, tu pourras bien dormir ici. D'accord? Et l'évangile Philippe est descendu en Samarie. La Bible déclare qu'il a prêché Christ et les miracles, les gens, beaucoup de foules croyaient, beaucoup de personnes ont cru. Et les esprits méchants sortaient de beaucoup de pères, des personnes paralytiques se levaient, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, regardez attentivement. On dit que, il y avait auparavant, je veux que vous voyez les deux types de miracles. Les deux types de miracles, pour que vous compreniez ce qu'il dit tout à l'heure. Or, il y avait auparavant dans cette même ville un homme qui se nommait pour quelque chose, n'est-ce pas? Il s'appelait quoi? Simon, n'est-ce pas? On dit qu'il faisait tellement de la magie au point où il faisait quoi? Étonné. Le but de Satan, de la magie de Satan, des superstitions de Satan, c'est seulement pour étonner. Mais le but de la magie du don spirituel venant du Seigneur Jésus-Christ, c'est fait pour convertir le cœur, pour tourner le cœur vers lui, pour attirer l'attention sur les élus. Vous suivez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, vous allez voir comment le Seigneur Jésus-Christ, si vous lisez votre livre de Jean au chapitre 12, verset 35 et suivant, on dit malgré tant de miracles que le Seigneur Jésus-Christ avait fait au milieu des Juifs, il ne croyait point en lui. Mais on ne dit pas que tous les Juifs ne croyaient pas en lui. D'accord, frère? Maintenant, c'est comme ça, c'est les caractéristiques. C'est plein seulement dans la Bible. C'est plein. Simon le magicien faisait de la magie au point où il détenait les gens. Juste que les gens avaient attribué cette magie, cette manifestation-là à Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas le mieux. Mais quand Philippe est venu, l'authenticité a frayé son chemin pour créer une ligne de séparation. Philippe n'a pas dit que non, cela est faux, ceci est vrai. L'authenticité du miracle a authentifié qui est derrière. Jusqu'à ce que même celui qui faisait pour Satan a dit à Satan que Satan, frère, vrai, toi-même tu me mentais. Pas vrai? Il a commencé à suivre maintenant Philippe. Il dit, mince, ta part c'est grave. Parce que Philippe ne fait pas de tout et tout en mettant les trucs dans la poche. Vous savez, eux, avant de faire ça, ils font des sacrifices, ils font des ablutions, ils font des choses pour m'amener. Mais quelqu'un se tourne là-bas comme l'apôtre Pierre avec Jacques, regarde-nous. Il se regarde, mais la Bible dit, au chapitre 3 maintenant, Satan reçoit Dieu quelque chose, il dit, lève-toi sur tes deux pieds. Écoutez bien, écoutez, il va encore dire quelque chose, c'est ce miracle de l'apôtre Pierre et Jean. La Bible dit, quand ils partaient au temple à l'heure des prières, ils n'ont pas dit, grande croisade à la temple de Jérusalem ce soir. Avec une nuit de prière et de guérison manifeste. Pas vrai? Instantanément, lorsque le besoin se fait sentir, le ciel arrête celui qui a l'appel pour manifester le don. Amen. Vous avez vu la confirmation là? Le ciel arrête la personne qui a le don pour manifester le don. Il, la Bible déclare qu'il montait au temple à l'heure de la... On n'a pas dit qu'il partait pour guérir. Arrivé là-bas, chacun passe. Le grand prêtre passe, il met l'argent dans le truc, il part. Il se tient là-bas comme ça. Regardez bien. Il se tourne. Frère, c'est merveilleux seulement de se tourner en esprit. De se tourner en esprit. Il se tourne. Il dit, regarde-nous. Écoutez, ils sont devenus insister sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses que les pandémies font aujourd'hui. On dit que essaie d'avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, il faut que tu aies la foi, tu vas délivrer. Là-bas, l'apôtre Paul n'a pas requis leur foi. Parce que le gars, la Bible déclare clairement que ce qu'il attendait, c'est quoi? L'argent, quelle guérison. On dit qu'il fixa les regards sur Jean et puis leur vis-à-vis était bizarre. Il dit que c'est sûr que les gars, s'ils vont arracher mon argent, ou bien eux-mêmes vont aussi me demander. Il dit que fixa les regards sur lui, croyant avoir de quelque chose. Pierre Jean dit que si c'est ça que tu attends, moi-même, ça, c'est fort sur moi. La dernière fois, pour payer mes impôts, j'ai dû pêcher un poisson. J'ai dû pêcher un poisson là-bas pour aller payer les impôts. Donc, je n'ai même pas une seule pièce sur moi. Souvenez-vous, l'apôtre Pierre que nous disons là, c'est le capitaine de l'équipe de Jésus. Et les chrétiens de Jésus dépassent tellement Pierre où ils disent que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Nous servons un grand Dieu. L'apôtre Pierre servait un petit. Donc, c'est aujourd'hui qu'ils ont la révélation que Agé 2.8 dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Là, l'apôtre Pierre n'a pas dit que, comme il savait. Alors, il s'est tourné là-bas. Il dit que lève-toi sur tes deux pieds. La Bible déclare, souviens-vous, ouvrons encore ça aussi. Actes des Apôtres, chapitre 3. Il parle des dons et des appels. Vous remarquez que ce n'est pas conventionnel une fois de plus. Il ne parle pas des dons et des appels de façon conventionnelle, n'est-ce pas? J'arrive seulement. Il y aura peut-être une troisième, quatrième partie. On va développer cela. Les dons et les appels. Je vais parler, vous riez. Ça va arriver à une phase où vous allez commencer à voir quelque chose, où vous allez croire que c'est du blasphème. Il parle là, nous rions. Et vous voyez, il y aura des choses qui seront dites, vous allez croire que c'est du blasphème. Regardez chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire que vers 15h, à 15h, n'est-ce pas? Et il y avait un homme boiteux de naissance, dont celui-ci est prédestiné. Prédestiné. Boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous, frère, regarde-nous, regarde-nous. » Je veux votre attention. « Regarde-nous, ce n'est pas la voix de Pierre. Regarde-nous, ce n'est pas la voix de Pierre. Regarde-nous. » C'est pas vrai ça. Comment il veut dire ceci? Ananias, est-ce en ce prix, si vous avez vendu ce champ, ce n'est pas la voix de Pierre. Mais ça a la même tonalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça va bien? Où étais-tu depuis? Pourquoi tu étais couché dans le lit? Pourquoi tu étais couché dans le lit? Vous voyez ça? Ça, c'est une autre voix, ça. Oh, elle est debout devant vous, n'est-ce pas? Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Et puis, pourquoi étais-tu couché dans le lit? Ça, c'est couché dans le lit. Tout le monde se couche dans le lit. Ça, c'est clair. À moins que vous dormiez aussi parce qu'il fait chaud, c'est vous. Hein, frère? Ça, c'est pas couché dans le lit. Cette personne est couchée dans le lit. Parce qu'elle est faible. Vous voyez? Parce qu'elle est faible. Une faiblesse est venue. Ça l'a fait coucher dans le lit. C'est pas ça? Alors, Pierre dit... Est-ce en ce terme-ci, c'est le prix que vous avez vendu, c'est Acte chapitre 5 qui se trouve devant nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire, frère, même en voyant cela. Oh, la voix n'a pas changé, pas vrai? Dieu ne veut pas. Réponds-toi! Hey, c'est Dieu qui a parlé. Non, ce n'est pas comme ça. Cette nuit-là, il a dit, est-ce en ce prix que vous avez vendu l'argent? Quand il est entré, il a dit bonsoir à l'apôtre Pierre. Il a dit bonsoir. Ça, c'était l'apôtre Pierre. Quand il a dit, est-ce en ce prix que vous avez vendu? Ça devait lui poser des questions. Parce qu'ils ont fait un deal. Il n'était pas là. Les gens ont donné les offrandes, la base au pied des apôtres. On a toujours posé des questions. Mais pour lui, on pose des questions. Il doit se poser des questions sur les questions qu'on lui pose. Le discernement. Donc, il faut discerner la voix de Dieu derrière le message. Ça va, ça va bien. Il y a les ça va que c'est normal. Il y a les ça va que ce n'est pas le ça va qui est comme pour va. Alors maintenant, il te dit, regarde-nous. La Bible dit que c'est il a fixé les regards sur. Donc c'était le moment. Regarde-nous. Maintenant, regardez. Verset 5. Et il les regardait attentivement. Donc ils ont attiré son attention. Voilà le but même des miracles. Les miracles sont faits pour attirer l'attention. Que, hey, quelque chose nous est passé, quelqu'un de se mouvoir. Il nous veut quelque chose, il attend quelque chose de nous. Voilà le but des miracles. Le miracle, c'est un autre bras de la prédication pour amener au royaume. Ce n'est pas le bras du spectacle. Le miracle, c'est un autre bras de la prédication. D'accord, frère? Regardez. La Bible déclare qu'il les regarda attentivement. Donc, il. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Normalement, quand les gens viennent là-bas, on ne lui parle même pas. On jette seulement la pièce, on avance. Suivez, frère. Maintenant, regardez. Pierre, verset 5. Et il les regarda attentivement. S'attendant à recevoir de quelque chose. Il attendait quoi? Peut-être que ceci, peut-être c'est le lingot d'eau qu'ils ont caché dans le vêtement. C'est que ma part est venue aujourd'hui. Remarquez très bien que ce que l'être humain pouvait faire à celui-là, le plus maximum de l'être qu'on peut lui faire, c'est de le transporter de sa maison à mettre là-bas pour qu'il puisse avoir son argent. S'il est à la maison, on ne le transporte pas de là-bas, il ne peut pas avoir l'argent ce jour-là. Donc la personne qui peut nous aider, parce que l'être humain, donc, il y a des choses que la possibilité humaine s'arrête. On transporte, on le met là-bas, la journée il passe là-bas. Après il prend encore, on le met là-bas. C'est juste que cela. D'accord, frère? Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a des miracles, même venant de Dieu, que quand ça se manifeste dans votre vie, c'est là où votre problème commence. Et ça, le vrai problème de vos vies commence là-bas. Je vais vous expliquer tout à l'heure, vous me regardez comme ça, que c'est quoi? Je vais vous expliquer, d'accord? Quand il vient expliquer, vous allez dire, ah, donc, avant d'aller là, ah, regardons bien, ici, là, regardez. On dit que fixe s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Frère, il n'a pas prié. Il a ordonné dans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la prière ici. Alors quelqu'un en train de parler. Cette personne qui en train de parler, c'est ce que vous entendez dans le chapitre 9 là, où... Et au chapitre 13, particulièrement, le verset 8 et suivant, où quand il a parlé avec puissance contre Baal Jésus, quand il est tombé avec le proconcil vit ce qui était arrivé cru. Vous avez vu ça, frère? Quand Baal Jésus faisait le pigeon sort, le pain devient la petite voiture, ça devient l'épée. Ou il met l'épée, comme les gens mettent l'épée dans leur bouche, ils mettent juste ça à fond ici. D'autres mettent l'épée ici, d'autres mettent le clou dans leurs yeux, ça ne sort pas ici. Ça, c'est bien, c'est très, très bien. Mais quelqu'un, cela s'est mal tourné. Il est ouvrier d'iniquité, fils du diable. Quand il a dit ça, il dit que désormais tu n'as plus voir la lumière. Quand il s'est tourné vers le conseil, il dit que mais, si un homme parle comme ça, ça change, c'est que c'est pour lui, c'est grave. Si un homme parle, la situation change. Il ne fait pas des chimères. Vous voyez ça? Le miracle ont poussé le conseil à parler. Donc, le bas Jésus qui était là-bas était prédestiné. Donc, Dieu sait que le conseil qui croit, il faut qu'il voie quelque chose manifester. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire que les gens croient de la même manière. Oui, effectivement, on récupère les gens, que les gens disent que Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est une bêtise, pas vrai? Le proconcil, il parle par l'apôtre Pierre. On dit qu'il a fait appeler Paul et Pierre de Barnabas, exprimant le désir d'entendre la parole. Il parle des chapitre 13 là. Il dit, mais le bas Jésus, celui qui s'appelle le bas Jésus, le magicien là, faisait obstruction. Il ne voulait pas que le proconcil distrait. Ah, je suis puissant, vous le chrétien, vous savez, ils vont vous effrayer. Mais quand tu ne sais pas quoi, il existe le don spirituel, tu dis que, on a dit que le type, c'est à transformer quelqu'un en chèvre. Il peut faire mes transports aussi en chèvre. Quand il fait ça, le pain devient le serpent, il fait ça disparaît. Si que c'est parce que, attends, il prépare. Quand il veut me préparer, il veut venir, tu vas me voir. Écoutez, je vais vous donner quelque chose qui risque de vous choquer. Vous êtes chrétien, vous craignez Dieu. Même si vous n'avez pas encore entendu les secousses dans votre vie, vous avez fait alliance avec le ressuscité. Amen. Souvenez-vous bien de cela. Vous avez fait alliance avec le ressuscité. Quand vous avez fait alliance avec le ressuscité, il a les regards sur vous sur chaque moment de vos vies. Les choses que vous entendez, c'est les manifestations plus tard. Mais il est avec vous, même si vous ne voyez pas. Amen. D'accord? C'est pour dire que même si quelqu'un veut vous n'allez pas chercher. Souvenez-vous de ceci. Vous n'allez pas chercher. Mais si quelqu'un veut vous attaquer, vous êtes dans votre 5 mètres. Souvenez-vous, le ciel est derrière vous. Souvenez-vous de cela. Mais n'allez pas confronter. Je vais toucher le cas des dons spirituels maintenant pour expliquer les choses dans la délivrance et autres. Vous voyez, nous y voilà. Vous voyez, chaque fois que je mettais ces vidéos, si je vois un peu, je me dis qu'il faut qu'on enseigne vers ces choses, n'est-ce pas? Voilà là où ça nous conduit. Voilà là où ça nous conduit. Alors, quand l'apôtre Paul est là, il parle le proconsul. Il est là, il est embrouillé entre deux forces devant lui. Il faut qu'une force prône. La Bible déclare quand que Saul, rempli du Saint-Esprit, se tourna. Quand il bavardait à chaque fois, non? Jusqu'à ce que le don entre en action. Jusqu'à ce que le don entre. L'apôtre Paul est rempli de ces dons-là. A reçu le mandat, la mission prédestinée pour sa œuvre nous, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part vers le sein maternel, de me révéler son fils Jésus. Dans ces Galates chapitre 1, verset 15, ici, n'est-ce pas? Alors, lorsque le moment arrive, l'apôtre Paul était là, il parlait toujours, l'autre parle, il parle toujours, l'autre parle, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vient en action. Quand il entre en action, la Bible dit, Saul, rempli du Saint-Esprit. Pas qu'il a fait, oh, je bois, pour concile. Attends, tu vas voir quelque chose ici là maintenant. Jésus, si tu es chaud, quitte cette scène-ci, je bois le Saint-Esprit. Vous savez, c'est comme ça qu'on vous fait boire le Saint-Esprit, vous devenez le Saint-Esprit. Pas vrai, les pentecôtistes, les amis pentecôtistes. Que boire le Saint-Esprit, tu bois. Oh, il saoule, saoule le Saint-Esprit. Il saoule. On n'a pas dit la porte pour être saoul. Il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit veut dire que la capacité de Dieu est venue en action. La capacité de Dieu est venue en action. Quand la capacité de Dieu entre en action, les déclarations qui viennent là, faites attention. Quand il y a déclaration, c'est équivalent à ainsi parle le Seigneur. Amen. D'accord, frère? Donc faites attention. Alors, il s'est tenu là-bas. Quand il s'est tourné là, il dit qu'ouvrez les fils du diable, jusqu'à quand nécessaire, tu parles de pervertir les voies du Seigneur. Voici, l'obscurité tombera sur toi. Et tu chercheras pendant un bon bout de temps la lumière à tâtonnant. La Bible dit que quand l'apôtre va finir ses paroles, il est devenu aveugle. Je ne vois pas pour considérer. Hein? Donc, Paul dépasse pour toi. Paul, donne-moi ton Jésus. Amen. L'authenticité du miracle. Maintenant, quels sont les styles de miracles que nous faisons aujourd'hui dans les campagnes d'évangélisation où les gens voient les mondes sont pendant qu'ils parlent dans le groupe des derrière, les gens sont en train de fumer. À l'intérieur, le miracle se manifeste, les gens sont en train de draguer les filles de la chorale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire dans un endroit où la puissance de Dieu s'est manifestée, un frère entre guillemets, en train de draguer une soeur à l'hôtel. Vous voyez que c'est un club, n'est-ce pas? Donc c'est un club de bas à Jésus. Parce que, écoutez, on va voir cela tout à l'heure. Lorsque vous allez voir, je vous ai donné la dernière fois, chapitre 5, les miracles, la Bible déclare que Dieu opérait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres, des différents apôtres, au point où les autres peuples n'osaient pas. La crainte s'empara de tous. Les miracles, ce qu'on appelle miracle, ça amène seulement les gens dans la débauche. Il faut qu'on se pose les questions. On va dire ça tout à l'heure. Là. Les miracles authentifiaient les personnes qui étaient envoyées. Et ces miracles disaient ceci indirectement, Dieu est en train de parler. Pas vrai? Il était à dire que tous ceux qui s'élevaient contre eux, Dieu les traitait, n'est-ce pas? Dans ce livre des Thessaloniciens, la Bible déclare que ces juifs-là, ce sont eux qui ont tué le Seigneur Jésus et ils nous empêchent, étant rebelles à la vérité, ils nous empêchent de suivre la parole. Puis l'apôtre Paul dit, mais la colère de Dieu a fini par les atteindre. Vous avez lu ça, frère? Donc faites attention pour quelqu'un qui est loin de l'Esprit de Dieu. Faites attention pour quelqu'un qui est loin de l'Esprit de Dieu. Parce que si vous tentez quelqu'un qui est loin de l'Esprit de Dieu, vous allez outrager l'Esprit de Dieu. Et donc, quelque chose peut arriver. Vous pouvez parler, souvenez-vous de Moïse, lorsque Moïse a été appelé. Regardez dans votre livre des Nombres, chapitre 11 et suivant. Remarquez très bien que Moïse n'était même pas là. Aaron était là avec sa soeur. C'est sa soeur, la femme, qui a commencé comme Moïse. Tu es prophète, oui. Je suis prophète ou pas? Il dit oui. Quand il tape ici, l'esprit ne descend pas sur les femmes. Il dit, dans un tchoum pour le Dieu, oui. Mais toi-même, tu n'es pas un prophète? Il dit oui. Moïse, il croit même quoi? Il monte, il nous dit qu'on reste 40 jours, il ne dit pas quand il revient. Son culte, comment? Il devait seulement que ainsi parle l'éternel, ainsi parle l'éternel. Non, on ne sait même pas si c'est vrai. Qui était là quand Dieu lui parle? Tu as même su que c'est Dieu qui parle l'éternel? Quand il a fini ça, Dieu s'est tourné. Il a dit que vous deux là, faites attention pour les appels. Vous pouvez dire ce qui est vrai, mais si vous n'êtes pas appelé à dire ce qui est vrai, quittez l'endroit. C'est Moïse qui avait été appelé. Il dit, quand il y aura le prophète parmi vous, je le parlerai en songe. Mais avec Moïse, je parle sans énigme, de bouche à oreille. Vous n'êtes pas craint de parler à mon serviteur? Non. Je vais vous traiter. Quand il a fini, bam, la lèpre a pris Myriam. Où est-ce que ça veut signifier murmurer contre quelqu'un, un homme loin de l'esprit? Moïse n'a pas mis les genoux par terre. Moïse a mis les genoux par terre pour intercéder pour eux. Mais les serviteurs disent de Dieu, quand on le menace, il dit que je veux te maudire. Si je vais prier contre toi, vous comprenez ce qu'il en est là-bas. Ça a touché la chair. un homme ouin de l'Esprit de Dieu, encore sous la grâce, créera miséricorde, parce qu'on sait effectivement ce que veut dire outrager l'Esprit de grâce. Comment Dieu peut être rigoureux pour frapper? Vous savez, ses frères. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, les miracles d'aujourd'hui, on doit questionner cela. On doit questionner de l'importance et du but et de la personne qui est derrière ce miracle. Prenez le miracle de la Bible et voyez. Prenez le miracle et voyez. Regardez le miracle de cet homme de Actes chapitre 4, ici, de chez chapitre 3 qu'on est en train de lire. Regardons, suivant, je crois qu'il vient de donner ça à chapitre 3, chapitre 4, la dernière fois, n'est-ce pas? Lisons, suivant l'heure seulement. Regardez. Quand l'apôtre Pierre dit, lève-toi et marche, il n'a pas dit si tu as foi. Regardez très attentivement. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Il a dit, lève-toi et marche. Regarde le grec, comme ça, que mes gars, il ne sait pas que je suis malade depuis. Et la Bible déclare qu'il a pris la main. Il dit, mais tu ne comprends pas français. Lève-toi et marche. Quand il s'est levé, regardez verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Donc, quand il a dit, lève-toi et marche, ses pieds étaient de la même façon comme il était. On dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Vous avez vu cela? Au même instant. Donc, ça ne s'est pas accompli quand il a dit, lève-toi et marche. Parce que quand il a dit, lève-toi et marche, il y a un temps entre ça, que le gars assimile comme le type, si il est dingue ou quoi, il est dingue ou quoi. Donc, il y a des miracles que Dieu peut accomplir dans ta vie sans besoin de ta foi. Vous dites, amen, maintenant, je vais avancer doucement, parce que vous dites comme ça, vous croyez que c'est de la blague. Quand vous dormez, vous vous levez, vous avez foi. Quand vous dormez, je me couche, je m'endors, vous avez foi de quoi vous avez levé, vous avez couché, vous avez réveillé. Quand vous êtes venu ici, vous avez intercédé pour vous asseoir sur la chaise. Vous avez vu ce que celle-là s'est assise dans la chaise, ce que lui a fait dehors, non? Elle s'est assise sur la chaise sans avoir foi, c'est entre prou. Parce que la chaise était percée. Or, vous, la prochaine fois, maintenant, quand elle va venir s'asseoir sur une chaise, elle va dire, comme ça l'a déjà traité, elle va faire comme ça que, au nom de Jésus, y a-t-il quelque chose? Tout obstacle qui a sur cette chaise, c'est la mise en verre. Pourquoi? Parce que ça l'a déjà mordu. De la même façon, vous aussi. Si une nuit il accouche de nuit, deux nuits il accouche de nuit, vous allez dire que c'est à quelle une, vous aurez une, vous allez encore dormir. Vous dites que je sais maintenant les heures où il vient. La nuit là, c'est pas que, oh Seigneur, j'étais lourd, c'est parce que vous savez qu'il y a l'ennemi là-bas. C'est pas ça, mes frères. Or, lorsque tout semble bien, vous vivez avec Dieu et il vit avec vous sans que vous ne rendez compte. Chaque jour, il accomplit des miracles sans notre besoin. Vous dites, ah, vraiment, je vais faire comment? Ici aujourd'hui là, le bailleur risque de venir me déranger aujourd'hui. Subitement, quelqu'un qui vous donne de l'argent vous appelle. Frère, pourquoi il t'appelle à cet instant-là? Pourquoi ne voyez-vous pas le nom de Dieu derrière? Pourquoi? Vous avez une moto, vous faites. Voici ma moto, ta moto. Ta moto. Jésus dit que, aïe. L'ennemi dit que, ok. Le gars, s'il aime trop, quand il part prier comme ça, il voit sa vie change. Je n'ai plus d'emploi sur lui parce qu'il part à la prière. Prenons cette moto, on va voir ce qui va partir. Tu dis, ouais. Si Jésus dit comme ça, vop. Il dit que, regarde, la prochaine fois, ce que c'est l'ennemi faisait. Voilà le camion qu'il a programmé pour mettre sur toi. Tu dis, Seigneur, prends tous les motos, même les chaussures, prends tout. Parce que tu as vu le pourquoi il a enlevé. Mais quand tu le vois, pas, on y va à la prière, tu dis, je suis d'abord allé là-bas le jour, là-bas, on a volé ma moto. Mais la moto, c'est une délivrance. Le vol de ta moto est prédestiné. C'est merveilleux. Alors, en fin de compte, pour tous les enfants, parce qu'on va prendre pour un, pour deux, pour trois, pour quatre, pour cinq, pour tout dans le corps de Christ est prédestiné. Et tout ce que le corps de Christ va faire, c'est prédestiné. Personne dans le corps de Christ ne fera jamais ce que Dieu n'a pas ordonné. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit de nouveau. En fin de compte, c'est ça, dans une question. Alors la Bible déclare que lorsqu'il a pris par la main, il le prit par la main et le fit lever. Lorsqu'il a fait ça, boum, ses pieds et ses chevilles devaient faire. Quand il a pris, il a levé, boum. L'apôtre Pierre, si c'était l'apôtre Pierre, il va dire, enfin vous aussi, quand vous allez souvent prier pour des gens, vous voyez souvent maman sur le lit, que ses os sont déjà sortis, parce que les yeux sont dedans. Maman, est-ce que tu crois que le Seigneur peut te guérir? Vous pensez que si quelqu'un est sur la malade, ils vont lui donner n'importe quoi, même sur le caca qui doit le guérir, il va dire quoi? C'est pour ça que quelqu'un peut être sur le lit, vous venez prier pour quelqu'un, vous voyez qu'il y a l'arbre de pain là-bas à gauche, la cola avec le blanc, vin blanc là-bas à droite, ou au-dessus là-bas la croix des catholiques, ici le chapelet, la prière du mari qui dénoue le nœud. Parce que chacun vient pour ce catholique, il dit que dénoue le nœud avec ça. Il dit oui, je vais essayer. Tu vois qu'il va dire non, parce qu'il cherche ce qui va lui donner la paix. Donc n'allez pas voir quelqu'un sur le lit, dire que tu crois que le Seigneur peut te guérir, il va dire oui. Ok, quand tu pries là-bas, quand il se parle, tu vas dire quoi? Que non, tu ne croyais pas bien, non? Hein, frère? N'est-ce pas ce que tu as conclu? Alors quand tu vois dans les miracles, tu vois dans les gens, de façon que certaines personnes sont miracles, tu vois quelqu'un donc qui était gros, vous voyez comment il est maigre parce qu'il est devenu comme ça, on le porte comme un enfant. Quand tu regardes comme ça, tu as déversé, mais dis que voici les miracles en comprenant ceux qui l'ont cru. Ah mon nom, chasseur, le démon, ils se posent même malade. Quand tu vois le malade comme ça, là, le verset là pas. Parce que tu as vu la qualité des maladies qui est là-bas, tu dis que hey, ça c'est toi, hein. En toi que ça se passe, la guerre commence. Seigneur Jésus, est-ce que c'est déjà le miracle que tu avais dit que tu en imposais même là, okay. Maintenant, ta foi a été bombardée, c'est sûr. Elle m'a fait bombarder la foi. Tu crois que le Seigneur peut te guérir? C'est pour cela qu'il faut marcher par l'esprit. Vous ne pouvez pas avoir pitié d'un être humain plus que Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas. Amen. Vous ne pouvez pas avoir pitié d'un être humain plus que Dieu. Qui les a créés? Ok. On a dit que celui-ci est né comme ça, malade, non? Quand, vous pensez que quand il est sorti du vent, sa maman était contente. À 9 mois, quand les enfants commencent à faire des premiers pas, il était toujours comme ça. D'autres voisins ont su, Dieu lui dit que l'enfant là, c'est l'enfant des eaux. Peut-être vient des eaux. Va le mettre en bordure de la mer. Pour que le... Quand on va manger la mer, le crocodile va sortir manger. On va dire, non, il est parti. Pas vrai, frère? Voir comment on tue les enfants. C'est ce qu'on va dire. Mais pourquoi? Celui-ci est né prédestiné pour que tout ce qui va se passer tout autour de la prédication, à la suite de ce miracle-là qui va attirer l'attention, pour que les gens viennent, que la prédication soit prêchée. Combien de personnes? Allons-y rapidement là-bas. On y va. Nous sommes au chapitre 3. Je vais aller rapidement devant. J'étais où là? Le chapitre 3 où j'étais, n'est-ce pas? Oui. Regardez, voir chapitre 3. Il va aller là-bas. Nous sommes versés. Non, il va aller quelque part rapidement. Chapitre au chapitre 4. Ça continue jusqu'à chapitre. Parce que c'est l'histoire du chapitre 3 qui conduit au chapitre 4. D'accord? Verset. Non, pas cela. Je vais voir quelque chose là-bas. Regardez le verset 22 d'abord. Vous avez vu cela? Allons-y. 1, 2, 3. Non, je suis au chapitre 4, verset 22. Il dit c'est la suite. Oui? Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Vous entendez ça, frère? Je vais revenir sur cela pour bien arrêter de son nom. Mais il va aller quelque part. Regardez le chapitre 4. Je vais lire le verset 4. C'est ça que je vais vous montrer l'implication de cela. Regardez le verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Vous voyez ce que le miracle a produit, n'est-ce pas? Donc, le miracle de cette personne-ci était pour attirer l'attention afin que les gens viennent pour croire. Donc, il fallait que Dieu parle à cette personne-ci. Mais il n'a pas dit ça à son père ni à sa mère de pourquoi l'enfant est paralysé. Mais quand nous disons, maintenant, son répétit, nous voyons cela. Donc, quand tu as un enfant qui est malade, tu as une femme qui n'accouche pas, tu ne sais pas ce qui est écrit de toi. C'est ça le vrai problème. Parce que nous pouvons lire ici et avoir regardé derrière dans l'Ancien Testament, regarder devant comment la suite est arrivée. Tu as un livre qui est écrit de toi, comme ce garçon si paralytique a son livre. Sa grâce est qui s'est retrouvée dans la Bible. David, par exemple, a dit, quand dans ce psaume 139, là, le verset 14 suivant que j'ai lu, il dit que lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et tous les jours qui m'étaient destinés étaient écrits sur ton livre. Donc David avait à ses jours écrit sur ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc le péché de l'adulté de Béchaba est prédestiné. Amen. Je dis quand je vais arriver, vous devez croire que c'est le blasphème. Quand vous lisez le psaume 51, le psaume 32, quand vous lisez ça, ça ne nous fait pas bien. Il fallait qu'il fasse ça pour voir écrire le psaume pour que vous compreniez comment Dieu est miséricordieux. Amen. Comment Dieu peut pardonner à quelqu'un qui commet l'adultère. Ce sont des laboratoires de Dieu. Ceux-là sont les scientifiques que Dieu utilisait pour pouvoir nous manifester montrer ces différentes manifestations. Comment il est miséricordieux? Vous dites, Dieu est miséricordieux. C'est quoi la miséricorde? Va lire 1 Samuel chapitre 11. Quoi? 2 Samuel chapitre 11. Tu lis ce que David a fait. Tu vois ce que le prophète est venu nous dire. Et tu vois effectivement comment Dieu l'a délivré et ce qu'il a fait par la suite. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Il dit, heureux celui à qui les péchés sont pardonnés, à qui l'Éternel n'impute point l'équité. Heureux. Parce que le poids de... Je t'ai fait connaître mes péchés. J'ai dit, je vais confesser mes péchés et tu as ôté le poids de mes iniquités. C'est ça la miséricorde. Vous voyez, parce que si tu retiens un seul péché sur toi, c'est l'enfer qui t'attache. Si tu retiens un seul de tes péchés seulement, il dit que ceci ne pardonne pas, frère, c'est fini pour toi. Vous voyez cela? Alors, comment il va faire pour enseigner ça à l'homme? Il permet qu'un homme pêche, il lui montre comment il est. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Avant, tous les jours qui m'étaient destinés étaient écrits sur ton livre, avant qu'aucun d'eux n'existât. Il a dit aucun d'eux. Donc, le lundi était écrit. Mardi, il sera chassé par Absalom. Par exemple, il va revenir au pouvoir. Mais avant qu'il va chasser, il va passer par le flanc de la montagne à Jérusalem. Il sera insulté chien. Et quand on l'a insulté, il savait. Il le sait mieux. Si Dieu dit qu'il maudisse, qui va arrêter de ceux qui maudissent, pas vrai? Oui. Il a encore passé. Quand il passe encore, le gars a dit que laisse-moi un pauvre chien comme moi. Qu'est-ce qui se passe? Il savait que quand il va à Jérusalem là-bas, la Bible déclare que le roi peut tout. Avec d'un seul regard, il peut anéantir le méchant. Pas vrai? Oui. Il savait que quand Jésus parlait à Jérusalem, s'il ne demande pas pardon, là, ça n'a pas fini. Vous voyez cela? Mais David dit, avant qu'aucun d'eux n'existât, donc avant qu'aucun de ces jours, avant qu'il ne vienne sur la terre, il dit, il parle, vous mettez le doigt dans Actes chapitre 4. Lisons ces psaumes 139 là. Psaume 139. Que Dieu vous bénisse. Quand on va finir là-bas, préparez le psaume 56. Parce que c'est la même chose, la même idée hier encore là-bas. Allons-y, regardez. Verset 16. Regarde. Mais il parle à partir du verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Mais c'est quand même terrible ça. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu ça, frère? Amen. Donc, si c'était mardi nuit qu'il a fait tuer Uri, vous ouvrez le livre de David, vous allez dire que mardi nuit, il va faire tuer Uri par Joab. Donc, Joab aussi est prédestiné dans l'affaire. Donc, vous allez dans le livre de Joab. On ouvre, on dit que Joab sera serviteur de David. Les temps forts dans la vie de David qui va marquer la vie de Joab, on va regretter. Tu vois dans le livre de Joab, tu vas voir la même chose. Tu vois dans le livre de David, tu vois effectivement qu'il va commanditer le meurtre de ceci. Vous allez dans Uri maintenant. Pour Uri, un vaillant guerrier, comme il ne va pas se tenir n'importe comment. On va faire quelque complot contre lui, son roi et son général va faire, on va le tuer. Il va rentrer parce qu'il va rentrer ne voulant pas coucher, mais Dieu va faire le préserver de façon qu'il couche pas avec sa femme pour que l'iniquité ne soit pas dans sa maison. Mais il sera tué. C'est un martyr. Dans son livre, ce sera écrit comme ça. Ha! Prédestiné, vous parlez. Donc, les dons et les appels. Maintenant, lisons le chapitre 56, les versets 8 et 9 de ces mêmes psaumes, des psaumes-ci. Regardons chapitre 56. Psaume 56, qu'est-ce qui est dit là-bas? Regardez. Regardez, on y va. Psaume 56. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Je veux que vous compreniez ce que David a dit. C'est David qui a dit parler. Regardez le verset 1. Au chef des chants sur colonne de térébènes, au lointain, hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath, il a chanté cela. Puis il nous donne une révélation que, regardez, c'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Il parle maintenant de ces groupes-là. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Maintenant, verset 9, regardez le verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Donc, la vie en cavale qui courait de lieu en lieu. Dieu compte, donc c'était programmé que tu vas passer de Gath, aller à Philistin. Regardez bien ce qu'il fait. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Donc, les larmes, les pleurs, quand il va commencer à marcher de lieu en lieu, les cris qu'il va faire, c'est écrit dans le livre, même le nombre de gouttes qu'il va crier. Prédestiné. C'est ça, frère? C'est ça, mes soeurs? Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Prie. Oh Seigneur, Seigneur. C'est là, c'est 800 prières. C'est 799. Ouais, Seigneur, tu me décourages. Tu pars. Wow. Il fallait que ce soit 800. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est 800 ou pas. Il faut prier sans cesse. C'est pour ça que je vous dis qu'on est entré dans une génération glorieuse mais paradoxale. Et que vous voulez ou pas, même si vous fâchez maintenant, on ne peut plus sortir parce que vous êtes déjà dedans. Si vous fâchez en disant que qu'est-ce qu'il avait fait, même ta question est prédestinée. On avance là. Alors maintenant, dans ce chapitre 4, le verset 7 et suivant, le Actes des Apôtres nous dit que le nombre de personnes qui ont été ajoutées, c'est 5000 à cause de ce que le miracle s'y a fait. Donc vous voyez que le miracle s'y avait pour but d'attirer ces 5000. Maintenant, est-ce que c'était programmé par l'apôtre Pierre? Il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Quand c'est tenu là seulement, il a commencé à parler, 5000 personnes sont venues. Alors frère, je pose la question, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui avec ces choses-là, les programmations, les miracles, les croisades? Remarquez même le titre même des choses évangéliques. On dit croisade. Vous savez ce que veut dire croisade, frère? Croisade, c'est la guerre. Croisade. Les croisades étaient organisées en l'an 1095. Les premières croisades, c'est les papes qui ont fait ça. Croisade contre croisade, parce qu'on partait à Jérusalem pour bloquer les gens qui les marchandaient pour aller délivrer Jérusalem. Les papes, c'est ce qu'on appelle l'inquisition. Ils partaient tuer les gens. Tuer les gens. C'est quoi le fait? Donc, les évangéliques vont encore tuer les âmes. Décembre arrive, ça sera fort. Mettez seulement les chaînes disent quelque chose dans le temps. C'est publicité, c'est publicité. Grande croisade d'évangélisation. Grand impact, c'est seulement l'exemple qui sont vus. Parce qu'en réalité, l'exemple, c'est le moment de partage. C'est quand même le chicha donne. Nuit de la traversée. Quand ta destinée change en cette année qui arrive. Et dans la fin de l'année, on a décembre, ça veut dire dixième mois. Donc décembre comme ça, c'est le dixième mois dans le calendrier. Ils disent c'est la fin de l'année. C'est pas ça, mes frères. Vous savez que décembre, ça veut dire dixième mois, non? C'est pas ça. Novembre, nous sommes au neuvième mois comme ça. D'exemple, quelqu'un s'est tiré un prédicateur qui dit cette fin d'année qui arrive comme ça, c'est la fin d'année. Que Dieu nous aide. Rentrez dans l'arche d'apôtre. Rentrez dans l'arche d'apôtre. Parcourons l'arche d'apôtre maintenant, disons quelque chose et vous expliquer. Donc, un, nous avons vu que l'apôtre Pierre a commandé, le miracle s'est produit. Mais remarquez quand même que le miracle n'est pas programmé. Mais les personnes et l'apôtre Pierre, la guérison, tous, les choses qui se passent autour, les personnes qui doivent être au temps pour être sauvées, parce que le Seigneur Jésus a dit que. Il y a un seul berger, il y aura un seul troupeau. C'est là il faut que je les amène. Quand il dit je les amène, ça veut dire que là c'est moyen à lui qui va les faire venir. Voilà l'un des moyens. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous sommes seulement les instruments. Nous sommes seulement les instruments. Je me souviens, une année, on est allé à Yaoundé, dans une maison là-bas, on prêchait. Il y avait un homme qui était assis là-bas derrière, le fils d'un des conseillers de la première dame. Il était assis là derrière, j'ai commencé à parler, on m'a posé une question. Cette question, on répond tout simplement. J'étais là, il posait, pendant qu'il causait, il priait que cet homme, ce Seigneur, c'est qui? Il était là, calme. Vous voyez les gens simples. Il est là, calme, il observe. Je parle. Normalement, il est venu laisser quelqu'un, il dit des questions qui parlent. Je vois, il se lève, puis il s'assoit encore doucement. Vous voyez le Saint-Esprit, frère. J'étais là, il parlait d'autres choses, mais la personne qui me posait la question, je parlais. Vous savez, quand on me pose la question, je commence à parler. Je remarque que ce n'est pas à toi que ça ne répond, que même ta question, ce n'est pas pour toi. Tu crois que tu veux poser pour comprendre, et le Saint-Esprit veut utiliser ta question pour faire comprendre aux gens. Alors, j'ai envie de parler, ce que je parlais n'avait rien à voir de Jésus qui va venir bientôt juger les gens. Jésus qui est bon. Frère, l'homme qui s'asseyait devant nous, c'était un millionnaire qui allait jusqu'à la Mecque pour chercher Dieu. Il allait dans toutes les religions. Il s'est converti au bouddhisme. Il a fait l'islam. Il a fait jusqu'à aller même à la Mecque. Il était assis là. Il avait confronté le pasteur, aller voir l'archevêque de Yaoundé pour chercher la paix avec le Seigneur. On était assis là. De quoi est-ce que je parlais? Je parlais de la dîme. J'ai parlé de la dîme en expliquant tout simplement la question à quelqu'un, simplement tel que vous en entendez là, en expliquant les tenants absents, les implications de la dîme et ainsi de suite, pourquoi la dîme a été donnée, qui a ordonné la dîme, c'est ça qu'il expliquait. Il était assis là, le Saint-Esprit dit parle, je parle. Mais quand il parle et que je sens que je n'ai pas même pu m'arrêter de parler, que c'est lui qui parle, je sais que quelque chose doit se passer. Il s'est levé la frère, c'est un il dit c'est quoi, on dit de quoi frère, il dit aujourd'hui il a compris la vérité. Qu'il a cherché cette parole suffisante de prêcher comme ça. Il a voyagé jusqu'en Arabie Saoudite sans jamais le trouver. Il dit là où je suis là, il faut que je te voie pour qu'on voie à ma main et à la première dame, pour qu'on lui prêche cette parole, c'est parce qu'il sait que tu es dans le vrai. Comment un être humain peut s'asseoir seulement comme ça là? Faire si ce n'est pas l'œuvre de Dieu qu'elle a fait en lui. Vous voyez? Il est sorti là. Et après il m'a appelé à Dieu, envoie-moi la Bible, viens envoyer la Bible pour sa femme. Je crois qu'on l'avait baptisé. C'est ça? Là, il s'est baptisé. Voilà quelqu'un qui allait à la Mecque, payer des avions, allait porter la soutane blanche. C'est pas le blanc blanc qu'on porte là qui fait que ton cœur soit blanc. Si tu prends comme ça, c'est à la colère dedans. En fait, quand ça va faire, il y a le couteau toujours dans le tout blanc là. Dieu peut utiliser des choses folles. Enfin, je chante des paroles, comme c'est écrit dans la Bible déjà. Il utilise des choses folles pour confondre les sages. Et quoi que quand on va s'asseoir dans une grande campagne, on écrit, quand on voit la personne, on dit waouh, c'est un serviteur de Dieu. Ton apparence, ton accroupement et autres là-bas ne peut pas faire que le Saint-Esprit vienne sur le cœur de quelqu'un pour le transformer. Souvenez-vous de ce qu'on a vu ici un de ces jours. Il a dit que je vous laverai d'une eau pure et vous serez purifié de vos idoles. Puis quelqu'un m'a posé la question la dernière fois. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que vous avez écoutée. Pendant que tu prêches, vous ne savez pas ce que ça ne fait dans l'autre personne. Mais il faut que cette prédication soit loin de l'Esprit de Dieu. Vous cessez, n'est-ce pas? Alors, donc, voici donc Dieu qui dit ici au travers de l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit dit lève-toi et marche, il le tire, le pied sort. Tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose, je vais expliquer. J'ai dit, lorsque vous êtes guéri, lorsque des miracles arrivent dans vos vies, c'est là où votre problème commence. Cet homme-ci maintenant, son vrai problème commence à partir du moment où des hommes peuvent venir s'asseoir là-bas pour attendre l'argent tranquillement. Donc, il va falloir qu'il marche de ses pieds-là pour chercher maintenant de quoi manger. ça fait 40, plus de 40 ans que quelqu'un n'a jamais marché pour aller chercher le travail. Vous voyez, son vrai problème commence là-bas. Quelle vraie raison, dans un autre domaine, quelqu'un va dire, mais je te remarque. C'est pas toi qui étais assis au temple là-bas. Oui, oui, c'est moi. Mais comment tu marches maintenant? Il dit non, quelqu'un m'a tiré la main. Il dit, toi, tu as entendu ça où? Pas vrai? C'est sûr que vous avez déjà des personnes qui vous accroupillent. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui font le faux. Que ah, je suis malin, on me donne l'argent. Et c'est sûr qu'on t'a chassé là-bas, on continue maintenant. Il dit, son propre problème commence là-bas. Bâtiment aussi. Il dit, je ne vois pas, pardon, mais tout comme mais. Maintenant, quand il va voir, il ne peut plus faire comme s'il ne voit pas. Ouais, maintenant, il va commencer à voir maintenant la route pour aller au champ, pour aller cultiver. Et quand il va cultiver maintenant, lui aussi va attendre la semence comme les autres personnes qui attendent. Donc, il va commencer à connaître les difficultés de tous les arts humains. Donc, c'est pour dire quoi? Si tu attends les miracles, sache que les miracles vont produire d'autres cycles, comme ça, des paramètres, d'autres problèmes. Tu vas commencer à tu vas devoir t'accoutumer avec les êtres humains normaux qui n'avaient pas ton handicap. Parce que si tu étais handicapé, les gens avaient pitié, on peut te donner quelque chose. Maintenant, quand tu as deux pieds, quelqu'un dit qu'il te donne, lui donne pourquoi? Il a deux pieds comme moi. Pas vrai, frère? Amen. Voilà, voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Pas vrai? Uh-huh. J'avance ici. Je crois qu'il y a assez de temps. Si, à moins que vous voulez que j'arrête, on continue. Alors, chapitre 5, chapitre 4, là, toujours. Parcourant Actes des Apôtres jusqu'à l'ancien. Souvenez-vous, notre livre de base, on n'a pas encore avancé jusqu'au troisième verset. C'est Marc chapitre 6. J'ai dit qu'on devait lire le verset 1 au verset 13. On avance. Chapitre 4. La prédication va non seulement amener les gens au royaume, mais ça va amener au chicotement des deux apôtres. À l'emprisonnement. Pour dire que lorsque vous priez que don de guérison, don de guérison, don de ceci, don de ceci, ne pensez pas que quand vous allez manifester don de guérison ou bien des dons spirituels, ça va attirer la partie de tout le monde. Non, non, non, non, non, non. C'est pas tout le monde qui sera sympa avec vous. D'autres personnes vont voir ça, ils seront jaloux. En fait, donc, lors de à partir du chapitre 4, verset 12, après que l'apôtre Pierre va dire qu'il n'y a de salut en aucun autre cas, il y a sous le ciel, sous le ciel, un autre nom qui était donné parmi les enfants par lequel on a été sauvé. La Bible déclare que il vit l'assurance, verset 13, il vit l'assurance avec lequel Pierre et Jean parlaient. Il dit, mais comment connaissent les Écritures? Mais ils reconnaissaient ces gens de peuple sans instruction. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le faire sortir pour délivrer. Ils vont le faire sortir. Il dit, mais. Maintenant, la réunion commence. Verset 14. Regardez. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Puisque quoi? Ils savaient que le type, s'il est né boiteux, le voici, il marche. Les gens, si, ils n'ont pas fait l'école de théologie. Ils parlent, ils ont changé. Regardez bien ce qu'eux-mêmes disent. Ils les ordonnaient des sorties du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux disant que ferons-nous à ces hommes car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas nier. Donc eux-mêmes sont témoins de miracles. Frère, j'ai dit tout à l'heure, les miracles c'est un autre bras de l'évangile pour amener au royaume et pour amener à la condamnation. Vous avez vu, ça a amené 5000 personnes, tout notre groupe voit bien le miracle. Mais il ne peut pas nier, parce que c'est un miracle. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Là, ton voisin, fais attention. D'autres personnes, quand on manifeste le miracle, quand Dieu visite quelqu'un, on lui dit, rendre grâce à Dieu, commence à être jaloux. La personne rentre avec le cœur gros. Que depuis que je prie, un nouveau vient comme ça, il y a son miracle. Dieu là est injuste. La personne juge Dieu. Mais Dieu lui a donné le petit doigt, c'est plus court que le long. Il n'a jamais posé la question, pourquoi le petit doigt, c'est plus court que le grand? Il n'a jamais demandé. Mais quand il arrête quelque chose avec sa main, il comprend que non. C'était nécessaire que le coup doit, l'autre là, c'est court pour que la main puisse être bien fermée. Parce que tous les longs sont là, tu ne peux pas fermer ton main et par contre, le poing ne peut pas être fort. Il ne dit pas gloire à Dieu pour ma main. Tout, en tant que chrétien et en tant que chrétien, tout ce qui vous arrive, soit en bien, soit en mal, ont un but et c'est écrit dans vos livres. Vous pouvez me permettre de parler. Vous êtes prédicateur selon Dieu. Tous ceux à qui vous devez parler, qu'ils entrent dans le royaume, c'est écrit. Votre groupe s'est entré. Vous êtes prédicateur, oint de Dieu, envoyé par Dieu. Les gens à qui vous devez parler doivent être sur la terre pour vous attendre. Et vous allez les faire entrer. Les dons et les appels sont prédestinés. Et tout don, ce qui tourne autour de ces personnes-là. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ça veut dire la durée du prédicateur, les styles de miracles qu'il va faire, les styles de prédication qu'il va faire, c'est programmé sans que lui il ne soit au courant. Les lieux où il doit aller, c'est programmé avant qu'il ne soit au. Ce n'est pas que Dieu est en haut à décider que mince, comme celui-ci proche bien sur la terre, il y a les ténèbres où est. Saint-Esprit, envoie-le en Afghanistan. C'est pas ça. Ton itinéraire est tracé. Il y a le plan de guerre. Quand les hommes vont en guerre, ils étudient la cartographie des lieux, le relief, pour voir s'il y a des montagnes. Ils ne peuvent pas aller sur la montagne, les hautes zones montagneuses avec les catapultes, avec les petites voitures. Par contre, s'ils voient que ces zones, les zones difficiles à accéder, accessibles, ils vont chercher les 4x4, les choses qui sont programmées là-bas. Ils ne peuvent pas aller dans les endroits où il y a une marécageuse avec les voitures. Non, non, non. Il y a des voitures adaptées à ces zones marécageuses. Et par contre, il faut étudier. C'est pour ça qu'il y a des géographes à l'intérieur. Il y a des gens qui ont fait la géophysique à l'intérieur, les astronautes dedans, tout. Pouvoir faire, tout cela s'assoit sur une table. Chacun donne les conditions nécessaires. Avec ça, maintenant, on sort un plan et une stratégie de guerre. Ça, c'est pour les hommes, parce qu'on a besoin des apports des uns et des autres. Mais le maître des temps, qui connaît toutes choses avant le temps, connaît que celui-ci est censé aller à tel endroit, il est programmé. Toute personne qui va te rencontrer en tant que prédicateur sont prédestinés. Ceux qui vont te trahir, te malmener, t'insulter, mal parler contre toi sont prédestinés. Comprenant ces choses-ci, personne ne diminue plus. Tu vas seulement dire, fais ton œuvre. Et que Dieu te bénisse dans ton œuvre. Parce que celui qui te maudisse est programmé dans ton livre. Il faut qu'il réalise ce qu'il a à faire. Oui. Vous avez vu Jésus, n'est-ce pas le Seigneur Jésus connaissait qui était Judas. Quand vous lisez le psaume là, n'est-ce pas, on parle de Judas là-dedans. On a même dit qu'un autre prenne sa place, non? Remarquez, non. Vous connaissez qu'il parle avec mes amis catholiques encore, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que à Rome, le pape se réunissent en disant que quand on va élire le temps, on dit que c'est le successeur de l'apôtre Pierre, non? Montrez-moi dans la Bible, vous avez vu que l'apôtre Pierre a été succédé par quelqu'un. Hein? Vous avez vu, est-ce que vous avez vu dans la Bible que les apôtres se font par succession? Alors maintenant, suivez attentivement, regardez-moi, je vais dire quelque chose. Le Seigneur Jésus a été crucifié sur Rome. Ce sont les Romains. Pas vrai? Ils ont porté l'onction de Judas. C'est pour cela que la succession apostolique concerne vraiment la succession de Judas. Donc, il perpétue l'œuvre de Judas pour trahir Jésus sur la terre. Et ça, donc, c'est la question. La succession apostolique n'est pas transmissible. Parce que le sacerdoce, sur le sacerdoce de Melchisedec, ne se transmet pas. On ne se transmet pas. Ce n'est pas comme chez Aaron où, si tu es des Aaron, automatiquement tu es sacrificateur. Ce n'est pas comme ça ici. Les places sont prédestinées. Vous suivez ce que j'allais dire, n'est-ce pas? Alors, les papes sont les successeurs légitimes de Judas Iscariote. Les remplaçants de Judas Iscariote. On avance ici, frère. Donc, ces gens aussi disent qu'il est clair qu'un miracle signalé a été manifesté. Il dit, et nous ne pouvons pas nier. Vous voyez que l'être humain, si Dieu ne t'appelle, tu n'as pas le pouvoir, non? Ce miracle, normalement, devait faire que les gens viennent à lui, pas vrai? Mais les gens qui étaient destinés pour venir, ils sont venus, 5000. 5000 sont venus comme ça, sortant les gens du temple et tout autour. C'est ceux qui allaient à la prière. Quelque chose s'est passé, ça a créé un déclic dans leur cœur pour venir à Jésus. Vous voyez, quand il vient maintenant, les nouvelles données vont changer. Parce que désormais, ils vont plus s'accoutumer avec les temples juifs. Les personnes qu'on faisait sur la porte de Pierre, et même, ils vont commencer à subir. Mais c'est un déclic. Quelqu'un qui, quand le pied est sorti, va faire. Qui a créé cela. Maintenant, ils sont allés délibérer. Donc, ils sont allés faire le conclave. Je veux que vous compreniez quelque chose maintenant. Il y a tellement de choses à prêcher dans cette Bible aussi. On a dit qu'ils ont fait sortir Pierre et Jean. Et ils sont restés dans la salle pour délibérer. Le Sanhédrin, dans le tribunal des Juifs, s'est réuni avec les grands anciens. Je vous pose la question. Qui a écrit Actes des Apôtres? Qui a écrit Actes des Apôtres? Qui a écrit frère? Toi, dis-moi, qui a écrit Actes des Apôtres? Tu es sûr, frère? Le frère n'est pas sûr. Parce que, on dit qui a écrit les Actes des Apôtres? Pendant que les gens prononcent, ils bougent la bouche, même comme c'est le problème. Alors maintenant, ce qu'il veut dire, c'est que suivez-moi attentivement. On a fait sortir Pierre et Jean du milieu, un peu comme on disait à deux, c'est aussi que sortir pendant qu'on parle. Quand ils sortent, on continue à nous dire ce qui se passe à l'intérieur de la réunion. Luc est dans la réunion, frère. Dis à ton voisin, fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Vous suivez? Je dis, on a fait sortir Jean. On est que, regardez. Verset 14. Il dit, c'est où là maintenant? Non, verset 15. Il leur ordonna de sortir du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux. Donc ce n'est qu'eux qui étaient dans la disant que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste. Donc quand ils l'ont fait sortir, on a dit que Qu'est-ce que nous allons faire? Je pose la question. Luc a écrit les actes des apôtres, était présent. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est partout. Même en territoire ennemi. Il l'écoute. Il voit tout ce qui se trame dans les ténèbres. Et il peut manifester cela dans la lumière. Donc le Saint-Esprit fait sortir, on montre comment les apôtres Pierre et Jean sont sortis, mais on nous donne la suite de la réunion. Eux qui ont participé à la réunion n'ont jamais su qu'on connaissait, quand ils sont là-bas, chacun rentre chez lui. Ils guettent comme ça, ils guettent comme ça. Ils oublient qu'il y a une caméra droit, tout droit, verticale. Et que plus tard, lui va mettre ça à l'écrit. Il va dire que non, je n'ai jamais fait quelque chose à l'apôtre Pierre. Le jour où le livre va s'effondrer, le nombre de personnes dans le Saint-Évêque est prédestiné. Vous voyez cela, frère? Alors quand il va sortir, il va dire que non, moi je n'ai rien fait. Parce que son nom n'est pas écrit, on a entendu lui par le bruit. Mais ça s'est passé en secret. Le vote secret. Tout ce qu'on fait dans les ténèbres, les femmes à son fond et au-delà, tout là, c'est mis en exergue, en lumière. Ok, mais continuons ici, regardez bien. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, vous voyez la chose, le fait que tu connais telle personne qui s'asseyait devant le temple, lui. L'apôtre Pierre est allé, il a prononcé un nom là, Jésus de Nazareth. Puis, puisque nous sommes dans la continuation du chapitre 3, puis il nous a dit que c'est le Jésus qu'on avait crucifié là-bas, que c'est lui qui a resté qui a fait. Maman, toi-même tu vois ça, comment, en faisant comment on annonce Jésus sans s'en rendre compte. Vous voyez, il dit afin que la chose ne se propage pas davantage dans le peuple, donnons-leur avec menace, avec une expression de menace, l'interdiction claire de ne plus parler en ces noms-là. Parler de la publicité de Jésus, hein. Regardez. Il dit, défendons-le avec menace de parler désormais à quiconque en ce nom-là. Et les ayant appelés, il est défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à... Vous devez être vraiment disciple ou un disciple pour dire ça devant les hommes comme ça. Parce que si un miracle a eu lieu, ils refusent de croire. Ce n'est pas ta bouche là qu'ils vont rester tranquilles. Ils ont dit que, ok, c'est comme ça. Hein. La suite du verset nous dit qu'ils ont fait appeler les gens. Là. On les a chicotés bien. On les a relâchés. Parce que vous ne partez pas comme ça. On y va, frère. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il les fit de nouvelles menaces et les relâchait, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Parce que tous les glorifiaient de ce qui était. Tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Remarque bien. Le miracle était fait. Tous glorifiaient Dieu. Le miracle est fait, tous glorifiaient Dieu. Après avoir été relâchés, ils allaient vers l'heure et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Maintenant, lorsqu'ils vont finir, là, ils vont prier, ils vont demander à Dieu, verset 31 suivant, que le Seigneur leur donne d'accomplir, de prêcher la parole avec assurance. Et qu'il étende les mains pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Ouais, vous avez vu, n'est-ce pas? La Bible déclare que lorsqu'ils vont finir de prier, le Dieu va trembler, ils vont aller maintenant annoncer la parole du Seigneur avec assurance. Et le Seigneur était avec eux pour accomplir. Allons au chapitre 5. Non, il croit qu'au chapitre 5, là, oui, lisons le verset 32 et suivant. Regardez. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, un défi pour l'église aujourd'hui. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Dis tout en commun. Tout en commun. On dit que nul ne disait pas que des matériels, on parle du matériel ici. Dis mon frère, cesse ma voiture. Mon frère, cesse de dire ma voiture. Ma maison. Vous suivez, n'est-ce pas? Dis, cesse de dire ma moto. Ma maison. Dis tout, ils avaient tout en commun. Vous comprenez l'implication, n'est-ce pas, frère? Avançons ici. Verset 33. Les apôtres rendait avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Vous avez vu? On a dit les apôtres. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. Aujourd'hui, les apôtres d'aujourd'hui, c'est vraiment accumuler plutôt les biens. Ils viennent, ils se vendent le nombre de voitures qu'ils ont. Le nombre de terrains qu'ils ont, les apôtres de Dieu sont devenus les plus grands businessmen. Tu vois, les apôtres, ils ont des actions comme le pape a des actions dans les bourses. Les apôtres. D'autres sont hommes des équipes de football, où ils brassent dans les équipes de football des choses. Ils font de l'argent sale à l'intérieur, les apôtres d'aujourd'hui. Il appelle le nom de son équipe l'aigle royal de Dieu. D'autres donnent le nom sanctifié, l'équipe des anges triomphants. La grâce de Dieu divine football club. Chrétien FC. Tu parles. Ceux-ci vendaient seulement, venaient déposer au pied des apôtres. Et remarquez très bien, quand on dépose au pied des apôtres, les apôtres ne disent pas que ça c'est le fruit du ministère. Non. Si tu commences à demander aux apôtres que ça va, ou tu dis que ton problème c'est quoi dedans. Quand il commençait le ministère, c'était en général, ma femme, tu étais là. Non. La Bible dit quand il déposait au pied des apôtres, on faisait des distributions. C'était fait pour 10, distribuer. Alors, chapitre 5. On y va. Chapitre 5, regardez. Verset 9, à partir du verset 9, vous allez lire. Je vous ai donné la dernière fois qu'on parlait de la première partie de ce verset, de ce message. Je vous ai donné cette partie dans le chapitre 3 à 5, jusqu'au 9 et autres. Regardez, verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Verset 11, écoutez. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, donc de toute l'église, et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc, quand le jugement de Dieu a frappé, chacun commença à dire, la fin, il faut que chacun mette du doigt doucement. Verset 12. Beaucoup de miracles, écoutez très attentivement, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par les mains de tous les chrétiens. Par les mains de... Ok. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Il va avancer maintenant sur un autre terrain. Nous sommes au chapitre 5 là. On nous a fait d'abord au chapitre 2 l'état du fait qu'il y avait plus de 3000 personnes qui sont jouées à la première prédication. Les apôtres les renseignaient. Au chapitre 4, 5000 personnes se jouent. Ils sont déjà place de près de 8000 à deux prédications. 8000. C'est un défi pour l'église de notre époque. De ceux qui partent devant prendre l'esprit de Mamie Ouattara et les onctions pour pouvoir attirer les membres, les fidèles à l'église. Ceux s'étaient transformés parce qu'il y avait la crainte du Seigneur. Mais il faut que vous remarquez très bien. On dit que beaucoup de miracles s'opéraient parmi le peuple par les apôtres. Les dons spirituels sont distribués à chacun selon la volonté de Dieu. Tous ne peuvent pas guérir. Tous ne peuvent pas chasser le démon. Même si tu cites avec autorité et cries. Marc chapitre 16, verset 17. C'est là où on va s'aventurer maintenant. Je veux que vous cessez doucement. C'est pour ça que les gars avaient avancé sur un terrain, vous allez croire que c'est le blasphème. La dernière fois, nous avons. Je vous avais donné 1 Corinthiens chapitre 12. Vous lisez à partir du verset 26 en descendant jusqu'au verset 30. L'apôtre Paul commence à poser des questions redondantes. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous ont-ils le don des miracles? Il dit au milieu des chrétiens, tous les chrétiens ne sont pas appelés à faire des miracles. Tous les chrétiens ne sont pas appelés à faire des miracles. Tous les chrétiens ne sont pas appelés à être des prophètes. Mais quand tu vas parler à une femme maintenant, il va dire que, qu'est-ce que Joël chapitre 2, verset 17 dit, qu'au dernier jour, verset 9, l'Esprit touche, vos filles prophétiseront. Mais la Bible pose la question, tous sont-ils prophètes? Vous voyez le problème, n'est-ce pas, frère? Ok. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Marc chapitre 16, verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En principe, c'est écrit à ceux qui auront cru. Lorsqu'on entend ça, normalement, on croit que c'est tout le monde qui est inclus. Non. En réalité, ce n'est pas ça. Donc, maintenant, comme vous êtes mieux, maintenant, pour comprendre, il peut avancer maintenant. Donc, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont appelés à chasser les démons. Parce que chasser les démons se trouve dans la catégorie des dons de puissance. Remarquez donc que dans Actes chapitre 16, verset 12, on dit que parmi le peuple, il y avait des disciples. Mais les apôtres, le miracle s'est passé plutôt par les mains des apôtres. Et le peuple les louait autrement. Les autres n'osaient pas s'approcher. Les pharisiens regardaient ça à distance. Mais le gars, on a entendu qu'il a tué, l'autre jour, il a tué Ananias et Saphira. Tu comprends, non? Et c'est les gars qui sont derrière. Ils sont seulement prêts là. Comme tu le vois derrière là, ils se tournent vers toi, ils partent, tu tombes. Les gars vont porter, tu peux aller t'enterrer. Que si tu t'amuses là-bas, avance-toi. Chapitre 12, lisons verset 28, mon frère Donatien. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Stoppons là-bas. Et Dieu a établi dans l'église. J'aimerais qu'on reste un peu dans la phrase ici. L'apôtre Paul ne dit pas que dans l'église, un être humain donne le don. L'apôtre Paul ne dit pas que dans l'église, chacun prend n'importe quel poste. Il dit que Dieu a établi dans l'église. Ça vous fait comprendre, une fois de plus, ce que le Seigneur disait dans Matthieu chapitre 16. Que je bâtirai mon église. Il commence à donner la structure. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, il dit, afin que si j'étais de venir, tu sais comment se conduire dans l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Il ne dit pas à l'apôtre Pierre, à Timothée, que a conçu dans les assemblées que j'ai établies. Il dit dans l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et il y a un ordre. Alors, il dit, Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres. Je pose la question. Vos apôtres qui sont élus donc par le conseil humain et consacrés à l'issue de la formation théologique, où est leur place? Comment tu es devenu apôtre? Les pères se sont réunis, ont reconnu en moi la grâce de l'apôtre. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Secondement, les prophètes. Allons-y. Ouais, troisièmement, les docteurs. Les docteurs. Puis, ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Stop. Il dit ensuite, après avoir dit Dieu a établi premièrement dans l'église les prophètes, quoi, les apôtres, secondement les prophètes, ensuite le troisièmement, c'est-à-dire que les docteurs, les enseignants. Puis il dit maintenant, ensuite ceux qui ont le don des dons, comme les apôtres sont en petit nombre, c'est un groupe de personnes, les prophètes c'est un groupe de personnes, ainsi en est-il des docteurs, puis ceux qui ont le don des miracles. Donc tous les chrétiens n'ont pas le don pour accomplir les miracles. Histoire de parler de ton et des appels. Il est nécessaire et absolument nécessaire que chaque chrétien essaie d'identifier dans quel camp il se trouve. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, si ce n'est pas ici, maintenant, je vais le dire dans la troisième partie. Il est nécessaire absolument que chacun sache dans quel domaine il se trouve. Vous voyez, très souvent, je vous fais faire des entraînements. Vous avez remarqué que souvent, je vous dis par exemple que mets la main là-bas, vous priez. Pas vrai? C'est parce que vous êtes couvert par la grâce. Normalement, vous ne pouvez pas exercer ça comme ça. Normalement. Vous me suivez, frère? Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. C'est un danger. Ce que je suis en train de dire, c'est un danger de s'aventurer vers les puissants des ténèbres et dire au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de lui sans avoir le mandat. Tout comme c'est un danger pour un chrétien de marcher avec la Bible, portant la croix au cou, fonçant vers le territoire où il sait exactement que Boko Haram existe là-bas pour dire qu'il m'en vais prêcher l'évangile. C'est à ce point-là. Vous suivez? Donc vous dites, il est à Kolofata. Oui, à Kolofata, il y a la frontière là-bas. Ils habitent là-bas derrière. Tu branches la brousse. Quand je marche dans la voie de l'homme de la mort, je ne crains point. Quand tu vas ouvrir, tu vas voir chacun. Il s'appelle qui? Chacun, c'est chacun qui s'appelle avec les armes. Tu vas ouvrir tes yeux comme ça. Chez quoi? Chez quoi? Même c'est Chihuahua même, il n'y a pas de problème. Mais fonce là vers les déserts, vers les brousses de Kolofata. Tu traverses les frontières du Cameroun. Tu avances avec la grosse Bible à main. Ou bien avec la soutane comme les papes comme ça. Tu marches et dis, je vous bénis mon fils. Je vous bénis mon fils, avance. Que je suis l'émissaire du pape à Vatican. Quand tu vas ouvrir les yeux, il va dire que bienvenue. Ce style de danger que ça nous expliquer comme ça là, spirituellement, c'est comme ça pour quelqu'un de s'aventurer, de taper par les pieds au sol là, c'est de s'aventurer devant quelqu'un et de mettre la main que, au nom de Jésus qui sort de ce corps. Frère, si c'est une maladie par exemple du diabète qui se trouve là-bas, que ce démon qui a occasionné, il peut entrer en toi. Beaucoup de pasteurs sont devenus malades comme ça. Beaucoup de pasteurs sont devenus comme ça malades à cause de ces choses, d'aller prier pour quelqu'un sans avoir l'ordre. C'est un danger que de voir que quelqu'un chasse le démon, tu peux chasser le démon. C'est un danger. Parce que nous luttons contre les puissances des ténèbres. Vous voyez quelqu'un te dit, on amène vers toi. Si tu ne connais pas, si tu sais que ce n'est pas ton niveau, appelle la personne qui a le don de puissance. Tu dis que c'est telle personne. Ou m'écoutez, frère. C'est pour cela que ces choses sont dans le corps. Dieu a dit ici que, et Dieu a établi premièrement dans l'église. Regardez bien, dans l'église. Premièrement les apôtres. Secondement les prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Donc, il y a des personnes pour ça. Comme il y a un apôtre qui existe, un prophète qui existe, il y a des gens qui sont contre cela. Mais maintenant, dans cette chose-là, ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que les apôtres et les prophètes ont ces choses-là qui se manifestent subitement et de plus grande ampleur. Nous avons vu au chapitre 5, verset 12, Actes des apôtres, comment il a dit, comment les miracles se passaient par les jeunes. Parce que les apôtres peuvent incarner tous les dons. Les apôtres peuvent incarner et manifester tous les dons spirituels. L'apôtre peut fonctionner comme prophète, comme docteur, comme ancien d'église, n'importe où, comme dans le ministère des dons et des guérisons, comme l'interprétation des sons, et ainsi de suite. L'apôtre a tout cela. Observez comment l'apôtre peut le voir là-dedans. Vous suivez, frère? Je recommence encore pour vous, c'est ce que je viens de dire. Ne vous aventurez pas avec quelqu'un, un à un, tendre la main qu'au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de son corps. C'est que la question vous sera posée. Je connais Paul, je connais Jésus. Toi, c'est qui? La question c'est, qui t'a commissionné? C'est cette la question. Voilà la question qui est posée. Voici le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu peux faire ça une fois, ça semble marcher. Deux fois, ça semble marcher. Un peu comme un policier. On a attrapé les militaires ici, les gens qui avaient porté les tenues militaires, non? On les appelle, dans la loi, dans le code pénal, on les condamne pour usurpation de titres. Il est juste sur l'autorité, vous voyez, il est là, il stoppe la voiture parce qu'il se fâche plus que les militaires. Il a la personne qui suit le titre, il porte le galon, il porte la tenue militaire, il passe ici, parce que même les militaires, le gars est vraiment nerveux, alors que ce n'est pas un militaire. Le jour où on le prend, on dit présente-toi, parce que les militaires ont un style de présentation. Que quand tu ne te présentes pas comme ça, on sait que tu n'es pas un militaire, parce que c'est quelque chose qui est interne, les civils ne sont pas censés savoir cela. Quand il bégaye, on dit que viens. On passe à l'interrogation, il y a moyen de passer à l'interrogation, on voit effectivement que ce n'est pas un militaire. Mais la première maintenant c'est ceci. Le jour où on l'a arrêté, ce n'est pas le jour seul qu'il a porté la tenue. Il a eu à exercer. Donc, si tu essaies une fois ça marche, deux fois ça marche, un jour, on va te poser la question. Et ce n'est pas Dieu qui te pose la question, c'est Satan. Satan te dit vraiment qui t'a envoyé. Le jour, c'est le jour de la correction. Pour ceux des sept fils d'Esquée, balancés, Actes chapitre 19, là, verset 13 et suivant, la Bible déclare qu'ils ont fui. Lisons ça. Prends ma Bible là. Actes chapitre 19. Je suis en train de dire ici parce que vous remarquez très bien qu'en milieu chrétien, on pense que tout le monde peut tout faire. C'est un danger. Quand quelqu'un a lu sa Bible et qu'il a coloré un peu partout, il se donne le droit d'être établi lui-même en ancien docteur, prophète. Il est sur YouTube, il arrange le derrière, il met vous appelez les poupées avec les fleurs derrière. Il dit bien aimé que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit met à cœur. Alors que celui qui a préparé son brouillon, le Saint-Esprit lui a mis à cœur de le faire. Bah, lisons ici la chapitre 19. Chapitre 19, verset 13. On y va. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Tout à l'heure, je vous ai dit ceci, que toute parole, toute fausse doctrine doit avoir son limitation dans la Bible, non? Voici les gens qui faisaient les magies tranquillement. Puisqu'on a vu Simon le magicien, au Damascon des Grecs, vous voyez, il faisait ces choses-là. Mais quand il a vu que pour eux ça ne marche pas, pour Paul est bon, chaque fois il entend au nom de Jésus, il dit mais, ça dit, c'est le nom, son secret c'est le nom de Jésus. Dis à ton voisin, il y a un mandat derrière le nom de Jésus. Regarde quelqu'un, dit, il y a un mandat derrière le nom de Jésus. Si tu n'as pas le mandat, ne t'aventure pas. Parce que les esprits connaissent leurs droits. Ils vont te demander quel est le procureur qui t'a donné le mandat. Quand ils sont venus pour prendre exorcisme, pour aller exorciser, on dit que quelques exorcistes juifs ambulants, ambulants parce qu'ils avaient l'ambulance, c'est qu'ils allaient de lieu en lieu. Leur spécialité c'est, tu as des problèmes de maladie, des démons, oui, on chasse ces démons là. Ils portent les touches comme les juifs, vous savez, ça n'a pas changé aujourd'hui. Il y a des prêtres spécialistes d'exorcisme. Tu le vois, il quitte chez lui maintenant avec son chasse-chemise. Dans son sac, se trouvent les toges avec le truc. Il arrive à la maison. Le démon là, il le regarde. Il ouvre son sac, il porte une toge, il met un truc violet, il porte son chapeau, il sort sa croix, il ouvre sa trousse de délivrance. Ouais, vous allez me tuer sur cette terre-ci. Donc dans son sac, se trouve les gadgets pour les délivrances. Il porte son croix, sa croix dans son cou. Il prend le parfum, mais celui qu'on ne sait jamais, celui-là peut être dangereux. Il porte la croix, il dit, au nom de Dieu, il dit que Au nom du Père, toi, démon, qui es-tu? Quand demain fait pas, il fait le gandoura, il rentre comme ça, il dit que celui-ci est difficile. Il ouvre l'autre trousse, que c'est la grosse croix qu'il faut pousser ici. Donc, les croix sont en fonction des niveaux des démons. Vous avez vu le film Exorciste, non? Le film Exorciste. Écoutez très attentivement. Les sirènes des eaux confectionnent les croix. Ont les croix. Donc, le porter les croix n'a rien de chrétien. Les sirènes des eaux. Le deuxième ciel est plein des églises avec les bâtiments, avec les croix dessus. À ce rythme-là, si Jésus était mort dans l'eau, c'est qu'on devait faire le gourmet avec l'eau dedans, porter au cou. Bon, maintenant, lisons ici. Quelques, verset 19, verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. Ils savaient que pour la preuve, ils disaient, sort. Nous sommes au chapitre 19 ici. Au chapitre 16, quand Pierre a vu, Paul a vu pendant plusieurs jours cette femme qui était derrière, ses anges sont les serviteurs du Dieu très haut, ils annoncent la voie de salut. Il dit, il fit ces choses pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna, dit à cet esprit, toi, esprit de Pluton, je t'ordonne de sortir de l'instant. Les juifs ont dit que, j'ai entendu. Ils étaient derrière Paul pour entendre chacun comment il fait le miracle. Qu'est-ce qu'il fait? Au nom de Jésus, sort de lui. Au nom de Jésus, sort de lui. Ils sont allés s'assembler dans leur salle. Ils disent, désormais, quand on part dans le trouble là, pour qu'on travaille, que le gars, si son secret se trouve, c'est chaque fois que tu as entendu au nom de Jésus. Jésus avait dit qu'il veut parler de l'autorité qui est dans le nom de Jésus. C'est ça dont on a des aventures petit à petit dans ce domaine-là. Pourquoi on n'utilise pas le nom du Seigneur n'importe comment? Remarquez bien dans Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Pas vrai? Il dit c'est au nom qu'on doit être sauvé. Romains 10, 13. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Invoquer son nom, on est sauvé. Que t'as-tu à faire? Lève-toi en étant baptisé pour te laver de ce péché en évoquant son nom. Le nom. Ça veut dire que ce nom-là n'est pas simplement un nom, frère. D'accord? Ce n'est pas simplement un nom. Il faut la révélation de son nom. Et dans ce Acte chapitre 3 que nous avons lu au verset 16, quand les gens vont accourir à côté de la table, du temple appelé du porte de la belle, ils vont commencer à regarder comme ça là. L'humanité, c'est comme ça. Quand on regarde la personne opérer un miracle, on commence à avoir de l'estime pour la personne. Au lieu de regarder la personne qui a étudié cette personne-là, d'être serviteur. L'apôtre Pierre a envie de cela, dit comment fixer les regards sur nous, comme si ça parle notre autre capacité ou notre puissance que nous allons faire ces choses-là. L'apôtre Pierre veut par là dire que la personne dans laquelle se trouve le don n'a pas de capacité propre. L'apôtre Paul exprime cela que notre capacité, au contraire, vient de Dieu. D'accord? Il n'a pas de capacité propre. Donc ça veut dire que par l'être humain, par lui-même, il n'a aucune puissance. C'est pour cela que tu peux rencontrer quelqu'un qui est dans la maladie. Si le don ne se manifeste pas, tout ce que tu vas lui dire, c'est. Tout ce que tu vas lui dire, c'est grave. Que bonne guérison. Que Dieu te bénisse. Courage. Mais il pouvait entrer dans le temple. Il s'est tourné là-bas. Il dit, regarde-nous. Lève-toi et marche. Le Saint-Esprit l'a appelé. La prière de ce jour-là s'est arrêtée là-bas. Les parfums qu'on avait brûlés autour, la réunion de prière s'est passée hors du temple. Pas vrai? Maintenant, ce qui s'en est dit, c'est ceci. Dans Acte chapitre 19, on a vu des gens qui ont écouté le nom du Seigneur Jésus. Ils courent pour aller pratiquer. Maintenant, quand Jésus était sur la terre lui-même, il y a un homme qui ne participait pas avec le meeting des disciples. Il était dans son coin, il dit au nom de Jésus, sors! Les démons sortaient. Jean passe là-bas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est une réunion. C'est qui? On parle, on voit. Le gars dit, sors! Il demande, au nom de Jésus-Christ, il sort! Jean a dit, comme ça, avec les autres, il dit, mais Seigneur, tu sais ce qui se passe? Il dit, oui. Il y a un gars qui veut te défier là-bas, hein? Il sait quoi? Il ne nous suit pas, mais il entend seulement au nom de Jésus-Christ, les démons aussi sortent. C'est juste qu'il dit, il n'est personne qui, après avoir prié à mon nom, ne se lève contre moi. Donc, parler au nom de Jésus, frère, et vivre dans le péché, c'est une malédiction qu'on ne peut pas savoir. C'est une malédiction qu'on ne peut pas savoir. Donc même les pasteurs qui prennent les marabouts, les bagues et la magie pour guérir en disant au nom de Dieu qu'ils soient guéris, sachant qu'ils savent avec le Mamiwata, la Bible déclare qu'ils portent la marque de fœtus dans leur propre conscience. Le nom de Jésus Christ, c'est le nom le plus précieux qui puisse exister. C'est l'âme la plus redoutable. Si tu peux regarder quelqu'un dire au nom de Jésus, la personne ne bouge plus, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça dépasse le courant électrique, parce que le courant électrique, la pile peut finir. Mais le nom de Jésus Christ n'a pas de limite. Vous voyez, c'est pour cela que le but, quand ils ont commencé, quand ils ont fait le Sanhédrin n'a pas dit ne faites plus le miracle, il dit que n'enseignez plus en ce nom, c'est le nom là qui dérange. Le nom de Jésus qui dérange. Quand vous allez dans une réunion, vous dans une réunion de famille, dans vos bureaux, vous dites qu'au nom, que Dieu vous bénisse, tout le monde va dire Amen. Mais comment ça parle? Quand tu dis Jésus, la colère commence. Quand vous dites Jésus, quand il s'agit de Jésus, Le nom là crée des problèmes. Vous allez dire Jésus comme ça, ça va gifler l'esprit d'un sataniste au milieu de vous. Tu ne connais pas. Subitement, il reste comme ça, là, il fait la cava comme ça. Tu dis Jésus est bon. Il dit que c'est la dernière fois, c'est pas l'église ici. Que c'est pas l'église ici. Même ici. Vous entrez dans le train, vous parlez. Oh, Jésus, le Seigneur dit non. Il y a 7 jours pour faire les choses comme ça. Là, dimanche, on part à l'église. Ici, c'est pas Jésus. Mais pas le commentaire de Eto là-bas. Il y a Eto dans le train. Non. Un jour, le ballon dans le train. Mais le commentaire est admis. Parce que le nom Jésus dérange. Mais quand il dit Dieu, tout le monde est Dieu. Oui, quand il dit Dieu, ça ne dérange pas un bouddhiste parce qu'il entend Dieu. Lui, il entend Dieu comme les Brahmans et ainsi de suite. Quand il dit Dieu, demain, je vais dire que peut-être parler de Jéhovah comme ça. Il te souvient seulement pour voir si tu as enfilé, si tu as un garçon, tu as enfilé. Quand il dit, mais ça peut être l'un des nôtres. Tu es de quelle congrégation, de quel consistoire? Ah, que Dieu vienne en aide, n'est-ce pas, frère? Alors, quand tu dis Dieu, c'est un problème. Mais quand tu dis Jésus-Christ est Seigneur dans la vérité, quand tu regardes comme ça, bon, que c'est quoi, ce sont les délinquants qui aiment crier que non, on se répand là-bas. Alors, il faut qu'on fasse attention. Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom, une formule de mathématiques. Non. Ce n'est pas un nom d'exorcisme. Non. C'est le nom qui engage tout le royaume du ciel de suivre l'ordre qui est donné derrière ce nom. C'est le nom qui engage tout le royaume du ciel. Mais tout le royaume du ciel, derrière la prédication qui se passe derrière ce nom-là, derrière l'ordre qui est donné en ce nom. Quand il a dit, ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus, lève-toi. Quand il dit au nom de Jésus, lève-toi. La puissance du Saint-Esprit, le domaine dans le ciel qui s'occupe de la guérison est obligé de chercher le pied pour lui donner là. Je ne sais pas si vous me saisissez. Quand l'apôtre Pierre a dit, lève-toi sur tes deux pieds et marche. Quand il a dit ça, frère, le magasin en haut au ciel a été bouleversé. Souvenez-vous, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les guérisons que nous avons ici sont des manifestations des dons spirituels de haut. Donc quand il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Frère, Pierre fabrique les pieds. Mais il a dit ce qu'il a, je te donne. Ma portion, je t'accorde. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il ne fait pas comme ça là. Quand tu dis comme ça là, tu dis que la personne c'est là. Ici, ton lèvre, il tombe, que ton pied ne tient pas la foi. C'est la foi fabrique les pieds, frère. Il dit non. C'est par la foi dans le nom. Verset 16 du chapitre 3. C'est par la foi dans le nom de Jésus Christ que ce nom a raffermi. Ce nom. C'est pas la foi qui a fait. C'est le nom qui a fait. A raffermi. Cet homme, c'est comme vous voyez, vous connaissez. Alors, quelque chose se passe. Donc, le nom de Jésus-Christ, donné avec l'ordre des missions, engage tout le royaume du ciel d'être derrière l'ordre qui est fait pour manifester. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a donc de l'eau, des choses pour les dons spirituels à manifester là-bas sur la terre. Tant que l'église sera sur la terre, il y aura des malades parmi nous, il y aura des gens qui auront besoin de guérison, et par conséquent, le ministère des puissances et de guérison sera au milieu de nous. Vous me suivez? Alors, la Bible déclare dans ce chapitre 3 que quelques exorcistes juifs ambulants arrivaient et essayaient d'invoquer le nom du Seigneur sur un esprit impossédé en disant que je t'en conjure au nom de Jésus que Paul prêche. Paul prêche par révélation. Lui, il prêche par imitation. Prêcher par imitation ne fera pas venir Jésus en scène. Prêcher par imitation ne fera pas venir Jésus en scène. Mais un esprit démoniaque peut te faire croire que tu travailles avec Jésus parce que ça se manifeste. C'est en ce sens-là que c'est bien de travailler dans le don et dans la position que Dieu t'a donnée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Regardons ce que l'esprit là-bas le dit. Regardons. C'est un esprit qui connaissait ses droits ici. Il ne se laisse pas faire n'importe comment. Regardez, chapitre 19, dans nos sections là-bas. Chapitre 19, regardez. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juif. Mais dans ce verset, un monsieur qui a accouché ses enfants, ils sont allés en train de se mettre dans la sorcellerie. 7 fils. Hein? Donc ils sont entrés à l'intérieur, comme vous savez, au Vatican, il y en a des prêtres qui sont spécialistes en exorcisme. Je vais vous raconter une histoire dont le prêtre avec qui nous avons fait l'émission sur les conseils écuméniques, là, quelque part à Radio Bonne Nouvelle, m'a dit quand nous parlions après l'émission. Il m'a raconté l'histoire, pardon, parce qu'après l'émission, nous discutions des certaines choses. Il m'a raconté un monsieur qu'on appelle Hebga. C'est un jésuite, vous le connaissez? Oui, il est décédé, n'est-ce pas? Il racontait qu'il y a un monsieur aux États-Unis, un archevêque aux États-Unis, écoutez très attentivement, qui était malade et prêt à la mort. Il a regardé dans le paysage des évêchés de l'Église catholique. Il a vu que c'était seulement Hebda qui était le plus haut. Il a payé le transport, payé le billet d'avion à Hebda, il le fait dépêcher pour venir aux États-Unis. S'il me raconte cela parce que c'est la personne bien auditionnée, personne bien positionnée pour raconter parce qu'il sort du séminaire et ce sont les choses qui se racontent au séminaire. Alors il dit que Hebda est arrivé au chevet de ce monsieur-là. Il y a ce qu'on appelle l'extrême onction. Quand quelqu'un veut mourir, les derniers onctions. L'archevêque là, ou c'est l'archevêque métropolitain des États-Unis là-bas, lui a dit que je vais me confesser à toi. Il y a que toi qui pourrais vous confesser, pourquoi tu me oignes les dernières onctions. Hebda a dit que vas-y, il t'écoute. Il dit, tous les séminaristes, sur qui je mettais ma bague, leur âme était vendue au diable. Souvenez-vous, et c'est ceux-là qui vont aller appeler, que vous appelez mon père. C'est eux qui vont servir. J'arrive quelque part, ça n'est pas, on a parlé de ces choses ici. Il dit, Hebda a dit, il a dit que, Hebda a dit que non. Ton niveau là, mais dépasse. Je ne vais pas entrer dans ces jeux-là. Il a pris l'avion, il est rentré. Il dit que c'est ton problème avec Dieu. Que même quand on fait le faux, on ne fait pas jusqu'à ces niveaux. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le satanisme, c'est niveau par niveau. Les exorcistes qu'on a décidé ici, ils servent qui? Le démon qui est dans le corps là, c'est qui? Vous voyez que son royaume est divisé, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que quelqu'un veut manifester un désir de faire le bien qui est du côté de Dieu. Chez les musulmans, il y a ce qu'on appelle les djinns. Il dit qu'il y a les bons djinns et les mauvais djinns. Les bons djinns, c'est parce que ça peut être bon, ça veut dire parce qu'il vient faire du bien aux hommes. Les mauvais djinns, parce qu'il peut faire des choses mauvaises. Mais djinn égale démon. Ceux qui vivent là-dedans, qui sont dans les machines boubiques, qui ont fait le parc, vous voyez comment les bêtises prospèrent. Les enfants réussissent, ils envoient les enfants aux États-Unis, ils font des voyages n'importe comment. Mais ils vendent du sang. Ils tuent un enfant pour avoir de l'argent, pour envoyer son propre enfant pour vivre bien. Pas vrai? Satan fait prospérer les affaires. Il fait du bien. Satan est quand même bon? Non. Voilà. Alors, ce n'est pas tous les biens qui viennent du bon Dieu. Ce n'est pas tous les biens que les gens ont fait, tous les wealth, toutes les bénédictions qui viennent du bon Dieu. Satan en donne. Puisqu'il a proposé à Jésus que Christ te donne cette gloire-ci à toi et à tous ceux qui m'adorent. Adore-moi, je te donne à qui je veux. C'est pas ça, frère? C'est ça. Il a dit le royaume de la terre est leur gloire. Jésus n'a pas dit qu'il m'a ordonné la terre tout ce qu'elle renferme. Parce que ce monde-ci est sous sa puissance. Il a encore le contrôle, donc il peut distribuer. Comme vous avez un terrain, comme vous avez dit que les hectares, c'est pour toi. Tu vois, on a commencé à guérir les gens, non? Que tu as mis, je te donne 44 hectares là-bas. Parce qu'on a donné ça sous ton autorité. Satan le fait. Alors, l'exorcisme dans le foyer catholique, c'est comme ça. Il y a des prêtres exorcistes. Prêtres exorcistes, d'autres prêtres qui ne s'aventurent pas là-dedans. Et quand il y a l'exorciste, il dit que va dans telle paroisse, c'est le prêtre là qui connaît cela. Parce qu'il y a une spécialité qu'ils font au Vatican. Le chef exorciste donc du Vatican, je vais mettre la vidéo là-bas, a dit que Satan se trouve à l'intérieur du Vatican lui-même. Le chef exorciste, donc le formateur des formateurs, si on regarde sur la table le terme biblique, il est comme Nicodème. Le Nicodème des exorcistes. Il dit que Satan est allumé au Vatican. C'est au Vatican. Si c'est au Vatican qu'il est allumé, qu'est-ce que le Vatican produit, frère? Lisons donc ce qui est écrit ici. Vous voyez que la seule fois où la Bible va parler de l'exorcisme, c'est en rapport avec ceux qui sont faux. La seule fois. Et les gens continuent, on dit que voilà le prêtre exorciste. On veut dire, voici les remplaçants des sept fils d'Esquéva. Quand quelqu'un veut aller voir le prêtre exorciste, dis-le que ce sont les sept fils d'Esquéva. Descrivez. Regardez ici. J'ai la même question. Oui. Après avoir lu le verset 13. Oui. Tu as dit que si quelqu'un manifeste quelques esprits démoniaques, oui, qu'on ne s'aventure pas, oui, si on n'est pas mandaté. Oui. Je prends seulement dans le cas de notre milieu. C'est comment réagir si quelqu'un manifeste et qu'on ne sent pas qu'on est mandaté clairement. Bonne question, j'arrive là maintenant. Bonne question. Regardez. Ceux qui faisaient cela, verset 14, là étaient sept fils d'Esquéva, juifs, l'un des principaux sacrés. Vous avez vu ça, frère? L'un des principaux sacrificateurs. Les principaux. Je vous dis ces choses que les esprits ne peuvent pas changer. Les principaux sacrificateurs, c'est ce qu'on peut appeler archbishop aujourd'hui. Donc ce sont ces enfants qui sont des satanistes. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il ne peut pas aller chercher les rangs les plus inférieurs de la terre. Continuons ici. L'esprit malin leur répondit. Donc l'esprit malin a quand même entendu le nom mentionné. Ils ont quand même fait bouger l'esprit. L'esprit malin leur répondit. Remarquez bien ce qu'ils ont dit à l'esprit. Hein? Regardez bien. On a dit en haut là-bas, verset 13. On a dit, ils essaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus en disant, regardez, quand ils ont vu l'esprit malin, ils ont dit quoi? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Il veut parler de quoi? Je viens comme ça. Tu vois comment Paul parle là? Il sort, non? Toi-même, tu vas sortir. Ce n'est pas le fait de la prononciation du nom qui amène la manifestation de ce nom. Ce n'est pas le fait de la prononciation de ce nom qui amène la manifestation de ce nom. C'est le fait d'être connu de ce nom. Ce n'est jamais du fait de la manifestation ou bien du fait que tu connais que le nom c'est Jésus qui fait cela. Je vais vous expliquer une histoire. Si vous suivez le témoignage de Mélissa, celle dont le papa voulait lui donner le serpent là, qui est venu à la maison. Si vous suivez son histoire, vous allez remarquer que sa petite soeur, c'est pas possible, vous qui avez suivi l'histoire, sa petite soeur l'a amenée dans la chambre, dans l'antichambre, pour aller faire l'invocation pour qu'une présence vienne. Quand une présence est venue, c'est sorti de sa bouche, Seigneur Jésus, sauve-moi. C'est style, si Seigneur Jésus, sauve-moi, c'est ce que Romains chapitre 10, verset 13 dit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, elle n'a pas réfléchi, elle ne connaît pas ça dans la Bible, elle ne connaît pas. Instantanément, le Saint-Esprit lui donne ce qu'il faut invoquer pour être délivré de cet endroit-là, parce qu'elle est connue d'avance par lui. Amen. Vous savez, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez remarqué donc que même dans vos rêves, quand vous attendez dans vos rêves, vous voyez subitement, les gens viennent faire tout souvent les rêves, je les pose des questions banales, ils ne comprennent pas. Il dit, la personne était devant moi, il tente de m'appuyer le cou, il m'a appuyé le cou. J'ai tendu la main, j'ai tapé le bâton sur le pan. Pour lui, c'est logique. Il dit, frère, où se trouvait le bâton? C'est là où la personne réfléchit encore, oui, vraiment, le bâton sort même de ma main. Oui, dans le son, il ne sait pas qui lui a donné le bâton. Et il me poursuivait comme ça subitement. Je suis monté comme ça, wow, j'ai commencé à voler avec les ailes. Frère, tu as les ailes? Sont sortis les ailes. Quand quelqu'un me voulait m'attacher au cou, j'ai pris un couteau foutement, une épée est sortie comme ça. J'ai fait comme ça, fou, avec l'épée qui était dans ma main. Frère, qui a mis l'épée dans tes mains? Vous comprenez, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes au niveau de l'enfant, le nom de Jésus peut véritablement fonctionner. Au niveau de l'enfant. Le nom du Seigneur Jésus-Christ peut véritablement fonctionner en nous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ cherche les cœurs qui sont comme les enfants pour se manifester, pour se révéler. Vous suivez, frère? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ se manifeste donc comme ça, il se manifeste donc dans la simplicité du cœur. Amen. Donc, l'apôtre Paul nous dit dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 et suivant, il dit que et Dieu a établi premièrement dans l'Église. Dans l'église, les apôtres. Secondement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Ensuite, il va se terminer une liste. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Donc, ça veut dire qu'il y a des groupes, des personnes concernant le miracle. Ceux dont le miracle concerne. Vous suivez, frère? Il y a des gens qui ont le miracle, qui doivent faire le miracle, d'autres qui ne doivent pas faire le miracle. D'autres qui, même s'ils souhaitaient faire, ils ne feront pas. Parce que Dieu ne leur a pas accordé cela. Ceci étant compris, ça va arranger beaucoup de choses dans le corps de Christ maintenant. Voici la chose. Première chose. Lorsque tu vois Dieu se manifester dans un corps, n'essaye pas de calquer, d'imiter, ni de combattre. Lorsque tu vois Dieu commencer à se manifester dans un corps, c'est-à-dire qu'un don homme donné parmi les hommes, n'essaye pas de calquer, d'imiter, ni de combattre. Parce que tu imites, tu sors hors du plan. Tu combats contre l'esprit de Dieu. Tu calques, ton modèle viendra de l'esprit satanique. Vous allez remarquer maintenant, si Joshua a sorti quoi? L'odonction. Et Timbi a choisi quoi? Sorti quoi? Timbi jamais sa photo sur cela. Et Timbi met quoi? Sa photo sur cela. Il voit le modèle, il change le modèle, eux aussi changent le modèle. Si pour l'un vient de Dieu, les autres c'est limitation. Alors tous ceux qui vont sortir de chez Timbi Yosha vont faire la même. Les mêmes choses. Parce qu'ils doivent reproduire comme ça. Les choses de Dieu ne se reproduisent pas en série. Voici la chose. Les choses de Dieu ne se reproduisent pas en série. Vous allez voir que ce n'est que l'apôtre Paul qu'on dit qu'on essuyait le mouchoir, les vêtements, ça touchait les murs, il était guéri. Vous prenez pour la peau de Pierre, vous allez mettre, ça ne fait pas. Ce n'est que la peau de Paul qu'on a dit que ce nombre, quand il traversait, ça guérissait. Pour la peau de Paul, ne faisait pas. Mais aujourd'hui, tous les prédicateurs prennent leur mouchoir pour donner. Tous les ministères, d'abord, il y a les mouchoirs. Il y a les ministères des mouchoirs maintenant. On prie sur le mouchoir, on envoie parce que le mouchoir, on dit que la peau de Paul faisait comme ça. Donc Dieu va faire aussi comme ça. Là. On a un problème. On a un problème. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose pour en sortir là-bas avant de revenir dans Marc chapitre 6. Pour en sortir, maintenant, suivez attentivement avant de répondre à ta question. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, si vous lisez à partir du verset 36 et suivant, on parle de l'histoire de Dorcas là-bas. Tabitha. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Maintenant, elle était où? Dans quelle ville? À Joppé, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dorcas était malade. La Bible déclare que c'est une des veuves qui était parmi les disciples. Ceux qui étaient à Joppé n'étaient-ils pas les disciples du Seigneur Jésus-Christ? Ce ne sont pas des églises qui avaient été établies, soit par Pierre, soit par Paul. N'avaient-ils pas prêché? Ils ont reçu le Saint-Esprit. La question c'est, pourquoi Dorcas étant malade parmi les disciples, n'ont pas pu prier pour qu'il guérisse? Vous avez qu'est-ce qu'ils ont fait ceci? Ils ont, quand Dorcas est décédé, ils ont mis le corps dans la chambre haute. Ayant habillé cela, mais dans la chambre haute. Ils ont envoyé, appelé Pierre. Parce que Pierre était quelque part là, il visitait les frères. On a alors appelé Pierre. La question c'est, Pierre est-il disciple, oui ou non? Oui. Les autres sont-ils les disciples, oui ou non? Oui. Dis à ton voisin maintenant, nous tous nous sommes disciples. Chacun a sa place. Chacun a sa grâce. Chacun a son don. Les places ne se combattent pas entre elles. Les dons ne se combattent pas entre eux. Les grâces ne se jalousent pas entre elles. Il y a cette jalousie au milieu du corps de Christ. C'est ça qui est le problème. Vous voyez, chacun veut sortir pour descendre l'autre pour que celui qui soit élevé. Maintenant, il faut au départ essayer de donner 2 Corinthiens chapitre 10. Je vais donner 2 Corinthiens chapitre 10. Prenons le verset 14 et suivant, là, jusqu'au verset 18. Verset 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 14 à 18. Voir nos limites. Stop. Vous savez ce que l'apôtre Paul a dit? L'apôtre Paul dit que nous ne dépassons point nos limites. Donc il y a des limites assignées à chaque personne qui est appelée. Je vous ai dit autrement aujourd'hui. Que si tu es appelé, tu as un don, il y a des gens pour qui tu es censé parler, des lieux où tu es censé aller. Vous avez remarqué qu'un de ces jours, il voulait entrer, dans ce chapitre 15, chapitre 16, il voulait entrer en Éphèse. On dit l'Esprit de Jésus ne l'a permis. Permis pas, parce que ce n'était pas le moment pour prêcher là-bas. D'accord, frère? Il dit, nous ne dépassons point nos limites. Continuons. Comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Oui. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Oui. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Oui. Mais c'est avec l'espérance. Oui. Si votre foi augmente. Oui. De grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Souligner selon les limites qui nous sont assignées. Mais il y a un mal, il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Les gens vont toujours chercher à imiter. Vous devrez être seulement vous-même, parce que vous êtes fait unique en votre genre. Et ainsi, tout ce que vous allez faire, c'est unique en votre genre. Remarquez, dans une société, on nomme telle personne à telle poste, telle personne à telle poste, telle personne à telle poste. Chacun faisant son rôle, c'est pour la bonne cohésion, de la bonne marche de la société. Une personne absente de son poste, comme secrétaire par exemple de direction, en charge de son poste, ce sera des problèmes avec le directeur lui-même principal. Parce que tout le monde va entrer, vous dans le bureau, la secrétaire de direction est là pour contrôler tout ce qui entre comme parafeu, faire sortir, vérifier que tout est en état. Pour qu'il n'y ait pas un, par exemple, une facture de 1 million, 1 milliard, parce qu'il doit contrôler, prendre des notes. Pour que ça entre, quand le directeur met sa signature, que ce soit bien. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, la moitié des gens que vous voyez en prison, là, beaucoup de personnes ont été induites en erreur par leurs collaborateurs. Les gens ont cimenté les choses là-bas, fait les choses, les réseaux. Quand tu viens, tu dis que tu vas casser cela, on dit qu'on va te traiter. On fait des choses, c'est ta signature qui est là-dessus. On voit les documents, c'est ta signature. Tu vas dire que c'est mon directeur qui m'a fait, c'est mon sous-directeur qui m'a fait ceci. On dit c'est la signature de qui? Avant de signer, tu avais lu ou tu n'avais pas lu. On dit que détournement de 20 milliards, 50 milliards, alors que c'est comme ça que ça se passe. Pour certaines personnes. D'autres ont vraiment volé, d'accord, frère? D'autres ont vraiment volé. pas admettre. Alors, ils sont dit ici. L'apôtre Paul dit ici là que chaque personne a été assignée une limite. Chaque personne a été assignée une limite. Et donc, si on comprend ces choses-là, s'il y a la limite, chacun sait qui est, quelle est sa limite, il doit commencer à comprendre effectivement que Dieu a décidé que je débrouille jusqu'ici pour que l'autre vienne continuer. C'est un peu comme dans le champ, vous dites, il y a une seule maquette, je débrouille jusqu'à ce niveau-là. Toi, tu prends, tu continues. Pendant que tu en es comme ça, l'autre se repose, l'autre prend et continue. Et quand ça, le champ va finir, tu ne dois pas dire que j'ai débroussé le champ. Nous avons débroussé le champ. Alors, quand la limite est donnée à chacun, Dieu sait quelles sont tes capacités, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, et il sait bien plus l'adversité qui est sur le terrain. Si vous dites, le frère Junior énerve, pourquoi c'est seulement lui qui fait telle chose? Un frère tel, il énerve, pourquoi c'est seulement lui qui fait telle chose? Si le frère Junior quitte, tu peux faire ce qu'il a été destiné à faire. Écoutez très attentivement. Je serai seul et unique dans le travail que je suis censé faire. Amen. Pas seulement moi. Toi aussi. Ce que tu es censé faire, moi, je ne peux pas faire. Amen. Tu as été appelé seul à faire cela. Donc, définitivement, ça ne sert à rien à ce que j'essaie de te descendre. Vous comprenez? C'est que, si on dit, ok, oh, celui-là est mauvais, le pasteur-là est mauvais, le pasteur-là est mauvais, c'est vrai qu'il faut dire comme ça, là. Mais, tout le pasteur-là s'arrête. On te laisse seul, que toi, tu es fort, fraîche. Tu vas prêcher tout. Tu vas pouvoir tout faire. Ok. La Bible donc déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18 et suivant, il dit, et Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé. L'œil n'a jamais dit, Seigneur, je vais voir, je vais être l'œil. Il est sorti, il a commencé à voir. C'est pas parce qu'on a donné les caractéristiques, ça c'est l'œil, l'œil sait à voir. Lui savait seulement. De façon intrinsèque, l'œil sait que son rôle c'est de voir. Le pied, quand vous voulez aller quelque part, vous n'essayez pas d'utiliser votre joue. On dit que non, la joue ne marche pas comme les scientifiques disent que c'est le caractère adaptatif. Non, non, non, non, non. Quand tu l'es, quand le poussin sort de l'œuf, première réaction, tu vois, il couvre le bananier, il fait comme ça. Le poussin n'essaye jamais de prendre son œuf pour prendre quelque chose avant que ça ne marche pas. Il dit que mais je vais prendre le comment pour réfléchir. Quand il fait quand il a ouvert, quand un petit bout de terre fait comme ça, boum, il envoie du toit, c'est bien, il prend. Quand il prend, il fait pour avaler. Elle n'a jamais essayé d'essayer de marcher pour dire, mais j'ai pas de dents. Vous voyez cela? Tout est à leur place. Ils réagissent tel que c'est donné. Mais nous, on ne comprend pas cela que dans le corps, chaque personne a sa place, chaque personne a ses limites. Là où j'avance jusqu'à ce que je suis fort, quelqu'un, c'est là où Dieu commence avec quelqu'un. Vous voyez cela? Vous pouvez avoir un démon, vous chassez un démon. Même les dons de puissance, écoutez très attentivement. Même les dons de puissance sont catégorisés. Il dit, dans le don de puissance, on va avancer là-dedans. Même dans les dons de puissance. Ok, et quoi, la dernière fois, dans la première partie, on avait lu Matthieu chapitre 17. Lorsque le Seigneur Jésus descendait de la montagne, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur Jésus descendait de la montagne, nous avons lu Matthieu chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 21. Et puis nous avons lu par la suite Luc chapitre 9, verset 1 et 2, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 9, verset 1 et 2, la Bible déclare qu'après cela, Jésus a choisi dans les disciples, il leur a donné force et puissance d'aller et chasser tous les démons et guérir toutes les maladies. Plus tard maintenant, il vient sur la montagne, il monte sur la montagne, on amène un lunatique. Jacques, Pierre et Jean sont avec le Seigneur Jésus sur la montagne. En descendant, chacun comme ça. Pierre, si Pierre était là, il devait quand même résoudre le problème. Si Jean était là, il devait résoudre le problème. Mais c'est ceux à qui on avait donné autorité, force et puissance sur tout esprit. Ils n'ont pas pu chasser ceci. Vous avez vu ça, frère? Ok. Ce n'est pas qu'ils manquaient de foi, ni parce que peut-être ils avaient péché pour que l'autorité ne marche plus. C'est qu'il y a esprit et esprit. Il y a esprit et esprit. Le vrai problème, c'est ceci. Quelqu'un qui fonctionne dans le don de puissance, avec une personne qui fonctionne dans le don de puissance, un don de puissance peut être plus manifeste que l'autre, sans que l'un et l'autre ne soient contradictoires, ni l'un et l'autre ne soient fausses, venant du même Dieu. Ce sont des choses que l'Église doit comprendre. Et ça, c'est ce que vous saisissez. L'apôtre Paul a été moulé, préparé pour subir les coups des Romains, mais pas l'apôtre Pierre. Pourtant, ce sont des apôtres. Et ça, c'est ce que vous comprenez ce qu'il veut dire. Tous les potentiels qu'avait l'apôtre Paul, il est prédestiné à ce que le canon de la Bible lui soit donné à lui, pas l'apôtre Pierre. Parce que ses capacités, telles que Dieu l'a construit, il est prêt à recevoir et comprendre et transmettre de la bonne façon. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, deux personnes fonctionnant dans le même mouvement de dons spirituels, concernant le don de puissance, comme vous avez appelé le don du miracle là-bas, après les docteurs là. Une personne peut chasser ce démon, et ce démon aussi pour l'autre ne puisse pas chasser. Pourtant, elle a le même don. Le vrai problème, c'est que c'est le même Saint-Esprit qui se trouve dans les deux personnes. C'est là où ça devient difficile à expliquer. Mais au mieux, on va expliquer. Et plus le Seigneur vous donner le témoignage. Je dis ceci. Le même Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on doit œuvrer. N'essayez pas de porter les vestes en disant que comme je suis frère maintenant, on sait que le démon va avoir peur. Le démon n'a pas peur de l'extérieur parce que les mots, ils inspirent même plus que ça. D'accord, frère? Vous souvenez quand on était à l'OPOM là-bas un de ces jours, quand Momo était là, Momo s'est levé, il y avait une fille qui avait. Vous vous souvenez de cet événement là? Cet enfant qu'on avait amené qui avait l'esprit de Python, qui était là, levez la main. Vous étiez là, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cette soirée? Je crois qu'il était, il était passé, le frère Jimmy était passé, Papa Tan était passé, le frère Michel, n'est-ce pas? J'en parle dans la réalité du monde spirituel, la première partie. Cette fille-là s'est passée, s'est placée au niveau. En fait, pourquoi nous faisons ces choses-là? Pour que chacun teste son niveau. Pour que chacun teste son niveau. C'était au cours élémentaire 1 là-bas. Il fallait savoir si on peut former les phrases que B, A, Ba. B, O, Bo, Ba, Bo. Alors, Momo, comme il sortait de Mahanaïm, là-bas, il y a les fraîcheurs, comme les chers de Jéhovah. Il se lève comme ça, boum. Subitement, il ne sait pas ce qui s'est arrivé. Il dit, monsieur Bounet, il dit que Momo, le démon n'a pas peur de la fraîcheur. Quand il s'est levé, souvenez-vous, la fille était positionnée comme ça, de ce côté-ci, elle était positionnée comme ça, comme Sangoku, vous savez, dans le film là, il se lève tout comme ça pour montrer que qui me peut ici dehors. Momo s'est levé de sa chaise comme ça, il était en noir ce jour-là, avec les chaussures comme pour Pasteur Christ là. Vous savez, il y a la bouche toujours. Les chaussures ont les gueules là pour tirer le démon. Il s'est levé comme ça. Lorsqu'il s'est levé, mais tenait au milieu là-bas, cette fille s'est tournée comme ça. Quand elle s'est tournée, on a boum. Deux éclairs sont sortis de ses yeux. Foum. S'est dirigé vers lui. Ça l'a paralysé, hypnotisé. Il s'est tenu là comme ça. J'ai dit, vous vous souvenez de cette phrase là, non? Momo, le démon n'a pas peur de la fraîcheur. Donc, ce n'est pas parce que tu es bien habillé qu'il a peur. Le démon a peur de l'autorité du Seigneur Jésus. Amen. L'autorité du Seigneur Jésus. Alors il s'est tenu là-bas. Et frère bien-aimé, lorsqu'il s'est levé sur sa chaise, a-t-il marqué un pas? Pourquoi il s'est tenu là debout, sans ouvrir la bouche jusqu'à ce que frère Michel prenne la scène? Malgré qu'il dit que Momo, voilà le démon. Comment lui devenir? Il est resté debout comme ça, toute la salle était debout. Vous toujours regardiez comme ça, non? La bataille spirituelle s'est passée. Vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que lui, il est vide. Il ne peut pas ordonner à un démon de marcher. Ça ne peut pas marcher. Or, cette chose-ci, faites de cette façon-ci, c'est pour montrer à chacun l'état où il se trouve. Parce que lorsqu'il sort par derrière, il dit que non, frère, je ne prêche ici. Moi, il peut prêcher comme ça. Ce n'est pas l'histoire du frère, je ne prêche ici. Tu peux prêcher mieux que moi. La question, c'est, est-ce ta limite? Enfin, lisons 2 Corinthiens avant que je revienne sur l'histoire de Momo. Lisons ça. Verset suivant. Chapitre, nous sommes dans chapitre 10 là. Il est dit, après verset 14. Allons-y, la suivante. 16. Et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous. Oui. Sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Vous entendez ça? Sans nous glorifier au-delà des limites qui sont assignées à d'autres. Donc chacun a sa limite. Allons-y, frère. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oui. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Voilà. C'est celui que le Seigneur recommande. Oui. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Oui. Mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Ça va. Si vous prenez votre lecture au-dessus du chapitre verset 13, au-dessus du chapitre de verset 13, vous allez remarquer que l'apôtre Paul va dire, si vous prenez le verset 10 en descendant jusqu'au verset 13, vous allez remarquer qu'il a dit que lorsque les gens se mesurent, ou bien se mesurent, comment? Verset 12, lis ça, frère. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns, oui, ceux qui se recommandent eux-mêmes. Oui. Mais en se mesurant à leur propre mesure, oui, et en se comparant à eux-mêmes, oui, ils manquent d'intelligence. Vous avez suivi ça? Les enfants qui sont au balcon, là, suivez, il y a des choses qui se lèvent là-bas. Je ne sais pas que quelqu'un lance quelque chose en bas là-bas. Donc, il y a des gens qui restent à la maison. Ils prennent la parole. Quand ils lisent, ils se comparent au frère Junior. Voilà sa mesure. Pourtant, Dieu peut vouloir l'utiliser au-delà plus que frère Junior. C'est ça le vrai problème. Donc, ça limite. La Bible déclare que si tu fais cela, tu manques d'intelligence. Tu n'as pas été mesuré par toi. Autrement dit, tu ne peux pas te glorifier parce que tu n'as aucune capacité. Tu vois cela? Tu n'as pas été comparé à une autre personne. C'est pour cela que l'imitation n'a pas sa place dans le corps de Christ. L'imitation n'a pas sa place. On ne peut pas imiter le fonctionnement de quelqu'un. D'accord? La seule imitation que nous avons à faire, c'est de suivre le modèle de sainteté, de suivre la voie droite du royaume. Ne sommes pas limités parce que quelqu'un est en train de délivrer de cette façon, on délivre de cette façon-là. Suivez attentivement ici. Maintenant, voici Momo qui se tient, il se lève, boum, l'esprit l'hypnotise. Il dit, frère Michel, lève-toi ici. Frère Michel se lève. Il dit, je te commande, parce que ça, c'est ce qu'on appelle en anglais boldness. Vous pouvez avoir l'audacité sans être sous l'esprit. Parce que gronder fort n'est pas l'autorité de l'esprit. D'accord? N'est pas l'autorité de l'esprit. Vous devez voir maintenant que les apôtres dans la Bible, l'autorité qui avait été reçue, que l'église primitive avait reçue, était une très haute autorité. Une très grande autorité parce qu'ils vivaient proche, le plus proche dans la sainteté. Bien plus, l'amour affluait dans leur cœur. Bien plus. L'amour pour le Seigneur et pour leurs semblables, c'était au point où les gens pouvaient vendre leur maison et donner. Combien pouvons-nous faire aujourd'hui? Pouvons-nous faire? Ils pouvaient vendre leur terrain, leur maison pour donner au bien, afin que ceux qui font. Mais aujourd'hui, chacun retient. Chacun retient. Mais on veut qu'on puisse manifester comme ça. Maintenant, ceux-ci marchaient avec l'autorité et la puissance du Seigneur Jésus. Regardez l'apôtre de Pierre ici. Il dit, je te commande au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Il s'est levé. Regardez-le avec dans Jean chapitre 9, là, pour le cas d'Orcas, là. Il allait, il s'est procédé à faire sortir tout le monde. Il est resté avec le cadavre. C'est déjà un défi de rester dans une chambre avec le cadavre. C'est déjà un défi pour les prédicateurs de rester dans une chambre avec le cadavre. Les pasteurs vont venir dire que les histoires vont seulement sortir la tête. On a entendu qu'un cadavre s'était levé dans une deuil, ça a giflé quelqu'un. Tu vas dire que, comme les pasteurs ont les deux gars, bras, les corps, ils vont dire que reste ici devant moi, les bras, les corps, parce qu'ils sont suivis sur le cadavre, c'est l'air, les gars du corps vont arrêter. Même le gars du corps fuit, dit que pasteur, ici, la cherche-toi. Alors Pierre a fait sortir tout le monde, il est resté seul avec le cadavre, il a parlé, on ne dit pas ce qu'il a parlé. C'est tourné, il dit Tabitha, lève-toi, c'est un défi. Tabitha, lève-toi, c'est un défi. Elle s'est levée. L'église doit être revêtue de manteau comme le maître. Maintenant, quand vous dites pourquoi l'église ça se manifeste en maintenant, combien de péchés avez-vous pendant que vous parlez là, à l'instant là, qui inondent vos pensées avec les mauvaises pensées? Combien? Ouais, cela n'est-ce pas? Le péché est ennemi de l'onction. Le péché, c'est l'ennemi de l'onction. La sainteté est l'ami intime de la manifestation de l'onction. Vous me suivez, frère? Donc, on n'a pas imité. Le frère Michel est venu. Approche ici au nom de Jésus. Qui bougeait? Qui bougeait? Quand il disait, approche ici au nom de Jésus, qui avançait? Donc, tu peux aller délivrer un esprit, l'esprit te délivre. Viens ici au nom de Jésus. Cette fille-là, vous vous souvenez, elle était en jean là, complet. Elle se tournait, regardez comme ça. Viens ici au nom de Jésus. Il dit, viens ici au nom de Jésus. Quand il finit de dire, viens ici au nom de Jésus, c'est lui qui avance. Je te commande, viens ici au nom de Jésus, tu ne comprends pas. Il avance encore. Donc il a dit, esprit, je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Frère Michel, ça ne l'a pas laissé. Papa Tanya est venu. Il croit que c'est le malade qui avait le fait corriger. Le big rouge de l'école ne fait rien au démon. Et toi, Jésus, je t'ordonne. À l'école, il peut taper les gens comme la chicotte. Mais avec la chicotte, déjà... ici, ce n'est pas la chicotte, c'est l'autorité. Non, c'est frère Jimmy qui n'est pas venu. Jimmy a parlé, il parle fort, il parle chez maman Véro. Quoi que, parler fort, ça effraie le démon. Ça n'effraie pas le démon. Il a parlé, parlé, la soeur qui était. La bouillie qu'ils avaient vue cette soirée-là, c'était fini. Après, t'as laissé avancer là. Il a fait un peu quoi, ça n'a pas donné. Frère, il faut avoir l'autorité. Remarquez bien comment cet enfant-là se comportait. Remarquez un enfant, pour que vous voyez, lorsque quelqu'un est bien portant et lorsque quelqu'un est sous forme d'esprit. Un abrisseau qui était là-bas avec les piquants des. C'est quoi, c'est le citronnel qui était le citronnier qui était là-bas avec les piquants. Il est allé à l'intérieur, vous voyez effectivement que c'est un bois. Parce que le bois, normalement, vous cherchez des endroits à l'ombre pour faire. L'enfant se frotte au niveau du ventre, sur le sable, pour aller se cacher là-bas à l'intérieur parce que l'autorité s'est manifestée. Et vous voyez, quand il est venu, il dit. Et ça, je ne parlais pas vrai. Je ne parlais pas, il fait comme ça. Il sort, ça ne l'amène pas vrai. On pointe le doigt sur lui, on fait comme ça, elle a d'avancer. L'aide d'avancer au milieu. Il dit, maintenant, fais comme ça, frère. Il fait comme ça, pam, là, l'esprit part. Je pose la question. Qu'est-ce qui est dans le doigt? Et quand on ne parle pas, pourquoi l'esprit entend? Alors, le Seigneur Jésus-Christ est descendu de la montagne avec ses trois disciples venant là-bas. Il a trouvé la vision et soufflé en bas. Et tu m'as dit, mais nous avons amené, je t'ai amené, ils n'ont pas pu faire. Mais la question des disciples que je vais vous amener devant. Les disciples avaient l'autorité d'abord de chasser tous les esprits et guérir tous les malades. Mais pourquoi ceci n'a pas été fait? Parce que les esprits sont catégorie par catégorie. La Bible les classe particulièrement en quatre catégories. En quatre catégories. Dans Éphésiens chapitre 4, chapitre 6 là. Il a dit qu'il y a les autorités. Il y a les princes, les principautés. Il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a les quoi là? Les dominations. Dans les quatre catégories. Ils sont classés comme ça, dans ces quatre catégories là. Alors, si tu chasses les dominations, ne sois pas surpris que tu puisses rencontrer l'autorité, tu ne puisses pas chasser. Vous avez suivi? L'ange même qui est descendu du ciel a dit que, dans cette dernière que nous avons lu aujourd'hui, a dit que cet ange-là a résisté 21 jours, non? Jusqu'à ce que Michael est venu lui donner le secours. Nous parlons des anges qui sont de la présence de Dieu. Et toi, tu es sur la tête, non, parce que c'est prédicateur. Jésus me connaît. Quand il fréquentait au séminaire, tu me connais. Que mon grand-mère tape le pied sur le sol comme ça, tu fais les pieds comme ça. Tu vois que le démon est frais parce que tu marches comme ça. Non. Si le démon a pu résister à un ange qui a reçu mandat de Dieu de descendre, de donner la réponse à Daniel. 21 jours de résistance. Donc si Michael ne venait pas, il serait en train de bagarrer. Toi, un maigrichon sur la tête, il dit que. Que si il parle, il ne peut pas rester. Satan me connaît, lui-même me connaît. Vraiment, il te connaît, il t'a formé à l'école théologique. Vous suivez, frère? Le Seigneur leur a révélé que ces gens ne sortent que par des jeûnes et par la prière. Donc, ils avaient reçu l'autorité. Mais en plus de l'autorité, s'ils avaient jeûné, ils auraient pu chasser ceci. Pas vrai? Jésus nous donne beaucoup d'enseignements. Les dons et les appels. Nous allons continuer ça dans la troisième partie. Que Dieu bénisse. Amen.